épisode 46. Bonjour à tous, vous êtes sur Upcast et on est parti pour quasiment un des derniers épisodes ou peut-être le dernier de la saison. On ne sait pas encore ça vraiment. Ça débattait avant. Ça débat juste avant qu'on enregistre. Je suis Grégoire, je suis l'hôte de ce podcast ce soir. Et je ne suis pas tout seul, hein, comme d'habitude, je suis avec mon compère Julien. Salut Julien. Salut à tous, hein, dans la chaleur de Issy-les-Moulineaux. Ah ouais, là il fait bien chaud. Toujours aussi Dim de l'autre côté, pour le coup un peu plus loin de nous, hein, je crois vers Metz. Hein. Salut Dim. Ouais, c'est ça, Metz. Ouais, ça, bah écoute, ça va bien, il fait chaud aussi, mais bon, je suis en mode claquette chaussette, donc tout va bien. Je vois cette image gravée dans mon esprit, ça y est, c'est magnifique, ça va commencer bien. Et puis un invité exceptionnel ce soir, hein, bien sûr, c'est Chine qui est avec nous ce soir. Salut Chine. Bonjour Internet. Bonjour Upcast, comment ça va? Bonjour Chine. Bah ça va bien, on est content que tu sois là, écoute. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas entendu dans un podcast. Ça fait très longtemps, ouais, ouais. Effectivement. Exceptionnel. Exceptionnel, hein. Avec deux S. Voilà. Exceptionnel. On vous découvre, ceux qui connaissent peut-être déjà sur Internet reconnaîtront la voix de Chine qu'ils ont pu entendre dans Au bas gauche droite à l'époque. Sinon, c'est pas grave. Et puis voilà. Ouais. Sinon, bah, vous le découvrez ce soir. Sinon, c'est pas grave. Je sais pas si Julien ou Dim, vous avez des petites questions pour apprendre à mieux connaître Chine, de type, c'est quoi ton épisode préféré de Star Wars, par exemple? Je pense à Dim ou des choses comme ça. Un épisode préféré de Star Wars? Ouais. Je sais pas, moi j'aime tout. J'aime pas différencier les épisodes, c'est comme Matrix, j'aime les trois. C'est vrai? Ouais, t'aimes les trois? Ouais. Ah, tu vois, on est déjà à partie pris, tu vois. Foutez-moi la paix, j'aime tout les Star Wars. Quelque chose de courageux déjà d'annoncer direct dès le début de ce podcast. Ouais, voilà, c'est pas mal. Je te félicite. Hein, le test, c'est vraiment Indy 4, tu vois. Si t'as mis Indiana Jones 4, tu oses faire les tests. Dans Indy 4, il y a des trucs qui ressemblent à du Indiana Jones. Je suis d'accord, voilà, merci. Voilà. Là, il y a débat. Non, c'est ça qu'on reçoit. Il y a du Indiana Jones dans Indy 4. Ouais, ouais. Je suis d'accord. Ouais, y a le nom, quoi. Y a il y a le chapeau et le fouet aussi. Non, il y a les fourmis. La scène des fourmis, si tu t'aurais foutu ça dans n'importe quel indie, ouais. ça passait. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à un des indies où il y avait les trucs avec les insectes. Là, j'ai oublié. Le frigo aussi. Le frigo. Non, le frigo, c'est de la merde. La scène avec les boîtes. Là, ouais. Dans l'ouverture aussi. L'ouverture avec toutes les œuvres. Les singes. Les singes, on en parle. Est-ce qu'on parle du moment où il fait avec la liane machin là? Non, non, les gars, ça va pas. Tout n'est pas parfait, mais il y a du indie. Il y a un esprit. Il y a un esprit. Bon, vous l'avez compris, gros débat. Bah, on n'arrivera pas cette année encore. Ce sera peut-être pour l'année prochaine. Bon, comme d'habitude, on va parler divertissement. Ça y est, c'est commencé le podcast, hein? Ah, il est commencé là. Ouais, il est commencé là. Tu vois, on est en freestyle. Hein, donc, il n'y a pas de montage. Non, pas non, de... Ah, non, en plus, il n'y a pas de montage. Hein, j'ai jamais monté. Ouais. Moi. Ouais. J'ai beaucoup descendu, mais j'ai jamais monté. Fais-le comme tu le sens ce soir. Comme d'habitude, je disais, on va parler divertissement, mais surtout ce soir, on va débriefer de l'E3. Hein. Je crois que Julien nous a préparé un très beau programme. On va essayer d'être pas trop long dans la partie divertissement. On va se lancer tout de suite. On va, avant de lancer la partie divertissement, juste faire la petite question. Hein. C'est vrai qu'elle n'est pas encore traditionnelle, donc je n'avais pas enregistré qu'on la faisait à chaque fois. On vous pose une question au début du podcast et on donne la réponse à la fin. Hein. Vous aurez reconnu l'influence également ici. Dim, je crois que c'est toi qui t'y colle cette fois-ci. Et c'est une question, je pense, qui va être difficile. C'est ça que tu nous as teasé un petit peu en off. Oh, pas spécialement, comme en tout cas, qui colle bien avec l'actualité, hein, avec la sortie récente de Wonder Woman. Donc il y a une question sur ce thème-là, alors je vous la pose. William Moulton Marston, le créateur de Wonder Woman, n'a pas inventé que Wonder Woman, il est aussi à l'origine d'un autre objet qui n'a absolument rien à voir. Quelle est cette invention? Alors, petit A, le talkie-walkie. B, les portes automatiques. C, le détecteur de mensonges. D, le papier bulle. Ah, il n'y a pas ma proposition. Chine, il sait, mais il sait une autre réponse. Là, j'allais dire le Wonderbra, mais c'était mort. C'est juste pour le jeu de mots. Excusez-moi. J'ai cru que tu savais vraiment, j'allais dire ces réponses collégiales. C'était soit ça, soit la Wonderbox. Ouais. Mais je crois qu'on n'est pas sponsor ici. Non, non, si, Allociné. Allociné et Paquito, ouais. le jeu de pommes. Ah, très bien. Paquito, ouais, qui est juste là, merci. Un très bon jus de pommes qu'on m'a promis pour venir. C'est pour ça que je suis venu. On m'a dit, viens, il y a du jus de pommes. Alors donc, est-ce que tu as une réponse, Julien, par exemple, à nous proposer? Est-ce que tu pourrais reproposer ce que j'étais un peu comment. Les mecs sont pas super concentrés. Non, j'étais un peu. Les quatre inventions, donc il y a en premier le talkie-walkie, ensuite les portes automatiques, le détecteur de mensonges et enfin le papier bulle. Moi je dirais le détecteur de mensonges, ça va bien avec les super-héros. Ouais, moi je dis ça aussi, moi. Je dis le détecteur de mensonges. Ah ouais, moi j'y vais à fond dans la techno, je vais dire le papier bulle. Le mec a révolutionné l'internet. Ouais, okay. Réponse en fin de podcast. Réponse en fin de podcast, et donc on lance la partie divertissement. Cette fois. Par partie divertissement, on va revenir avec une news que je fais un peu traditionnelle. Ça va être le podcast des marronniers, en fait. Hein. C'est les news que c'est le 3, c'est etc. Et non, bah, c'était point un peu le moment de me dire, tiens, j'ai pas parlé des femmes à Hollywood cette année. Comment ça se passe? Et j'avais envie un peu de parler du sujet. Bah, parce qu'il y a plusieurs actus qui m'ont fait, qui ont voilà, suscité un petit peu des débats dans l'actualité autour de ce sujet-là. D'abord, c'était Cannes. Cannes, on l'avait pas mentionné au moment où on a fait le débrief ensemble du festival de Cannes. Mais lors de la conférence de presse de 70e festival de Cannes, bah, il y a l'actrice américaine Jessica Chastain qui a profité un petit peu pour livrer ses impressions et se confier sur la représentation des femmes dans les films visionnés justement lors du festival. Et elle n'était pas très contente de ce qu'elle a vu. Hein. Elle a dit, en gros, il y a eu quelques exceptions, mais pour la plupart, j'ai été surprise, entre parenthèses négativement, par la représentation des personnages féminins dans ces films. Hein. Elle trouve qu'il n'y en a pas assez qui sont, on va dire, les héroïnes et les rôles principaux des films qu'elle a pu voir. Alors c'est vrai que du coup, elle en a profité pour encourager ainsi les femmes à écrire et à réaliser plus de films pour que la représentation des femmes puisse enfin changer à Hollywood. On n'était pas la seule à avoir parlé, parce que c'est vrai qu'à Cannes cette année, ça a été encore assez violent, puisqu'il n'y avait que 15,8% des films qui étaient réalisés par des femmes sur l'ensemble des films en compétition. Voilà, dans toutes les catégories, certains regards, tout ça. Ouais, 15,8% des films, c'est pas énorme, hein, on peut le dire. Voilà, on n'est même pas à 20%, même pas à 2 films sur 10, donc ouais. c'est un peu minable. Donc voilà, elle a pris la parole là-dessus, Jessica Chastain, et c'était pas la seule. Il y a Nicole Kidman aussi, qu'on a beaucoup vu à Cannes cette année. Ouais, Nicole qui était très bien présente. Hein. Elle était présente avec trois. Parfois, je vais intervenir comme ça. Je vais dire un truc qui n'a aucun sens, comme si j'étais pas là. Normal. Non, parce qu'on a fait quelques blagues un peu sur son physique un peu figé sur le dernier, donc je me suis dit peut-être qu'on va avoir quelques problèmes si on continue. Elle nous a écrit, mais bon. Elle a fait une vidéo. Elle est bon joueur. Elle a fait une vidéo. Elle est bon joueur. Non, elle a aussi parlé sur le problème des femmes. Voilà, elle a dit que bon, c'était encore une fois qu'il suffisait d'écouter les statistiques pour se rendre compte qu'il y avait un souci dessus. Bref, il y en a plusieurs qui ont pris la parole à ce moment-là, au moment du festival, dont on peut souligner également Kruger, hein, qui avait eu un prix d'interprétation, il me semble. Freddy, ouais. Dim qui n'est pas assez rapide pour Chine. Et Isabelle Huppert qui était présente également. Je peux tous les faire. Ça va être, il va être long ce podcast. Le podcast de 8h sur la chaleur des tropiques. Déjà qu'on a un peu chaud. Non, voilà, qui a dit 70 palmarès gagnants, mais un seul pour une femme, a déclaré Huppert, sans commentaire. Voilà, donc c'était. C'est Oscar. Tu parles de Cannes. Ouais, je parle de Cannes. C'était Alison Piano. C'était peut-être. Tu parles cette année ou tu parles dans l'histoire? Isabelle Huppert, c'était la pianiste. Oui. La pianiste, tout à fait. Ce film dans lequel elle va dans une cabine de visionnage pornographique, elle récupère des vieux mouchoirs pour les sentir. Ah, j'ai pas vu. Grand film. Tu me spoiles ce film? Ah, je te spoil le film. Parce qu'au début, on s'y attend pas. Tu vois, on se dit un peu qui c'est cette dame et elle fait ça, tu vois. Ouais, avec ce grand acteur, j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Le mec qui joue dans Marseille sur Netflix, là. Ah oui, Benoît Magimel. Ah, incroyable. Ouais. Incroyable acteur. Il fait des bisous. Bon, l'autre actualité pour laquelle je voulais parler un petit peu du sujet des femmes à Hollywood, c'est parce qu'on en a entendu parler à cause de justement Wonder Woman, dont nous parlait Dim avec sa fameuse question, hein, où on sait qu'on va avoir un point Julien et moi, mais a priori Chine, pas trop. Donc, voilà. Parce que bon, papier à bulle, c'est pas de l'invention. Parce que papier à bulle, c'est pas ça, hein, on le sait tous. Mais en tout cas, là, voilà, on s'était dit, il y a une bonne ambiance avec Wonder Woman. Est-ce que le succès de Wonder Woman va un peu changer la chose, changer la donne pour tout ce qui va être la place de la femme dans les réalisations au cinéma aux États-Unis, à Hollywood? Pas vraiment, peut-être pas, hein, parce que pourquoi? Alors pourquoi? Parce que déjà il y a eu un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème déjà au niveau de la publicité. Ah. Avant même de sortir le film, il y a eu un problème au niveau de la publicité pour Wonder Woman, puisque en fait plusieurs médias américains ont remarqué qu'ils ne voyaient pas de pub pour Wonder Woman. Ils ne voyaient pas de pub, en tout cas comparé à un Iron Man, un truc comme ça où tu es juste submergé. Les pubs à la télé, c'est vrai que les Américains font des pubs pour le ciné à la télé. Exactement. On n'a pas le droit. On a tout le temps, et là-bas il n'y en avait pas pour Wonder Woman, donc c'était très étonnant, et du coup plusieurs médias se sont un petit peu inquiétés de cette question. Et les internautes ont suivi en se demandant, mais pourquoi on voit pas de pub pour Wonder Woman, quoi. Donc ça c'est un petit peu étrange. Alors en fait, en se basant sur les chiffres, donc ça c'est Télérama, hein, qui nous donne ces informations là. Voilà, ils ont vu qu'en fait les dépenses étaient les mêmes, mais qu'elles étaient dans des médias effectivement qu'on n'utilise pas trop d'habitude pour faire de la pub pour des films, donc que c'était passé un petit peu inaperçu aux États-Unis. Du coup c'était où? Alors c'était lors des événements exceptionnels comme les Kids Choice Awards, la finale de la National College Athletic Association, enfin ce genre de truc. Ah, c'est moins prestigieux quand même. C'est moins prestigieux, et puis surtout ça touche moins de monde que juste quand tu fais plein de pubs toute la journée, etc. C'est une question de budget aussi. Alors non, parce que c'était la même somme. Ils ont mis ils ont pas écouté. Non, j'étais en train de tu travailles déjà j'étais en train de boire mon petit pomme Paquito, et voilà. Bon, en tout cas, malgré cette communication qui était en plus un petit peu étrange, parce que les pubs parfois ils ont noué des partenariats partenariat par exemple avec des marques comme Sintin, donc c'est on va dire des barres nutritives. Le mec il est partout, il n'y arrivera pas. Le mec il a fait écouter moi bien. Je pars au Stein avec mes lunettes, il ne veut plus faire Tintin. Ça parle mieux aux Américains. Non, c'est des barres nutritives pour maigrir en fait. Pas terrible comme sponsor pour Wonder Woman. Ouais, c'est voilà, limite. Ou également pour Wilkinson avec des rasoirs pour femmes. Donc vous voyez qu'ils avaient un peu sélectionné. Ah, les fameux rasoirs pour femmes, les roses. Voilà, exactement. C'est qu'on trouve. Les roses un peu plus chères. Voilà, c'est que vous trouverez facilement voilà. Chez votre champ préféré. Donc voilà, est-ce que du coup, malgré cette publicité, bah, vous le savez, vous l'avez peut-être vu autour de vous dans les médias. Bah, Wonder Woman a été quand même un énorme carton. Hein. Je sais pas si vous avez été le voir autour non. de cette table. Non, je ne l'ai pas vu. Non, perdu. Non. Mec, il pensait lancer un moi j'avais vu aussi, vu, ouais. Bien sûr, voilà. Mais justement, enfin moi, ce qui m'a un peu étonné dans ce film, c'est que j'ai pas spécialement trouvé que Wonder Woman est au premier plan. Enfin, si forcément, mais elle partage vraiment l'affiche avec le personnage interprété par Chris Pine. Donc voilà, ils sont pas non plus trop mouillés à mettre. Vraiment à 100% une femme au premier plan, j'ai trouvé. Bah c'est vrai que on la voit pas plus, enfin on la voit beaucoup, mais effectivement Chris Pine reste quand même très très important dans le film, quasiment en fait un second premier rôle quoi. Ah mais bah, ça c'est 50-50 je pense. Ça c'est le truc d'Hollywood, c'est-à-dire faut jamais que tu segmentes trop ton film, sinon voilà faut que tu plaises un peu à tout le monde donc. Bah ouais. C'est compliqué, je pense que c'est ça aussi, c'est des quotas. Néanmoins, quand même, elle a un peu marqué l'histoire d'Hollywood avec bah, des chiffres records. Hein. Dès le premier week-end, elle a cassé le record du plus gros film réalisé par une femme à Hollywood, de toute l'histoire d'Hollywood, etc. Donc elle a enchaîné les records comme ça. Donc c'est Patty Jenkins, hein, quand je dis elle, c'est la réalisatrice de ce film. Donc on se demandait un petit peu si à Hollywood, les gens commencent à espérer. Quoi. Est-ce que les choses vont enfin changer pour les femmes, puisque le taux de réalisatrice est encore très bas également à Hollywood. Donc on peut dire que malheureusement la défiance quand même continue apparemment à régner un petit peu à Hollywood sur les femmes réalisatrices. Bon déjà il faut rappeler que Patty Jenkins, qui aujourd'hui est couvert de laurier par Hollywood, avait été mise sur Thor Le Monde des Ténèbres en 2003 et qu'elle avait été virée par la production avant même qu'elle arrive à finir le film. Comme quoi tu peux revenir après. Comme quoi ça. Elle a réussi à revenir, mais je pense que c'est pas n'importe qui. On va dire que j'ai l'impression que Patty Jenkins, en tout cas c'est mon avis, va être plus un cas à part que vraiment la pionnière qui va ouvrir la voie à d'autres femmes réalisatrices de blockbuster aux États-Unis. On verra, hein, puisqu'il y en a eu d'autres qui avaient essayé par le passé, qui sont un petit peu retrouvées blacklistées à Hollywood. On repense à la réalisatrice d'Aeon Flux, qui était sortie en 2005, hein, qui s'appelle Karine Kusama. Comment oublier ce film ? Voilà, qui avait bon, pas trop bien marché, et du coup, on n'a pas réussi à la remonter. Aeon Flux ? Non. C'est vraiment pas terrible. Hein, bah, je te fais le son là. Connais pas. C'est le son, je ne connais pas. Ouais, il n'avait pas trop bien marché, ça m'étonne pas que tu connaisses pas trop. Je pense pas qu'il soit très connu ce film, c'est vraiment pas terrible. Ah, si je connais c'est pas, un des premiers rôles de Charlize Theron, si je dis pas de bêtises. Aeon Flux ? Je crois. Ben je sais pas, j'avoue que je ne sais pas. En tout cas, bon voilà, Patty Jenkins, aujourd'hui, elle est en odeur de sainteté, mais c'est pas certain. On verra si elle arrive à. Elle a même pas encore signé tout à fait pour le 2, je crois. Dim, tu peux me confirmer ça ou pas ? Toi, tu sais là, ouais, elle est en négociation, mais c'est pas encore sûr. Qui est au courant de tous les dossiers. Dim, pour l'instant, c'est en passe d'être signé, mais ouais, c'est des réponses de mytho, ça. On connaît les réponses de elle mytho. Elle m'a appelé. Ouais, ça discute. Ça discute. Dans un bureau, là, je pense qu'ils sont réunis. Énorme risque en répondant ça. Ça discute. Donc voilà, bon, et on va passer à la news suivante. Justement, bah, Dim parlait un petit peu. Dim, donc c'était pas un débat en fait, c'est ça ? Non, j'ai pas dit que c'était un débat. Je sais pas, tu veux donner ton avis ? Non. Par contre, moi je voulais juste. Je pense que t'as pas vu le film, c'est le moment idéal pour donner ton avis. Marvel Studios, ils ont eu un peu une sale image avec ça. C'est que pour le film Captain Marvel, ils voulaient absolument avoir une femme pour faire un peu comme Wonder Woman, vu que c'est avec un film avec une héroïne, et en fait, c'est un tandem, un homme et une femme, et je sais qu'ils ont eu pas mal de critiques par rapport à ça, comme quoi ils avaient pas pris juste une femme pour faire le film. Ouais, c'était un peu au moment comme Deadpool où tout le monde voulait faire son film R, quoi. Maintenant, tout le monde veut faire un film avec une réalisatrice nana, quoi. En gros, c'est un peu une mode, on verra si ça va durer. A priori, je ne pense pas. Ça, c'est mon avis. Ouais. Faut qu'elle croque des boules de glace. Ça y est. La fameuse scène de Wonder Woman. Pour ceux qui l'ont vu, Dim, je te laisse la parole justement. Tu vas nous parler de série pour continuer un petit peu. Ouais, alors un mini point série. Je vais commencer avec Tales from the Crypt. Donc, Greg, tu nous en avais déjà parlé. Le network américain TNT a acheté les droits à HBO pour reprendre la série des Contes de la Crypte. Mais déjà là, des problèmes juridiques se posaient, entre autres, comme l'interdiction d'utiliser la marionnette du Crypt Keeper. Putain, c'est la blague que j'allais faire. Ils n'ont pas réussi à signer le squelette. C'est ça. Voilà. Le mec a pas voulu revenir. Il lui manque ses deux mains, il ne peut plus signer. mais aussi toute une autre série de problèmes du même type. qui fait que la série est un peu au point mort. Le site Deadline explique que TNT est lassé de négocier avec HBO et serait prêt même à laisser le projet de côté pour privilégier une série de SF produite par Ridley Scott. Bon, c'est un peu dommage tout ça parce que bon, ça avait l'air plutôt cool. Et, je me rappelle, on avait fait un point trailer là-dessus. Ouais, on avait vu avec la une annonce, vidéo. Ouais, voilà, c'était pas mal, hein, ça avait l'air pas vidéo, mal. On était quand même plus ou moins convaincus, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Ouais. Qui c'est qui a racheté? C'est AT&T ou TNT? Excuse-moi, je c'est TNT. TNT, très bien. TNT. Voilà. C'est pas pour moi, c'est pour le boulot. C'est mieux en français. C'est pour lui. C'est des concurrents, apparemment. C'est pour savoir. Qui est pas content. Ouais, c'est pour savoir. Et je vais continuer avec l'adaptation d'un jeu vidéo. Donc, les têtes pensantes de Marvel Studios, les frères Russo, ont beau être occupés par la réalisation d'Avengers 3 et 4. Ils trouvent quand même le temps de produire une nouvelle série qui adaptera le jeu sorti récemment, Little Nightmares. Ce sera une série d'animation dont le pilote sera réalisé, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, par Henry Selick. C'est le réalisateur de L'étrange Noël de Monsieur Jack ou Coraline. Bon, par contre, il faudra patienter car pour l'instant, aucune date n'est encore prévue, mais ça peut être sympa comme série. Carrément, les frères Russo, on va voir. Hein. C'est tout sur les news séries, Dim? Ouais, bah c'était, j'avais marqué mini point série. Hein. Non, mais c'est des pailles d'accusation. Il a un foutu, quoi. Moi, je trouve ça bien, moi, c'est bien, c'est ouais, clair, c'est concis. C'est vrai, c'est rapide. Shin, toi, tu voulais parler de. Alors, je sais pas si c'est une série, donc je te passe la parole à ce moment-là. Mais dire, bon, on m'a demandé d'écrire des trucs sur votre compte. Terrace House. Ah oui, donc Terrace House partie 3 est sortie. Il faut savoir que Terrace House, c'est une série qui existe depuis une série. C'est une télé-réalité. C'est pire que ça. Ouais, c'est une télé-réalité. Oula, Upcast est en train de tomber bien bas. Non, vous allez remonter. C'est une télé-réalité japonaise. Donc pour aller voilà, c'est une télé-réalité japonaise qui est sur Netflix et qui est apparue sur Netflix chez nous depuis quelques mois, depuis 6 mois, 1 an, je sais plus, qui a commencé donc par une série donc alors comment décrire ça, ça existe depuis très longtemps, Terrace House, ouais, au Japon. Ça a été récupéré par Netflix et c'est donc distribué mondialement. Et Terrace House, c'est l'histoire de personnes qui sont mises dans un appartement comme dans n'importe quel vulgaire love story. Ouais. Ou c'est quoi les nouveaux trucs? Aucune idée. Bon, bref. Mais, ouais. Donc en fait, ils sont mis dedans, c'est des jeunes. À la différence que, un, ils sont polis. Ils sont japonais. Ils sont japonais, mais bon, bref, les stéréotypes, on va peut-être pas, je sais pas. Bon, en tout cas, ce sont des jeunes gens polis, cultivés, propres, qui ont beaucoup d'attention envers les personnes qu'ils rencontrent, avec qui ils discutent, et qui mènent leur vie en fait, de tous les jours. C'est-à-dire que l'appartement Terrace House, c'est juste une coloc, en fait. Et ils sortent la journée pour aller faire leurs activités, du sport, aller bosser, tout ça. Ils rentrent le soir. Ils sont au Japon. Ensemble. C'est au Japon. Ça se passe. C'est au Japon. La première saison, vous pouvez aller sur Netflix. Ça s'appelle Boys and Girls in the City. Okay, ça se passe à Tokyo. Et il y a une deuxième saison en cours qui est Aloha States, qui se passe à Hawaï. Vous savez, Kawaii, c'est entre donc il y a une population américaine et japonaise mixée dans ce truc-là. On apprend ça dans, moi j'apprends ça dans Aloha States, et donc c'est à chaque fois divisé en plusieurs parties qui sortent. Et là, il y a la troisième partie est disponible sur Netflix. Mais donc c'est pas des acteurs les mecs. C'est pas des acteurs. D'accord. Ce n'est pas une fiction. D'accord. Il y a rien de scénarisé. On leur fournit. C'est dit au début de chaque épisode des jeunes gens qu'on réunit dans une belle maison. On leur fournit une voiture, un appartement, voilà, et rien n'est scénarisé. Et ce qui est bien en plus, c'est que pendant qu'on regarde Terrace House, t'as des présentateurs qui regardent en même temps que nous ce qu'on voit. Okay. Et ils commentent. Et ils commentent après. C'est-à-dire qu'en fait, t'as une séquence de 10 minutes qui va se couper et là, les mecs retirent leur oreillette, ils font « Ah !» et tout. C'était trop mignon et tout quand il a fait ça et tout. Il faut savoir qu'en fait, on a une espèce de découverte des relations humaines à la japonaise qui sont vachement, je vais pas dire codifiées, mais tellement zen. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pas peur de s'installer, de se regarder dans les yeux et puis de parler de leurs sentiments, tu vois. Et leur dire, mais qu'est-ce que tu penses de cette personne? Enfin, moi, je pense que tu es quelqu'un de très gentil, mais que tu devrais pas dire ça et tout. Et c'est zen, tu vois. Et parfois, même dans la saison 1, ce qui est impressionnant, c'est que les mecs, ils s'énervent. Ils vont s'engueuler, tu vois, mais t'as pas un mot plus que l'autre. Nickel. Et c'est ça, en fait, la différence avec. Mais c'est pas trash, quoi. C'est-à-dire non, c'est pas trash. Ouais. Et c'est super plaisant à regarder. C'est-à-dire que tu ressens de ce truc-là, t'as envie de dire, j'ai envie d'être une personne un peu plus. Un peu moins conne, tu vois. T'es le meilleur dans ma vie. Donc voilà, non, c'était juste pour dire, la partie 3 est là, et donc plusieurs amis à qui on avait parlé. Voilà, sur internet et tout, qui sont tombés dedans à mort. Donc, on m'a prévenu que c'était sorti, très content. Donc là, je suis en plein dedans. Il y a des personnages en plus de la saison 1 qui reviennent. Enfin, de la c'est saison 1 c'est toujours les mêmes personnes qui pas sont. Pas du tout. Non. Pas du tout. Il y a toujours 3 garçons, 3 filles. Ouais. Ils partent quand ils veulent. Ah oui, d'accord. Ils font, c'est bon, moi j'ai fait ce que j'ai à faire, je m'en vais. Et donc, du coup, t'as quelqu'un d'autre qui arrive et qui découvre la personne. Ouais. Ils partent en rancard, donc ils filment les rancards quand ils sont à l'extérieur. Donc, il n'y a pas ce côté rat de laboratoire qu'on enferme. Il y a quand même un peu des rancards, tu dis là. Ouais, il y a des rancards parce qu'en fait, ils sont là pour faire des rencontres. Il y a trois garçons, trois filles, ils sont là et tout, ils sont polis. Parfois, il y a pas de rencontres, il y a très peu de couples. Ouais. Il y a très peu de couples. Hein. Sincèrement, il doit y en avoir un, deux, trois max là sur les deux saisons que j'ai regardées. Mais parfois les mecs disent bah tu fais quoi toi aujourd'hui, bah moi rien, on est tous les deux à la maison, les autres boss bah écoute viens on va à la base balader, tu les suis filmer rendez-vous et tout, ils bouffent. Je suis intrigué j'avoue. En plus ça donne envie de bouffer, ils bouffent tout le temps. Ah ils bouffent tout le temps et puis toujours ma. Japonais a priori ma c'est bon tu vois. Et c'est là que vous apprendrez qu'on peut parler la bouche pleine mais en mettant la main devant la bouche. C'est trop mignon. Non, c'est marrant parce que c'est un truc qui est diffusé sur donc Netflix US. Netflix France, US, ouais. Ouais. Mais c'est quand même qui est en langue japonaise. C'est totalement japonais. Ouais. Donc c'est totalement assez... sous-titré. Ouais. Voilà. D'accord. Parce que c'est rare en fait pour. Tu vois, ouais, ouais, mais il faut regarder, c'est vachement bien. Bon, parce que moi j'en ai entendu parler dans. Je crois que c'est Gaijin Dash qu'on avait parlé. Je sais pas si c'est pas Greg qu'on avait parlé en disant voilà, la saison 3 arrive. Moi je connais pas du tout et tu sais, pour eux c'était un événement, tu vois. Donc, faut que tu commences, c'était vite à couper. Non, ouais, non, c'est mortel. Franchement, tu rentres dedans, ta chaîne, mais vénère. Je savais pas que Netflix faisait un peu les trucs comme ça, télé-réalité et tout, mais bon, pas vraiment télé-réalité. Super bien Netflix. Si, c'est de la télé-réalité. Mais t'es pas obligé, tu peux avoir des angles différents. Mais c'est de la télé-réalité, sincèrement, elle est humaine quoi. Intéressant. Toi, Koh-Lanta, c'est de la télé-réalité quelque part. Mais c'est différent. Ouais. Tu vois, tu peux l'emmener, pas obligé de faire du trash ou. Non, c'est pour ça. Il y a un peu de trash dans Koh-Lanta quand même. Même si on regrette quand même l'île de la tentation. Ah oui, diffuser, tu vois. Par quand même. Putain, les Marseillais, quoi, tout ça. Ouais. Bon jeu. Non, je pense que dans l'île de la tentation, au moins, il y a un projet, tu vois. Dans les Marseillais, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet. Non. Tu vois, pour peu que j'en connais, il n'y a pas de projet. Si tu mets des mecs qui ont déjà fait des. Voilà, ils s'embrouillent toute la journée quand tu vois le zapping, les mecs s'embrouillent. Non. Il y a le projet. Dans l'île de la tentation, il y a un vrai projet. Il y a un projet de couple. Ça va partir en couille, tu vois. Il y a un projet d'union. Ouais. Projet de respect. Ah, moi, je regardais, moi. Je me rappelle celui qui chialait tout le temps parce qu'il était loin de sa copine. Non, mais c'était quelque part. C'est de qui je me souviens, moi. Moi, je me souviens d'un mec. Je me souviens d'un mec en slip, il était bodybuildé. Ah, yes, tu vois. Un mec du Nord. Un mec du Nord, mais t'es pas super mignon, tu vois. Ouais. Et le mec, il est avec sa meuf, tu vois. Mais tu sens qu'il n'est pas super attaché. Et en fait, tu vois. Il essaye de plaire, mais. Et il drague toutes les meufs. Ah, putain, il n'y arrivait pas en plus. Et les meufs, je comprends pas. Moi, je suis sur l'île de la tentation, mais je veux pas qu'on me tente. Mais là. Non, mais le pire, c'est que même les filles qui étaient un peu payées pour ça, elles ont. Non, elles voulaient pas. Ouais. Et lui, il était vénère. Il en pouvait plus quand il faisait des rencarts avec les filles. Non, ça marchait pas. Elle soufflait et tout. Ah ouais, non, je me rappelle de lui, ouais. Non, non, non, ça c'était. Il y en a eu des mythiques. Brandon avec son bâton. Ouais, ouais. Non, moi, il y avait un projet de divertissement. Je suis d'accord. Il y avait un truc. C'est vrai. Ça va être le grand écart absolu là, pour la transition. Ah, tu veux parler de quoi? Parce que je voulais te filer la parole, Julien. Il a fait des grands écarts filmés sous tous les angles. On voulait parler de Kechiche et de sa palme d'or. Donc voilà, je vous laisse tout de suite. Le niveau remonte. Voilà. Moi, j'ai préparé un peu des news un peu, tu vois, ouais. Haut de gamme. Tu savais ce qui allait se passer. Voilà, je savais qu'il venait, donc je me suis dit. Moi, ma vie, je viens avec mes bagages. Je viens avec ce que j'ai. En même temps, là, c'est un peu insolite, tu vois, c'est un peu cocasse. Donc voilà, tu peux avoir remporté une palme d'or et financer un film, ça reste toujours très compliqué. Mmh. Voilà, tu peux te dire que Kechiche, il a pas de mal pour monter ses films. La vie d'Adèle, c'était palme d'or. Il a eu un succès aux États-Unis en plus. Des Césars. Bon, après, il a pas mal de problèmes aussi avec les procès de ses techniciens, donc peut-être que ça joue aussi. Et donc en fait, là, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à boucler le montage financier de son prochain film, hein, dont on avait parlé ici, qui s'appelle Mektoub My Love. Et donc en fait, ce qu'il va faire, il va mettre sa palme d'or aux enchères. Donc c'est sa société de production qui a annoncé l'étonnante nouvelle via un communiqué de presse. Donc en fait, ils ont déclaré, afin de réunir les fonds nécessaires pour terminer la post-production sans plus de délai, la société française de production et de distribution Katsu. Katsu, hein, c'est 4 sous. Ouais, tu vois, du coup, ouais. Pas Katsuni. Ou, je suis devant ta blague. Ou, là, il est méfiant maintenant. Voilà. T'es tombé tellement. Oh là là. Ah, je me suis dit, il va la faire. Donc, ah, voilà. Tu t'es piégé tout seul. Donc Katsu. Voilà. On va s'arrêter là. Vend aux enchères des souvenirs en rapport avec le travail de Kechiche. Et les objets vendus vont de la palme d'or aux peintures à l'huile qui jouaient un rôle déterminant dans la vie d'Adèle. Alors en fait, ce qui se dit, c'est que la toile de fond de cette affaire, c'est apparemment un litige avec France Télévisions, puisque en fait, le film en question, donc Mektoub My Love, devait être présenté en compétition au dernier festival de Cannes en mai dernier. Et en fait, il a été exclu au dernier moment, puisque Kechiche avait expliqué avoir signé donc, un contrat avec plusieurs financiers. Et le problème, c'est qu'à la base, il avait signé pour un film, et apparemment, à l'arrivée, il y a deux films. D'accord. Donc je ne sais pas si c'est en deux parties ou si finalement il a utilisé l'argent pour faire deux films. Donc ça a créé un litige avec France Télévisions qui a retiré ses billes et donc le film a dû... Et tu sais quoi ? S'embrouille pas avec France Télévisions. Bah, c'était la preuve, c'était chaud. Tu te retrouves à vendre, ils t'envoient une tête de cheval ou ils t'envoient ils sont fous. France Télévisions, tu rigoles pas avec eux. Donc voilà, si tu veux acheter une palme, on pourrait essayer de la financer. On pourrait ouvrir un Patreon par exemple. Je serais curieux de savoir combien elle va se vendre, quoi. Tu vois, tu nous diras surtout. Tu sais quand est-ce que c'est cette enchère? Non, je sais pas quand c'est. Est-ce qu'elle est en or, la palme d'or? Je pense qu'elle est en or. T'as potassé un peu ton. Non, j'ai pas du tout regardé si elle est en or. Parce que ça se trouve, déjà, il y a un prix minimum. Peut-être, déjà, rien que pour la matière. Je pense que c'est le truc qui doit valoir le plus cher, à la fois pour des raisons. Historique et en même temps je pense que financièrement ça va être quand même le truc qui doit être le plus se dit qu'il y a Priot qui va l'acheter, je pense. T'as un pote qui s'est connecté qui joue à Rocket League? Ouais, il y a du monde là, je le vois aussi. Équipé les deux sont connectés là. Ouais, les deux sont sur Steam là Greg il est équipé, il y a un truc Microsoft là, c'est parti là, c'est... Donc voilà, c'était pas une news haut niveau parce que c'était simplement l'histoire de voir s'il vendait sa palme avec notre partenaire Microsoft. Je me permets, j'aimerais bien payer pour venir si Microsoft veut nous envoyer des tablettes. On n'a pas de partenaire en fait. Moi j'en ai, mais moi je suis avec mes sponsors. Ah, t'es venu avec tes sponsors? Parce qu'un jour il y avait en fait une marque de casque, je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote, qui voulait nous sponsoriser. Sérieux? Non mais en fait c'était drôle, il nous envoie, je sais pas, la fille de la com nous dit voilà, on a des casques machin, elle fait la présentation, elle dit vous faites combien d'écoutes? Et donc on dit, j'ai bu à l'époque, je sais pas, c'était genre, on a dit ouais on fait 1000 écoutes, je sais pas, un truc comme ça, et elle fait merci et à bientôt. Merci, au revoir. Merci, c'est gentil. Voilà, donc merci chers auditeurs, grâce à vous, on a pas de casque. C'était une marque scandinave. Ouais, je sais pas, mais on aura refusé. On aura refusé. Bah, je suis pas sûr. Moi. Non, on peut pas être acheté comme ça. Mais... Moi, je peux. À part par Paquito et par Allociné. Vous pouvez m'envoyer des emails. Alors, je passe la parole à Dim. Dim, que je sais pas si tu vas nous parler de films ou de séries. Tu parles d'adaptation. Mais je ne sais pas. Les deux, figure-toi. Vas-y, raconte. Alors, je vais commencer ce point avec un film d'animation qui a eu un joli petit succès bien mérité. C'est Your Name. Ouais, le film sera adapté en manga 3 tomes et en roman. Les deux sont écrits par le réalisateur du film, donc Makoto Shinkai. Chose qu'il a l'habitude de faire lui-même, car il avait déjà adapté ses précédents films comme 5 cm par seconde ou The Garden of Words. Ça, c'est ma vie, ça. C'était quoi la blague? Je vais pas entendre. Vas-y, enchaîne. Laisse tomber. Donc, il y a une bonne excuse pour prolonger l'expérience et retrouver ses personnages. Donc, ça sort le 5 juillet chez Pika. Et c'est pile poil pour Japan Expo. Et je continue avec une adaptation d'une série qu'on adore, Greg et moi, c'est Black Mirror. Ah ouais. Donc, ah ouais, moi aussi j'aime bien. Ouais. Tu peux me rajouter au trio? Ah ouais, tu peux rajouter. Je t'inscris. Ouais. Ok, je mets plus Black Mirror. Plus Chine. Voilà. Très bien. Voilà. Et allez à la Japan Expo, si vous aimez la chaleur, il faut y aller. C'est ça, il y a ce soir ici, autour de cette table, et la Japan Expo. Ah, c'est les meilleurs stands de chaleur de Paris. Ah, il y a de la chaleur, mais... Tu veux tester les ventilos ou la clim? Ah, ouais. Vendeur de clim ou vendeur de bouteilles d'eau à la sommette. Bon, Dim, Black Mirror. Une saison 3. Vous... Charlie Brooker a annoncé la sortie d'un roman estampillé Black Mirror pour février 2018. Comment il s'appelle, tu dis? Celui-ci gardera l'aspect anthologique de la série Brooker, avec plusieurs nouvelles confiées à trois auteurs différents qui sont apparemment connus mais encore tenus secrets. Et bien évidemment, ça ne sera pas une adaptation des épisodes connus mais de nouvelles histoires que l'on nous promet sombres et satiriques à l'instar de la série. Donc c'est assez cool comme news, mais j'espère que c'est pas une façon polie et déguisée de nous prévenir qu'il n'y aura pas de saison 4, vu qu'en ce moment Netflix fait pas mal le ménage. Non mais ça c'est impossible, ça a vachement marché la saison 3 de Black Mirror, j'ai l'impression sur les réseaux sociaux. Sense8, ça marche bien aussi, Sense8. C'est pas faux. Mais c'est trop cher. Non, Sense8, je crois que ça marchait pas top. Il n'y a pas assez d'audience, ils ont des fautes d'audience. Et Get Down aussi, c'était pas? Ouais. Non, c'est pas Il y avait aussi, tu sais, c'est l'histoire dont j'avais parlé la dernière fois avec Baz Luhrmann qui voulait. Je sais pas si tu veux en parler aujourd'hui de. Non, enfin, je sais pas si tu veux en parler, mais j'avais pas. Des annulations? Ouais. Je m'étais renseigné au cas où. Sense8, ça s'arrête parce que. The Get Down, ça s'arrête parce qu'il a pas le temps, le mec. Baz Luhrmann n'avait pas le temps, on en avait un petit peu parlé, ouais, déjà. Et puis Sense8, effectivement, tout simplement, il n'y a pas assez d'audience. Donc malgré la pétition de je sais pas combien de millions de personnes qui ont signé pour que ça continue, ça n'a pas marché. Parce qu'ils voulaient faire 4 saisons, les Wachowski. Ouais, parce que moi, s'il faut signer, moi, je veux bien signer pour que ça s'arrête. Moi, j'avais essayé, j'avais essayé de regarder. C'est chiant. Je donne mon avis. C'était chiant. Ah, j'avais essayé de regarder le premier épisode genre 3 fois. J'ai jamais réussi à aller jusqu'à la fin du premier épisode. J'en ai regardé un peu plus, tu vois. C'était affreux. Mais j'ai fait ouais, non, laisse tomber. Ah, moi, j'ai pas accroché du tout. Ma femme a adoré, donc tu vois, je comprends. Voilà, on peut. Ah, c'est clivant. Tu sais, il faut dire ça à un moment donné dans les podcasts. Ouais, c'est quelque chose de clivant. C'est quelque chose, ouais. C'est une série qui segmente. C'est segmentant. Alors que The Get Down, moi, j'ai regardé The Get Down partie 1 et début. Tiens, était pas mal. Ouais, j'ai même adoré. Ouais. Ah ouais, voilà. T'as adoré. Moi, j'ai adoré jusqu'à là, moi. C'est spécial la mise en scène quand même. Ouais, mais c'est très poétique, tu vois. C'est un peu limite, à la limite du rêve, toi. C'est, ouais, c'est voilà, un peu. Bah, c'est du théâtre, quoi. Enfin, voilà, c'est beau. C'est beau, ouais, bon, bah, ça s'arrête. Mais en même temps, c'était le, pour parler des annulations, c'est un peu les premières fois qu'ils annulent, à part c'est Marco Polo, mais bon, Marco Polo, tu nous en as parlé, c'était un peu un fiasco. Ça ne marchait pas. C'était extrêmement cher, mais le truc, c'est que c'est un peu les premières fois où ils ont une logique vraiment commerciale dans la production de leur série, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est les déclarations qu'ils ont faites. Ils ont été dans ce sens-là en disant que voilà, ils aimeraient d'ailleurs annuler plus de séries. Oui, maintenant parce que ils ça veulent. Netflix aussi, mais ils veulent devenir un réseau normal, on va dire. Avant, ils annulaient jamais aucune série. Ouais. Marco Polo avait été la première, en fait, hein, à cause de son budget de 300 millions de dollars, qui avait rien rapporté, quasiment pas assez, enfin pas assez d'abonnés par rapport au coût. Là, maintenant, ils vont s'y mettre beaucoup plus sérieusement. Mais alors, est-ce que Black Mirror est concerné là, c'est du produit d'appel. C'est des produits d'appel. Bah, Black Mirror, ils constatent si ça. Black Mirror, c'est valeur sûre. C'est clairement un produit d'appel, Black Mirror. Par contre, j'ai lu un truc qui peut vous intéresser en termes de point de vue. Ouais. Il est intéressant aux États-Unis de noter que il est important parfois de rater et de s'afficher en tant que société de rater des projets. Ouais, c'est vrai. Ça montre que tu prends des risques et que tu prends des risques. Il y a des choses qui ne marchent pas et du coup, ça plaît plus aux investisseurs, une société qui prend des risques plutôt qu'une qui pantoufle, qui fait que des trucs qui marchent à coup sûr et qui finalement risque de s'endormir sur ses lauriers dans les années à venir. Ah, c'est ce que disait le dirigeant de Netflix. Hein, voilà. Il disait plus on prend de risques, plus ça veut dire qu'on a des projets qui sont originaux et qui sont intéressants et qui peuvent servir de produits d'appel pour les abonnements. Bon, après Netflix, ils ont déjà pris pas mal de risques comme ça, tu vois, dans la carrière, dans la vie de Netflix. Avant, c'était quand même un truc qui louait des DVD, quoi. Oui, puis ils continuent à en prendre toujours. Ils sont toujours pas rentables. Hein, alors certains disent ils continuent à House of Cards. Alors que finalement, ils devraient peut-être arrêter. Et ils arrêtent Sense8, alors qu'ils pourraient peut-être continuer. Alors moi, j'ai pas vu la série, mais ça n'a pas l'air d'être une grosse perte pour Chine. Mais il y avait quand même une grosse communauté. 500 000 signatures, là, je viens de revérifier vite fait. 500 000 signatures, c'est pas mal quand même. Puis quand on va sur les réseaux sociaux, dès que Netflix passe quelque chose, les commentaires, c'est que rendez-nous Sense8. Il y a une grosse communauté autour. Par les thèmes de la série abordée, il y a une grosse communauté autour. Bah, le truc en plus, c'est que c'est rare une série LGBT aussi clairement revendiquée. C'était peut-être même une des premières fois. Et le fait qu'elle soit annulée porte aussi un coup à la visibilité LGBT dans les séries. Donc en plus de ça, il y a des gens qui ont été mobilisés pour la pétition, pour ça. Alors qu'ils n'avaient pas forcément même vu la série. Après, est-ce que c'est pas bien que Netflix commence à annuler des séries? Enfin, tu vois, quand ils ont annulé Marco Polo, c'était pas une grande perte. Oui, personne n'en a parlé. La Sense8, pour Chine et pour moi, c'est pas une grande perte. C'est vrai, je suis méchant. Mais moi, ça me ferait chier pour Black Mirror maintenant, tu vois. Je me dis, bon, s'ils commencent à annuler des séries, il va falloir montrer qu'on les suit et montrer qu'on les aime. Et bon, c'est un peu relou. Après, ils ont tellement lancé de nouveaux projets qu'au bout d'un moment, tu peux pas non plus. Enfin, tu vois, ils peuvent pas financer tous les projets. C'est logique qu'il y ait des séries qui s'arrêtent. C'est sûr, quand ils ont commencé, forcément, c'était un peu l'Eldorado pour tous les types qui venaient avec un projet de série, quoi. C'est peut-être plus compliqué, quoi. Je pense que c'est toujours l'Eldorado, hein, vu le cinéma. Parce que Netflix produit du cinéma, ils arrivent à avoir des gros acteurs, ils prennent des risques aussi sur des films. Hein, on l'a vu au Festival de Cannes, et des films qui sortent avec Brad Pitt. T'avais fini ou pas sur les adaptations, Dim? On a un peu détourné la note de Black Mirror. Bon, justement, parce que comme Julien parlait des adaptations de Netflix et que tu parlais d'Okja, justement, des projets cinéma de Netflix, on sait que on avait pas mal entendu parler d'Okja là à Cannes avec la polémique qu'il avait créée parce que produit par Netflix justement et en compétition officielle à Cannes, et il y a eu encore du renouveau du mouvement, je crois, du côté d'Okja. C'est pas tant le produit par Netflix que le pas diffusé en salle de cinéma qui posait problème. Ouais. Ouais. Il y avait un peu des deux en fait. Mais justement, on pensait que tous les problèmes autour de la sortie du film de Bong Joon-ho, Okja, étaient essentiellement franco-français, voire franco-cannois, puisque ça avait vraiment éclaté au moment du Festival de Cannes. Donc il y avait eu la menace d'exploitants du cinéma français, il y avait les discussions avortées entre Netflix et le festival, il y a eu la première projection où les gens avaient sifflé le logo Netflix et la projection a été un peu chahutée, il y avait eu 10 minutes qu'ils avaient dû relancer, donc c'était un peu problématique. Donc là, à l'époque, nous, on avait surtout parlé de chronologie des médias et d'étroitesse d'esprit du festival, donc on avait un peu on avait vraiment fait un problème vraiment très franco-français. Et en fait, la vie d'Okja, elle est dans les sables obscurs, elle est pas seulement mouvementée en France, elle est également mouvementée en Corée du Sud, donc le propre pays du réalisateur. Donc là-bas, il devait sortir le 29 juin, soit le lendemain de la disponibilité sur Netflix. Mais ça, c'était en fait avant que les trois plus gros réseaux de salles de Corée du Sud, qui représentent 93% des cinémas du pays, Donc voilà, autant dire que c'est, si tu passes pas dans ces trois gros réseaux, c'est, bah, mort. C'est mort. Ils ont décidé en fait de boycotter le film de Bong Joon-ho. Alors la raison, en fait, c'est la même qu'en France. La stratégie de Netflix de proposer simultanément une sortie en salle et une disponibilité sur sa plateforme VOD, c'est pour eux une stratégie qui met à mal la distribution d'un film. Donc on est sur les mêmes, des, les mêmes éléments de langage que ce qu'on avait pour, les, pour le Festival de Cannes et les exploitants. Et donc en fait, il ne reste plus que 7% des salles, donc c'est les cinémas indépendants. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est, mais Bong Joon-ho négocie avec les cinémas indépendants pour au moins que le film sorte là-bas dans les salles de cinéma. Donc même si c'est que 7% du territoire, bah, c'est toujours ça. Mais on voit que finalement, ce n'est pas tant que ça un problème franco-français de la chronologie des médias. C'est vraiment un problème global d'exploitation du film et après des produits dérivés de la vidéo, voilà. Donc à suivre, hein, à voir. Aux États-Unis, tu savais, ou je sais plus s'ils sortaient. Je crois que c'est pas, je crois qu'ils sortaient aux États-Unis. Ouais, ils sortaient, ça n'avait pas posé de problème. Pas de problème. Ils s'en foutent un peu là-bas tant que ça rapporte un peu de l'argent d'une manière. Aux États-Unis, la chronologie elle est super courte. Ouais. Sincèrement, au bout d'un an ou deux ans, t'es sur Netflix, quoi. Ouais, c'est pas faux. Enfin, je crois que c'est même un, c'est même un an, quoi. T'es sur Netflix, c'est incroyable. Ouais, c'est. Et là, c'est pour ça que, tu vois, quand on en avait parlé, moi, j'avais eu beaucoup de gens sur les forums qui disaient « Ah ouais, la chronologie des médias, le fait que le Festival de Cannes, étroitesse d'esprit, tu vois, finalement, c'est peut-être pas forcément un problème uniquement français. Et à mon avis, ça va se répercuter dans d'autres pays. » Ouais, à suivre pour ça. Je vous propose de faire un petit jeu pour faire une petite pause, le clash des phrases. Comme on, tu vas ressusciter. Je sais pas si tu connais le concept Chine. Hein, non, je connais pas. Non. C'est un concept que Julien nous avait proposé une fois avec deux phrases, voilà, où des gens disaient un petit peu des méchancetés sur quelqu'un d'autre et il faut deviner comme dans Closer. De quoi. J'ai vu ça en été. Là, c'est l'été en plus qui approche. Ouais, tu sais, quand on est au bord de la piscine, c'est la seule fois de l'année où tu vas lire ces trucs-là. T'en as 5-6. Et t'as toujours les tops et les flops et t'as les trucs, les clashs. Voilà, là, c'est le clash. Bon, alors, malheureusement, je suis pas comme. Je sais pas si c'est avec Julien qui trouve toujours des clashs où les mecs s'insultent à coups de marteau ou je sais pas. Non, enfin, avec des phrases j'avais les hyper Gallagher. Violentes, voilà. Moi, c'est des phrases facile. Un peu gentilles, hein, je préviens d'avant, mais je vais vous les faire deviner quand même. Alors, première phrase, le réalisateur a trop dépensé et n'a pas tourné les scènes que nous lui suggérions. Dan Aykroyd, Ghostbusters 3. Bravo Chine. Il a suivi l'actu. Je vais finir la phrase du coup. Tu plusieurs... dis pas que Closer. Non. Plusieurs scènes étaient requises, mais il a dit non, nous n'en avons pas besoin. Mais lorsque nous avons testé le film, on a compris qu'on allait devoir les retourner en dépensant 30 à 40 millions de dollars en reshot. Il n'est pas prêt de revenir chez Sony, effectivement. Et ça a été démenti parce qu'il paraît que juste les reshots ont coûté 3 à 4 millions. Soit exactement. Voilà. Bon, je pense que les gars, là, vous avez perdu bien, déjà. Hein. Donc c'était Dan Aykroyd, effectivement, à propos de Paul Feig. Hein. Donc voilà, information démentie par la suite. Deuxième phrase, à vous de voir si vous trouvez. Je suis profondément emmerdé par l'univers Marvel maintenant. Tous les films de super-héros ont tendance à être interchangeables. Vous avez toujours cette destruction massive de villes et de grandes extravagances générées par ordinateur au point où vous pourriez prendre une bobine de l'un des films de super-héros de Marvel et le donner aux autres et personne ne le remarquerait. Mélenchon. Ça, c'est son style. C'est le mec, il a la rage, il aime plus rien. Ou l'hologramme de Mélenchon, je crois. C'est l'hologramme. Non, c'est Dim, ça. Dim, ça. Tu sais ça. C'est Dim qui a dit ça, non? Il a marre des films. Autant que j'avais entendu la phrase pour Ghostbuster, mais celle-là, je ne vois pas du tout qui c'est. Alors, il est américain. C'est un américain, je crois. Il a bossé son truc. Ouais, Snyder. Je pense. Ah, c'est un. En fait, Snyder. Ouais, c'est un américain. Ouais. C'est un réalisateur. Américain, c'est un réalisateur qui est un peu plus âgé quand même, hein, qui fait moins de choses connues aujourd'hui. Ah non, non, non, non, qui a fait des grands films, voilà, qui ont marqué un peu notre jeunesse. En plus, j'ai cru l'entendre, ça, cette. Et voilà, son prénom c'est John. Où? John McTiernan. Non. John où? Non. John McClane. Non. C'est pas John McClane, le réalisateur. John Wayne. Non, John McCain, les frites. Non, il a réalisé. Bon, il a réalisé Le Loup-garou de Londres. Ah, John Landis. John Landis. Ah, oui, voilà, vas-y, dis-nous des mecs qui ont fait des vrais films, s'il te plaît. Attends, quand même. Oh putain, alors là, il va y avoir une insurrection sur le forum. Comment ça? C'est quoi ça? Le Loup-garou de Londres? Oui, enfin, c'est un film super connu. Quand même. Sérieux? Les Blues Brothers. Blues Brothers, c'est qu'est. Voilà, bah, c'est le même gars. Ah, il est pas mort. Non, il est pas mort. Parce que c'est un vieux film quand même, les Blues Brothers. Non, voilà, c'était exact, il l'a dit justement, parce qu'il n'y a pas une ressortie des Blues Brothers que je voyais l'autre fois. Il y avait c'est Dan Aykroyd qui était là et qui faisait la promo en fait. Non, mais tu sais, il faisait la tournée des émissions françaises et donc il y a peut-être une actu liée aux Blues Brothers. Donc, Je sais qu'il était en France il n'y a pas longtemps. Ouais, Dan Aykroyd, c'était pour promouvoir une marque de vodka. Il avait des lunettes de Blues Brothers, ça, c'est peut-être ça, je sais pas. Mais... Ah, okay. Mais je pense que écoute, je ne vois pas d'actualité liée aux Blues Brothers. Parce que je l'ai eu dans C'est à vous. Sophie Lapixola, il était invité. Après la clash des phrases, je vais repasser. On va repasser un peu au super héros avec Dim. Putain, hein, j'ai un jeu de mots là. Ah. C'est pas grave, je le ferai pas parce que c'est trop tard. Le truc est effacé. Sur John Landis ? Non, sur les Blues Brothers. S'ils n'avaient pas fait les Blues Sisters, chez Dorcel, c'est des sœurs en blues. Voilà. Je suis fatigué que ça existe. Peut-être, tu sais qu'un jour on devrait faire en fait un. La peur timing, mais. Non, on devrait faire en fait. Bien. Non, on devrait faire les films classiques qui ont été adaptés après en porno. La liste elle est interminable. Oui, la liste est interminable. Alors, c'est facile, aux États-Unis tu prends n'importe quel titre et à la fin tu rajoutes Triple X parodie. Ah oui, maintenant. Mais, voilà. Non, mais à l'époque t'avais vraiment des. Ils se creusaient vraiment pour les noms. Voilà, enfin. Ah, je me pencherai sur le sujet. Pour un vraiment, vraiment un sale boulot d'investigation, quoi. Putain, c'est vraiment pas cool, les gars. Bon, dis-moi, les super-héros, je te laisse la parole. Ouais, alors, c'est pas vraiment une news, mais un article rigolo que j'ai vu tourner ces derniers jours. C'est le réalisateur Joel Schumacher, hein, le réalisateur du nanar de compète Batman et Robin, ouais. Qui s'excuse à propos de ce film. Pourtant, il nous a offert quand même des beaux moments de rigolade entre un Schwarzy au punchline endiablé du genre « J'ai jeté un froid sur la ville », un bain ridicule, la bad carte de crédit, et même si c'est plus un élément de l'autre film, il y a aussi le fait que Bruce Wayne qui adopte un Dick Grayson qui a au moins 25 ans, ça m'a toujours bien fait rire, quoi. Enfin, le brave Joël nous dit « Je veux m'excuser auprès de tous les fans qui ont été déçus, parce que je pense que je leur dois bien ça. » Je n'ai jamais eu le projet de devenir ce que l'on appelle de manière affreuse un roi du blockbuster, parce que mes autres films étaient beaucoup plus petits, qu'ils avaient eu du succès auprès du public et pas souvent auprès des critiques. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous les avons écrits. Et puis après Batman et Robin, je me suis senti considéré comme un moins que rien. C'était comme si j'avais assassiné un bébé. Alors bon, je pense que certains auraient été plus cool avec lui si justement il avait assassiné un bébé. On aurait peut-être préféré. C'est vrai que c'est comme ça. Vous êtes sérieux? Tu sais, vous aviez quel âge à la sortie de ce film, le mec? Vous étiez jeune. Moi, je crois que j'avais 16 ans, je crois. Ouais, bah voilà, ouais, 16 ans. Ça. Ouais, 15, 16 ans. Je sais pas, voilà, tu kiffes à 15-16 ans, tu te poses pas la question. Non, tu kiffes pas. Le 4, non, tu kiffes pas. Mais si, tu kiffes, tu t'en fous total, t'as 15-16 ans. Là aujourd'hui, on est des trentenaires, on est des difficiles. Tu veux dire qu'il y a un regard un peu? Bah oui, c'est là où vous faites les difficiles, mais à l'époque, il n'y en a pas un. Ouais, je pense qu'il n'y en a pas un qui est sorti du cinéma en disant c'était trop pourri. Tu vois. Non, c'était mortel, il y a Schwarzenegger et Jim Carrey. Qu'est-ce qui vous arrive? Oh les gars! Ouais, t'as vu le dernier Batman? Ouais, je l'ai vu, mortel. Voilà, t'étais content juste parce que t'as eu le droit de sortir aller au cinéma. Là, vous faites les difficiles, moi je suis pas d'accord. Ouais, mais on a le droit aussi. Ouais, je veux dire, il devrait pas s'excuser. Mais je trouve qu'à posteriori, c'est trop facile de. De cracher dans la soupe. Mais non, il devrait pas s'excuser, il l'a fait. Ah bah, il l'a pas fini en plus, parce qu'il termine enfin par nous parler d'un sujet hyper important, c'est-à-dire les bas de tétons sur des costumes. Ah, ça c'est drôle. C'est le monde dans lequel nous vivons est tellement sophistiqué que deux morceaux de caoutchouc de la taille des gommes sur les crayons de papier, ces petites bosses peuvent devenir un problème. Ça va finir sur ma pierre tombale, j'en suis sûr. Alors, j'ai vu l'affiche de Wonder Woman, je crois qu'elle a les tétons sur son armure. C'est une bonne question. Mais non, mais je crois vraiment qu'elle a des tétons sur son armure. Je vous laisserai regarder. Parce qu'on se moque. Ouais. Voilà. Là, j'ai remarqué ça. Je regardais l'affiche. Je regarde les affiches dans les détails, surtout quand il y a des armures. Voilà. Et du coup, il y avait des tétons sur l'armure. Je crois. Tu sais, chercher. Vas-y, ouais. Tu cherches les tétons sur l'armure. Il n'y a pas de tétons. Sur un screen, tiens, regarde celui-là. Ah bah sur un screen peut-être. Voilà. Ils ont dû les enlever sur la fiche. Téton, pas téton. Ah, téton. Il y a peut-être une petite forme. Si, téton. Je vais regarder en gros, très gros plan. Non, il n'y a pas de forme. Si, c'est téton. Regarde. Non, mais pas là, l'autre là. Et sur c'est la même armure. Non, c'est pas le même plan. Là, il y a téton. Gros débat, là, je c'est sais pas. C'est supprimé après au numérique. Oui. Je sais pas, on va peut-être le garder. Non, je parle des affiches. D'accord. Sur les affiches. Ouais, ça doit être supprimé là. Bon, je vais quand même conclure sur un point positif. Vas-y, Jean-Claude. Pas facile. Parce que grâce à lui, on a quand même eu une bonne chanson des Smashing Pumpkins en guise de générique. Et c'était quel morceau? Le seul truc que j'ai bien aimé dans le film, oui, parce que ça s'arrêtait et qu'il y avait une bonne musique. Et je vais continuer avec une news sur le prochain X-Men Dark Phoenix. Donc là, il est temps de pleurer, les amis, parce que bon, je sais pas si vous vous souvenez du pitoyable Apocalypse, mais on risque d'avoir pire avec X-Men Dark Phoenix, qui sera réalisé par Simon Kinberg, qui pour le coup signera son premier film. Ah, ok. Alors je vais vous rappeler, ou peut-être tout simplement vous dire qui est cet individu, et pourquoi je pense que c'est une mauvaise nouvelle, parce que c'est le scénariste producteur des pires films X-Men, c'est-à-dire le 3 et Apocalypse, mais aussi des 4 Fantastiques, de Jumper avec Hayden Christensen. Ah, Jumper, sympa. Non, Jumper, sympa. Oh, le mec, il a une carrière, quoi. Il paraît que c'est pas mal, Jumper. J'ai pas vu, moi. Jumper, sympa. Non. Ouais. Sympa, sympa. Bon pourtant, délire. C'est un fan de Hayden Christensen hein, qui répond. Bon délire. Bon délire. C'est le fan de Hayden Christensen. C'est le fan. Ouais. Tiens la page de Hayden Christensen. Non, bon délire. C'est un bon film d'après-midi, ça, Jumper. De dimanche après-midi sur ouais. TF1 en VF. Voilà. Non, non, respectez, respectez. Il est passé il n'y a pas longtemps en plus. Par rapport à Batman, tu le mets où? C'était 16 ans. Là, je le mets au-dessus. Du lourd. Non, c'est au-dessus. Donc, on espère quand même qu'il soit meilleur à la réalisation. Hein, on ne sait jamais. La Fox a aussi annoncé que le film mettrait en scène les persos habituels, hein, donc c'est-à-dire Magneto, Xavier, Mystique, Jean Grey, Cyclope et à peu près tous les autres. Pour faire neuf. La plus grosse nouveauté du casting, ça reste quand même la négociation entre le studio et Jessica Chastain pour jouer la méchante du film, ah ouais. Lilandra, donc une impératrice d'un peuple extraterrestre. Donc je suis ouais. Il est encore dedans Fassbender là ou pas dans ces trucs-là? Ouais ouais. Oh putain. Ouais, bah, oui. Non mais lui il a plus envie d'être là quoi. Il a plus du le tout seul, le seul qui a vraiment arrêté, bah, c'est Wolverine, quoi, avec son dernier film. Ah putain, mais il faut qu'il arrête Fassbender parce qu'on sent qu'il est plus motivé hein, quand même, hein, quand dans ces films-là. Ah ouais, c'est clair. Quoi, ouais, c'est un bon acteur, mais dans ces films-là, tu sens qu'il est plus, il en a marre un peu. Hein. D'ailleurs, il le disait hein, lui-même, lors des promos, il faisait des interviews, il disait qu'il n'avait plus rien à foutre de ce rôle, qu'il faisait plus que ça pour la thune. Mais bon. Il continue quand même. Bah, il en a de la thune. Pas que le rôle-là. Non, lui, ce qu'il veut, c'est un rôle chez Marvel. On l'a compris. Il veut faire comme tout le monde, il va aller chez Marvel Studios pour s'éclater. Excusez-moi, je dis du mal de la Fox. Enfin, en tout cas, Jessica Chastain, hein, j'ai envie de lui dire. Jessica Chastain, c'est mieux quand tu continues avec l'accent. Jessica Chastain. Ça lui donne un peu plus de. Tu vois, un peu plus de distingué, tu vois. Jessica Chastain, elle a l'air très distinguée. Elle a l'air sympa d'un coup. Enfin, j'ai envie de lui dire de se tirer, quoi, parce que bon, ce projet, il est bien puant quand même, quoi. Et si elle a toujours pas convaincu, elle pourrait appeler Oscar Isaac, hein, parce que dans son rôle d'Apocalypse, c'était quand même pas la joie, quoi. Non, c'était vraiment pas terrible ce truc. Julien, je vais te passer la parole. On va parler d'un autre réalisateur mythique, pour le coup, pas d'un noobie. Avant de parler de l'heure des trailers, tu vas nous parler de Terry Gilliam. Ouais, hein, Terry Gilliam, puisqu'il a dû pousser ce cri Alléluia, puisque enfin c'est fait. Il a tourné le dernier plan de Don Quichotte. Donc je sais pas si tu as mais regarde, non mais putain, je chine. Non mais il a tourné le dernier plan de Don Quichotte. Tu vois l'oiseau passer derrière Mickey Larson là, tu vois. Tu sais que depuis 17 ans, il essaie de tourner Don Quichotte. Ah, c'est la version avec notre fan de cheval, comment il s'appelle? Alors au début, oui, avec Jean Rochefort. Jean Rochefort. Donc, est-ce que c'est la version avec Jean Rochefort qu'il a fini? Ah bah non. Qu'il aille se faire niquer. Jean Rochefort, il a pas pu à cause de problèmes de santé, malheureusement. Je veux pas. Moi, je veux la version. Oui, non, mais j'avais vu. Comment ça s'appelait? Lost in La Mancha. Oui, je l'ai vu. C'était très bien. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un peu au panthéon des films maudits. Il est presque numéro 1. Donc, Johnny Depp ou pas, alors celui-là? Alors, non, ça c'était dans la première version. Il y avait toujours Johnny pas. Depp. Ouais. Il a rien gardé en fait. Il a rien gardé. Bah non, il a tout repu. Parce que c'était en 2000. Donc, maintenant, Johnny Depp, il est quand même un peu vieillissant. Il est moins manquable. Il y a plus. Il faut son oreillette. Voilà, il faut son oreillette. Il faut son oreillette inscrite dans l'oreille. Ça l'ambiance podcast. Et donc, à l'époque, il y avait Vanessa Paradis qui devait être dedans. Et Jean Rochefort, comme tu disais. Ouais, et en fait, le premier film avait plus ou moins rencontré des problèmes à cause des ennuis de santé de Jean Rochefort. Ouais, c'est ce qu'on voit notamment. Et après, des tempêtes, il y a eu un dépassement de budget. Donc voilà, là, le casting, il a changé puisqu'on aura donc, Adam Driver, dit le fils Sarkozy, qui est dans Star Wars. Respectez Adam Driver. Non, mais là, je sais pas d'où vient cette blague. Mais si, tu vois quand il ressemble à un fils Sarkozy. Non, mais si, Adam Driver. Quand il enlève le casque dans Star Wars, on dirait un fils Sarkozy. Je préfère même pas relever. Il y aura Jonathan Pryce donc, qui jouait dans Brasil, hein, déjà de Terry Gilliam, et qui va remplacer Vanessa Paradis. Alors, je ne sais pas si tout à fait sera le même rôle. C'est Olga Kurylenko qu'on a pu voir donc, dans Quantum of Solace. Très bien, j'allais dire qu'on l'avait vu au patinage artistique, qu'elle avait son triple. On dirait un peu. Olga Kurylenko qui rentre sur la piste. C'est incroyable. Donc, voilà, on se demande ce qui peut arriver au film parce que là. Elle a joué dans quel James Bond, tu dis? Quantum of Solace. Il est produit par Netflix. Il sortira pas au cinéma. Ah non, tu peux trouver, tu vois, un peu de. C'est le deuxième, hein, Quantum of Solace, hein, c'est ça. Hein. T'es toujours sur James Bond, ouais. C'est pas le meilleur. Hein. Enfin, tu veux dire, c'est le deuxième de la reprise. Ouais, c'est le deuxième de la reprise. Ouais, non, après Casino Royale. Ouais, d'ailleurs, Casino Royale. Il est pas mal, il y a un truc en Italie, là. Il y a un truc, une scène qui se passe en Italie. Ouais. Et voilà, donc pour revenir sur Don Quichotte. Je vous sens parti, là. Non, mais c'est dans Casino Royale en Italie, non? C'est dans Quantum of Solace, ils sont pas juste dans le désert, là, tout le temps? Non, il y a une partie dans le désert, mais c'est à la fin. Ils sont dans le désert. C'est à la fin. Il n'y a pas une scène d'un opéra, non, ou dans un spectacle? Il y a tout le temps une scène d'opéra. Si, c'est le 2, ils surveillent les mecs, ont des badges. Bon, pour revenir à Terry Gilliam, Julien. Ils ont les badges des méchants. Il va à une soirée, on lui dit écoute, tous les méchants, ils ont un badge. Et le mec, il monte sur un toit et il cherche les mecs avec un badge. Et je suis désolé. C'est une idée vraiment la grosse intrigue. C'est pas le meilleur, mais après. Non, c'est pas le meilleur, celui-là. Et oui, donc voilà, après, je me demandais ce qui aurait pu arriver maintenant au film de Terry Gilliam. Est-ce que tu vois une. Maintenant qu'il est tourné. Que là, il a dit qu'il avait mis dans le. Enfin, il était reparti. Alors, on apprend que Adam Driver, tu vois, il a un passé monstrueux. Ouais, voilà, je sais pas, il est pédophile, quoi. C'est un pédophile. Non, non, pas du mal d'Adam Driver. C'est un Sarkozy, en fait. Non, c'est vrai, c'est le boycott national. Ou alors que, je sais pas, il doit se présenter dans une circonscription quelconque et voilà, il va être élu, donc finalement, il peut pas assurer la promo. Donc ça fait. Non, mais tu te dis, pour avoir un truc, je sais pas, tous les cinémas rentrent en autocombustion, il y a une race d'insectes inconnus qui mangent les pellicules s'il a tourné le film en pellicule. Tu vois, il pourrait y avoir un truc. Ah, je crois qu'il a enfin gagné quand même. Ou alors ça va juste être nul. Peut-être, ça c'est le gros truc qui fait peur. Parce qu'ils sont testés les films en fait. comme tous les produits. Non, c'est comme tous les produits. Ouais, c'est ça en fait. Les gens vont le recaler et ils vont dire non, ça sortira pas quoi. C'est de la merde. Ah, je crois que ça pourrait être ça. Mais bon, voilà, c'est quand même pas mal qu'un film. Tu sais, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, t'as les 17 ans. 17 ans quand même. Il a commencé le projet en 2000 quoi. Ouais. Tu dis, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, t'as des Arlésiennes qui sont là depuis des années. Et quand ils sortent, c'est de la merde. Ouais, quand ils sortent. Genre Final Fantasy XV, des conneries comme ouais, ça. Par exemple. Ouais. Tu vois, c'est... Là, ça me ferait chier quand même. Cela dit, Terry Gilliam, il a essayé haut et ses bas. Ouais, hein. Voilà. Ouais. Tu dis du mal de FF15, personne n'arrive. Il est plus vers le bas en ce moment. Okay, ouais, il est plus vers le bas. On va finir avec l'heure des trailers pour la partie divertissement, si ça vous va. Oui, j'avais une autre news. Ah, t'avais une autre news, excuse-moi, je la vois pas. Après, on peut faire l'heure des trailers. Ah non, mais excuse-moi, je la vois pas. Sur Bob Dylan. Non, j'ai pas noté. Moi je dis si c'est pas noté, ne le fais pas. Vas-y. C'est parce qu'il est noté en vert. Attends, si, c'est sûrement noté, mais j'ai. Non, j'ai... Ah si, c'est noté. C'est moi qui en copie. Non, c'est en musique, donc on peut faire l'heure des trailers avant. Non, on peut faire l'heure des trailers. Ouais, alors l'heure des trailers. Donc les trailers, on vous demande de regarder des trailers et puis de les commenter éventuellement, de savoir pourquoi vous nous avez mis ces trailers-là. Alors Black Panther, je pense que c'est Dimitri qui nous a mis ce trailer-là. C'est-à-dire que j'ai bien fait de regarder les trailers avant de venir. Ouais. Parce que vous m'avez pas dit regarde les trailers. Non, t'es pas obligé. Ah d'accord. T'es pas obligé. Moi j'ai regardé. Tous. Ok. J'ai tout regardé. Ouais, j'ai tout regardé. Nickel. Donc Black Panther, c'est qui l'a mis, Dim? Je pense que c'est Dim qui l'a mis. Hein. J'ouvre oui, un oui, peu c'est moi, vidéos. Ouais. Bah, alors, mortel, Dim, pourquoi, hein, pourquoi tu l'as mis? Qu'est-ce que t'en as pensé, Shin, de ce trailer? Bah, comme tous les Marvel, mortel, en plus, il y a une nouvelle couleur, nouveau décor. Ouais, t'es client, toi? Ah, moi, je suis méga client de Marvel, donc mon avis ne vaut pas grand-chose. Ah, je suis méga client. Mais là, sincèrement, en plus, on trouve sincèrement des nouveaux décors, un nouveau pays, voilà, c'est nouvelle ambiance, c'est cool, quoi. C'est vrai que ça risque d'être un peu plus frais. Ça a l'air d'être un peu plus frais. Moi, je sais pas, ça m'a quand même aussi un petit peu, genre, j'étais un peu paumé. Le seul quoi. Truc que je reprocherais, c'est un peu les décors en images de synthèse, c'était un peu dégueulasse, quoi. Ouais. Mais bon, j'ai l'impression que c'est toujours un peu comme ça avec les gros blockbusters, où dans les bandes annonces, c'est toujours un peu fait à l'arrache et qu'après, c'est un peu mieux dans le film, donc à voir sur place, quoi. Mais là, c'est une série. Je trouve, que c'est toujours aussi c'est plaisant de revoir. Ah là là, comme ça taille. C'est un film, mec. Je viens penser que c'est une série. Moi, je trouve que ça fait un peu cheap, tu vois. Tu le vois vers la fin. Ah ouais, j'ai trouvé que c'était un peu cheap. C'était ouf. Julien, l'œil critique d'Upcast. Voilà, j'ai trouvé que c'était un peu. Tu vois, au début, après, quand tu le vois pas trop, ça fait un peu mystérieux. Il y a le côté vraiment. Tu vois, il agit un peu comme ça dans l'ombre. Et quand tu le vois vraiment, les costumes au gros plan, on dirait un mauvais Luc Besson. Donc, ouais, j'étais un peu déçu. Ça fait mal. Putain, mauvais Luc Besson. Et puis, franchement, quand je voyais en mouvement dans Civil War, Black Panther, je trouvais qu'il assurait bien. Grave, il est super bien réussi dans Civil War. Moi, je trouve que c'était pas mal. Seul contre tous. Non, non, le côté frais et tout, j'aime bien. Mais après, je suis pas fan du concept même d'un mec un peu chat, tu vois. Le mec un peu panthère. Je trouve que c'est pas un super pouvoir génial. Tu vois, si on te fait la liste de tous les super pouvoirs. Non, non, mais c'est pas ça, ça c'est son costume. Ouais, mais c'est un peu. Et il fait quoi? C'est mec, quoi son super pouvoir? Il vole ou quoi? Non, il court vite, il est fort, il a la patate. Ouais. Alors je crois que son équipement c'est en. C'est, j'allais dire en adamantium. Non, c'est en vibranium. C'est en vibranium. Ouais. C'est en vibranium. Autant pour moi. Parce que Wakanda, gros pays source de vibranium. Non, mais tu sais, c'est le bouclier de Captain America. Ouais. Et en fait, son pouvoir, en théorie, c'est de pouvoir maîtriser un peu les ondes sonores, si je me trompe pas. Et donc tu vois, en fait, il envoie il peut couper des trucs, il envoie des projections d'objets. Peut-être pour ça que j'ai rien compris à la bande-annonce alors. Parce que j'avais pas calé ça. On voit pas trop ça. Tu verras dans le film. Bon, tout cas, c'est sympa d'avoir un nouveau héros Marvel, peut-être un peu plus frais quoi. Le perso a été introduit dans Civil War, donc du coup, on va passer toute la partie jeunesse du héros. Mais c'est un peu Doctor Strange. C'est pas un Origins quoi. C'est pas un Origins. L'Origins, il a été fait en 10 minutes dans Civil War avec son daron qui meurt, lui qui prend le relais, qui devient le Black Panther. C'est ça en fait la mythologie. Ça c'est bien, moi on le verra pas. Il y a un roi, le roi du Wakanda devient le Black Panther. Ouais. Ouais, et tu disais Doctor Strange. Ouais, Doctor Strange c'était en Marvel aussi. C'est un Marvel aussi. Marvel aussi. Ouais, c'était pas mal studio, ça pour le coup d'avoir justement un truc Benedict un peu frais. D'ailleurs, Benedict Cumberbatch a rejoint le tournage de Avengers. Ils vont tous y être. Oh putain, il va être le casting. Ils y seront tous. Il va durer 4h30 le film pour qu'on les voit tous au moins 10 minutes. Ouais, j'espère. Non, mais j'espère. Bah, non, mais c'est vrai. J'espère qu'il va durer 4h30. Une version longue, t'inquiète pas. Ça va être mortel. Ensuite, je vous ai mis une bande annonce moi de Flatliners. Ah oui. Je me suis dit On verra. On verra ce qu'ils en pensent. Ah, moi, ça m'a fait penser à Burn to Soul, de voir Ellen Page avec dans un laboratoire et tout. Après, je sais pas ce que le film va valoir. Le début du trailer, valoir, c'est repompe totale de l'expérience interne. Oui, c'est ça. C'est un remake, en fait. C'est un remake. C'est le remake de 1900 de Flatliners, expérience interdite de 1990 avec Ellen Page dans le truc. Donc je me suis donc le principe, c'est qu'ils se font mourir pendant quelques temps et grâce à ça ils ont des pouvoirs. Voilà, et apparemment il y a une entité mystérieuse qui vient les pourchasser. J'ai pas trop compris la deuxième partie du trailer où ça vire un peu. Oui, ça vire à l'horreur, un peu slasher movie ou un truc. Complètement. Au début c'est bien, les mecs font regarde, je suis plus intelligent et tout, tu vois. Et après. Ouais, non, en fait, tu meurs. C'est terrible, en fait, comme deal. En fait, ils sont tous morts, en fait. Donc ça a l'air moyen, quand même, comme film. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez moyen, assez peu prometteur. Et justement, je trouve qu'Ellen Page, on la voit pas trop en ce moment. Parce que c'est l'été. Bah voilà, ouais, ça fait plaisir au moins de la revoir. Mais ça sort là, ça sort un bon point du film. C'est le film d'été, ça, non ? Ça sort le 22 novembre 2017, quand même. Ah, merde. C'est un film d'après l'été, mais un peu l'été indien, quoi. C'est l'été de novembre, quoi. Ouais, ok. Comment il s'appelle ? Flatliners. Qui, Joe Dassin ? Ouais, Joe Dassin. Joe Dassin, justement. Tu parles du... Coco, ensuite, quand même. Ah, Coco. Alors voilà, Coco. Ça a l'air un peu ripou. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Pourquoi ? Je sais pas, direction artistique m'a pas touché. Ouais, non. Ah, c'est beau, non ? Enfin, ouais, je suis de l'autre école. Là, pour résumer, ça touche un peu au truc la fête des morts qu'on voit en Amérique du Sud, le début du dernier James Bond. Exactement. Tout à fait. Ou dans le dernier Mario, Mario Odyssey, tu as un niveau dans la fête des morts. Mario Odyssey, on n'en parle pas. On en parlera tout à l'heure. On ne suit pas. si on en parle, c'est écrit. Si, ouais. C'est dans le conducteur. Et donc, donc a priori, les morts viennent rendre visite aux vivants une fois par an. Ouais. Je ne sais pas si les vivants les voient, les morts. Je n'ai pas bien compris ça. Alors, normalement, non, sauf ce petit garçon, je crois qu'il s'appelle Coco, qui va finalement réussir à rentrer en interaction avec les morts. Voilà. Et ensuite, il va, lui, dans le monde des morts carrément. Tu vois. Parce qu'en fait, il y avait eu un premier trailer où tu voyais de son côté, c'est-à-dire qu'il va hériter d'une guitare. Un peu magique, parce que c'est un fan de guitare. C'est pour ça que j'avais comparé avec Ratatouille. Ah, mais nous, on comprenait pas grand chose. Ouais. Tu pensais que le mort allait jouer la guitare pour lui ou... Non, mais non, parce que moi, il avait comme dans Ratatouille où Rémi était influencé par Gusto. Là, il va avoir une sorte de père spirituel de la guitare. Je crois que c'est John Goranard. Je sais pas si c'est une sorte de John Goranard ou si c'est vraiment lui. Et là, c'était la deuxième partie du trailer parce que la fin de la première partie, ils arrivaient directement devant cette grande cité des morts du jour des morts mexicains. Et là, en fait, on voit l'autre partie. Moi, je trouve ça un peu moins intéressant aussi que ce qu'on voyait dans la première partie. C'est ça. Mais bon, voilà. C'est le Pixar, quoi. C'est le Pixar de l'année. Il y avait déjà eu un film d'animation qui était sorti à 3-4 ans, je crois, produit par Guillermo del Toro sur tout ce qui était mythologie un peu mexicaine, comme ça. Ça s'appelait Coco ou... Parce qu'il y a Gad Elmaleh qui a fait Coco, c'est ça. Mais, je me souviens pas. Non, ça me dit rien non plus, mais... Pas non plus, hein, mais... En tout cas, moi, je trouve que les visuels sont assez intéressants. C'est joli, quoi. Moi, c'est pour ça que ça m'intéresse moyen, parce que je trouve que ça reprenait pas mal, ce petit film-là, quoi. Ouais. Qui était sorti à 3-4 ans, il faudrait que je vous retrouve la bande-annonce. Il y a un petit côté Beetlejuice, non, dans le côté administration des morts et tout. Ouais, ce sera peut-être pas aussi dans la cité, déviant, mais... Ouais, voilà. Verra. Moi, je sors les vraies références. Ouais. Ouais, bien vu. Voilà. Et dernier... tu valides pas Coco de Gueule. J'adore les sushis, c'est ça que tu... Dernière bande-annonce, c'était Happy Death Day. Happy Death Day, je pense que c'est Dim qui l'a mis. Autre remake. Ouais, c'est Dim. C'est quoi, c'est un remake du Jour sans fin, c'est ça? Ouais, c'est le Jour sans fin trash, je sais pas. Qu'est-ce que c'est Le Jour sans fin, mid-screen. Moi, je l'ai choisi, en fait, parce que... Oui, déjà, je suis fan des concepts Un Jour sans fin ou Edge of Tomorrow, et couplé à du slasher, un genre aussi que j'apprécie. Voilà, ça m'a bien parlé. Ouais, ça a l'air original. Alors là, le masque, il est ridicule, quand même. Ouais, le masque est un peu nul. Donc, c'est une nana qui se réveille dans un dortoir, une université, etc. Au début, je crois que c'était un film de Judd Apatow. Elle fait sa vie tranquille, et à la fin de la journée, c'est pas un spoiler, c'est dans la bande-annonce, elle est tuée, et elle se réveille le lendemain, et le jour recommence exactement pareil. Donc elle sait qu'elle va être tuée le soir, etc. etc. Et voilà, le but, ça va être, j'imagine, d'attraper la personne qui va les tuer, donc on va avoir peur régulièrement. Et d'interagir différemment avec les mêmes événements qui se reproduisent. Parce qu'elle meurt à chaque fois d'une manière différente. Parce qu'on a vu tout le film. Sincèrement, tu vois le trailer, t'es partout. Je pense qu'on a vu les 17 fois. T'as vu tout le film. Tu sais qu'elle va mourir d'une manière différente à chaque fois qu'elle va essayer de s'en réchapper. Mais le mec qui la retrouve quand même, tu sais qu'elle a son petit pétage de plomb comme dans Le Jour sans fin où elle sort à poil du truc, où elle connaît tous les trucs par cœur. Justement, ça tue pas le concept même de suspense. Toi, parce que finalement, tu sais qu'elle va revenir. Une fois que tu vas le voir deux fois, tu vas le voir faire le coup deux fois, est-ce que finalement après t'as plus de suspense puisque tu sais qu'elle va revenir au début de la séquence? De toute façon, Un Jour sans fin avait un peu tué tout le truc. Ils avaient fait le film parfait sur le film. Tu vois, c'est sur le concept, c'est pas le genre de truc qu'on voit, voilà, qui peut décliner non plus à foison. Mais la couper au slasher, je trouvais ça cool encore. Si une meuf, t'en entendras plus jamais parler. Ouais, tu connais le nom de l'actrice, Dim, ou pas là-dessus? Non, pas du tout. Okay, moi, mais, de connu, sache, hein. Julien, que si j'ai choisi ce trailer-là, c'est justement à cause du masque. J'avais vu le petit screenshot sur YouTube et ça m'avait intrigué. C'est ça qui m'a fait choisir ce trailer. Eh bien, merci Dimitri pour cette anecdote. Non, ça peut être sympa, je le regarderai peut-être en VOD. Eh bien, écoute. Au cinéma, c'est trop cher. Ouais, je suis d'accord. Donc, je suis pas sûr que ça vaille le coup. Déjà en VOD, c'est limite. Déjà, franchement, honnêtement. Ah, moi au boulot, j'ai des votes gratuites. Donc, je profite pour c'est ça. Bah, oui. Julien, donc, t'avais une dernière news musicale. Oui, bah oui, bah, toujours complètement zappé. Hein, pour relever le niveau, je vais parler un peu de Bob Dylan. Ah. Babylon. Je suis désolé. Quand on dit Babylon. Bob Dylan. Ah, Babylon. Attends, j'ai refait. Bob Dylan. Voilà, ça marche aussi, c'est reggae Bob Dylan. J'avais compris Bob Dylan. Bob Dylan, d'accord, Bob Dylan. C'est pas le film de Mathieu Kassovitz. Ah oui, Bob Dylan, oui. Ah oui. Tout à fait. Donc en fait, pour revenir sur c'est Bob long, Dylan, c'est quand le 3 c'est bientôt, ça va arriver là. Bah, on essaye. Vas-y, pédale. Ça coupe pas, ça arrive direct. En fait, il y a quelques numéros, on avait fait un débat autour du prix Nobel de littérature 2017, puisque parfois, tu vois, on élève un peu un niveau, on sort un peu des films de super-héros, voilà. Ouais. Et donc, on s'était interrogé s'il était légitime de remettre cette distinction à un chanteur plutôt qu'à un écrivain, et finalement, si un auteur de chansons n'était pas finalement un auteur tout court. Donc, on avait un peu disserté autour de cette question à ma foi philosophique. Donc, on se souvient que Dylan, qui n'avait pas refusé le prix, s'était fait très discret. Il avait à peine commenté cette distinction. Je crois qu'il avait juste fait un simple tweet pour entériner le fait qu'il ait eu ce prix. Et puis il avait réagi très tardivement. Donc en fait, 6 mois plus tard, aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, mais dans cette période-là, c'est le délai maximum pour obtenir son Nobel. C'est-à-dire, si tu réagis pas au bout de 6 mois, bah, le Nobel il te passe sous le nez. Et comme il y a quand même 800 000 euros de. Ouais, c'est ça, ouais. Tu touches quand même pas d'argent. De cash prize, quand même. Et alors, donc, il a prononcé son discours de réception de prix. Et ce qui est en fait assez drôle, c'est qu'il s'est posé la même question que un peu tout le monde et que nous, surtout. Hein, que nous, voilà, on peut le dire, on va pas non plus faire les modestes. En ouverture de son discours, à savoir le rapport entre ses chansons et la littérature. Donc, en fait, il a déclaré au tout début de ce discours, qui dure environ 25 minutes, qui est accompagné d'une musique un peu jazzy derrière et qui l'a fait à la manière un peu comme ça d'un long poème déclamé. Il a du slam, quoi. Une sorte, ouais, du slam, un peu un hommage à Grand Corps Malade. Voilà. Je pense que voilà. Donc, il a déclaré: quand j'ai reçu le prix Nobel de littérature, je me suis demandé quel était précisément le lien entre mes chansons et la littérature. Je voulais réfléchir et découvrir la connexion. Donc, il a répondu de manière assez directe à la question, puisqu'il a déclaré: la musique n'est pas de la littérature. Donc, il a un peu envoyé bouler directement le jury. Pour info. On avait dit que c'était... Non, on s'était interrogé, on n'avait pas forcément pris position, mais lui, il est complètement tranché. Les paroles sont faites pour être chantées et non pas lues, et j'espère que certains d'entre vous auront la chance de lire ces paroles de la manière dont elles ont été pensées pour être écoutées, que ce soit en concert ou en version enregistrée. Les paroles sont faites pour être lues et pas pour être chantées. Tu penses qu'il a déclaré ouais, comme ça avec le ton Grand Corps Malade, bien relou. Donc, dans son discours, il a quand même cité des écrivains et les livres qui l'ont marqué, donc il a cité Cervantes, Melville, Shakespeare... Martine. Non, je l'ai pas là. Martine, il délivre. Martine. Je l'ai toujours pas. Non, tu l'as toujours pas. Oh, je vais enchaîner dessus. C'est dur. Hein. Donc, à l'Ouest, rien de nouveau, il avait cité comme livre. L'Odyssée, voilà. Il avait aussi clos le débat sur la chanson comme œuvre d'écrivain en déclarant: si une chanson vous émeut, c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'une chanson signifie. J'ai écrit toutes sortes de choses dans mes chansons et je ne vais pas me demander sans arrêt ce que cela signifie. Putain. Voilà, il avait un peu renvoyé. Ouais, quand même, genre, le mec, il a un prix Nobel, il dit un peu: allez vous faire. Le mec, il vient de réhabiliter Jul et tous les mecs comme lui. D'un coup. Attends, la phrase, c'est ça. Il n'y a pas besoin de savoir ce que ça veut dire sans arrêt ce que cela signifie. Tant que tu kiffes. Non, Joel, il cite tout ça. Bob Dylan a dit un jour. Il a réhabilité tous les mecs qui font du vocodeur. Avec des paroles qui veulent rien dire. De l'autotune. De l'autotune. C'est pareil, non ? Pas tout à fait. Ah putain, il y a une nuance. Très bien. E3 ? Oui, oui. C'était tout. C'était pause, on a fini sur les news. Bah il y écoute, avait une... on a terminé sur les news. Je pense qu'on va partir à la partie divertissement parce qu'on en a beaucoup à dire sur les jeux vidéo. On en a beaucoup à dire sur le 3. Tu peux dire. War Ludique. Tout de suite. Partie Art Ludique, et donc partie E3, hein, surtout pour ce gros morceau. Et puis là, je vais quasiment en fait être un peu tranquille et laisser la parole à Julien. Hein. Ouais, non, je vais me dégager de toute tâche. Non, Chine a suivi. J'aime bien un peu les jeux vidéo. C'est un peu ton autre passion avec Vous, j'aime bien. Avec le reggae. Le reggae. Babylon. Le reggae, les jeux vidéo, les deux passions de Chine. Voilà. Et Jessica Chastain. Je suis président du fan club de Jessica Chastain. Bon, on va essayer d'y aller quand même. Hein. Allez, j'ai fait ça en trois parties. Donc une petite partie un peu introduction. Une partie par E. Ouais, par E3. Ouais. Donc voilà, juste votre appréciation déjà générale de l'E3. Alors je sais pas si pour toi ça a été un E3 satisfaisant, si t'as été déçu par ce que t'as eu. Déjà, est-ce que t'as beaucoup suivi ? C'est-à-dire, genre, tu t'es levé pour les conférences Non, moi je me lève jamais pour les conférences parce qu'il faut pas être. Enfin voilà. Genre soyez à 3 heures du matin. Soyez pas con. Parce que vous réveillez le lendemain matin, vous lisez les résumés et limite vous regardez un petit replay, tu vois. Ça marche bien, en 2017, ça existe. Un E3, est-ce qu'il m'a plu ? C'est ça la question ? Ouais. Est-ce que t'as trouvé que c'était un bon E3 ou... Moi j'ai trouvé que c'était un E3 facile. Ouais. Genre l'E3 des familles. T'es l'E3. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Il s'est pas passé grand-chose. Non, l'E3 mou. Ouais, l'E3 mou. Ouais, un peu un truc, voilà. Ouais. L'E3 mou. Pas de grosses annonces de ouf, rien qui me fait rêver. Une nouvelle machine quand même. Plus ou moins. Non, c'est pas une nouvelle machine, c'est un truc qu'on connaît depuis un an. On sait que, enfin, ça a été annoncé, ouais. Il fait oui, il va avoir une Xbox qui va faire de la 4K ou 4K HD et machin. C'est juste, ils ont fait. Alors ça y est, elle est là. Mais on le sait qu'elle existe cette machine. On savait déjà tout ce qu'elle faisait et tout. Ouais. Mais alors, est-ce que t'en attendais beaucoup de l'E3 ? Parce que c'est ça aussi. Finalement, t'es déçu. Ouais, moi j'attends des surprises. Ouais. Mais j'attends des trucs où on se dit putain, on est encore capable de faire ça sur cette génération, tu vois. T'as toujours un jeu qui sort et qui te fait dire. On peut encore aller un peu plus loin dans les idées de gameplay, dans la technique, dans la technique, on verra qu'il y a eu quelques trucs quand même. Ouais, il y a des trucs sympas. Ouais. Bah, non, c'est vrai. Je suis un peu mauvaise langue, il y a des trucs sympas. Un concept d'idée de gameplay qui dit putain, mais ça va être ouf, j'ai trop envie d'y jouer et tout. Là, hormis le jeu parfait qui est Dragon Ball, tu vois. ah ouais, non, il y a des trucs sympas. J'ai noté. Auquel je vais jouer parce que c'est sympa, mais ça m'a pas rendu ouf quoi. Et tu penses que c'est dû à quoi ? C'est dur qu'on est dans un moment finalement de la vie des machines où on est entre presque dans le dernier tiers de vie de la One et de la PS4. Il y a les autres, les mid-generation qui sont déjà arrivés et finalement les éditeurs ils sont peut-être un peu sur. Ils sortent un peu leurs jeux qu'ils avaient annoncé il y a 2-3 ans et finalement après ça va être pour les autres machines de la génération d'après si on peut. J'ai l'impression qu'ils déjà ils veulent pas te décevoir avec des jeux qui sortent 2-3 ans tôt, avant. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'est des jeux qui vont sortir peut-être plus rapidement. Peut-être aussi. Tu vois, moins ambitieux, qui sont plus avancés. Des jeux dont on avait déjà entendu parler l'année dernière, pour la plupart, en fait. Hein. Des jeux un peu plus avancés, hormis chez Ubisoft, on en parlera sûrement. Ouais. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils ont envie de moins faire rêver, parce que voilà, avec le coup Shenmue 3 il y a 2 ans, et d'autres trucs... Ouais, la triplette Shenmue 3, comment Last Guardian, et voilà. C'était lequel le dernier qu'ils avaient annoncé. C'était Final Fantasy VII, le remake. Ouais, le remake de Final Fantasy, donc voilà, des jeux qui en plus qui ont subi quand même des contre-coups. Shenmue 3, on sait qu'il a été reporté. FF7, on sait qu'ils ont repris le développement en interne, donc voilà, non, voilà, un E3 tranquille, sans risque de pépère. Les mecs, toi, Sony, ils sont venus, ils ont roulé leur truc en une heure, rien à foutre. Ouais, c'était un peu ça. C'était un peu rien à foutre quand même. Tu vois, voilà, en mode claquette. Force tranquille. Ouais. On a des jeux, les jeux sont cool, voilà. Non. Et toi, comment, Greg ? Bah moi, un peu pareil que Chine. Hein. C'est vrai que c'est pas le 3 des passions, quoi. C'est pas le 3 où tu ressors en te disant avec les yeux qui brillent et en te disant putain, ce jeu, je l'attends. Alors peut-être à une ou deux exceptions, on en reparlera. Tu mentionnais Dragon Ball et c'est vrai que c'est peut-être un des jeux qui m'a aussi marqué. Voilà, comme ça, on en reparlera à la fin, mais qui te laisse quelques impressions. Mais à part ça, c'est vrai que globalement, c'était un peu l'ennui. C'était un peu. Moi, j'ai eu l'impression d'être face à une espèce de gloobie boulga de jeux qui se ressemblaient plus tous un peu, quoi. Ouais, c'est ce que surtout tu me disais, début, on a échangé un peu par pendant texto. Ouais, voilà, et j'avais un peu l'impression de voir tout le temps le même jeu au début. Je savais plus trop quelle conférence je suivais. Voilà, avec des jeux. Ah, ça, c'est Electronic Arts, ce que tu suis. C'est pour ça. Je pense que c'est vrai qu'en plus, ça a commencé par Electronic Arts. Alors, même s'ils sont en dehors du salon, ils ont un show qui était le samedi. Ouais. Pour leur française, et c'est vrai que leur conférence. C'était pas la meilleure. Hein. C'était pas une façon sympa de commencer. Même que l'année d'avant, quoi. Ils ont commencé par quoi déjà ? C'est quoi le premier jeu ? Le premier jeu d'Electronic Arts ? Ouais. Je peux te dire ça. Mais si, ils ont commencé un truc. Way Out ? Non, c'est pas ça. Ah oui, non, c'était pas ça, c'était autre chose. C'est un truc un peu plus connu. Mais c'est pas grave, on continue. Non, enfin bon, bref, du coup, tout ça pour dire que globalement, ouais, une impression un peu mitigée, effectivement. Et comme tu disais, un peu Chine, c'est vrai que théoriquement, c'est l'annonce d'une nouvelle console officiellement. C'était Madden. Même si, Madden. Même si on savait déjà tout sur cette console. Ouais. Pardon, excuse-nous. Ouais, vas-y. Ouais, c'était Madden, ils ont commencé. T'es sûr par... Ouais. Ils ont commencé direct avec les mecs qui dansaient à Madden. Tu vois. Ok. Ouais. Ok, ils ont fait le mode story, c'est ça. Ok, oui, ils ont fait avec les percus et tout. Ok, mais je me souviens. Bon, bah. Mais après, moi, je pense qu'il faut se faire aussi une raison au niveau des surprises. Maintenant, parce que moi aussi, ce que j'attends d'un E3, c'est d'avoir pas mal de surprises, mais on est toujours vachement déçus par rapport à ça, quoi. On est souvent déçus. Là, c'était plutôt bon parce qu'il y avait pas mal de jeux d'annoncés, mais voilà, il y avait pas vraiment d'originalité, quoi. Il faut se faire aussi un peu une raison, parce que je pense qu'il y a pas mal de leaks avant l'événement, ou même, c'est les studios qui présentent les jeux même avant, quoi. Par exemple Far Cry 5, ou même le Dragon Ball, j'avais vu des images avant qui tournaient sur Twitter, quoi. Après, bah, je suis peut-être un peu exigeant, mais bon, même les nouveautés, je trouve qu'ils ont un goût de déjà vu. Par exemple, le jeu de pirate d'Ubi, on a l'impression que c'est un spin-off du Assassin's Creed Black Flag, quoi. Donc, bon, c'est un peu le cas, ouais. Bah, ça a plu. C'est facile, hein. Les mecs, ça a vachement plu, les trucs en bateau. Bah, ok, ouais. On en fait un jeu. Bah, ouais, c'est ça, ouais. Je trouve qu'il n'y a plus tant de fuites que ça. Il y en a eu moins cette année, j'ai l'impression. Ouais. Déjà parce que les trucs sont moins impressionnants, donc t'as moins envie de les faire fuiter. Des fuites plus contrôlées. Non, quoi. Mais c'est vrai. Ah, mais surtout, il y avait beaucoup moins de nouveautés annoncées. C'est ça, cette année, des fuites contrôlées. De fuites le Dragon Ball, ce qui a fuité, c'est un dock. C'est un dock en Jap avec deux screens. Tu as eu quand même Mario et Lapin Crétin. Mario et Lapin Crétin aussi. Mario et Lapin Crétin qui a fuité. Ouais. Mais le Dragon Ball, c'est vraiment un dock Jap qui est sorti deux jours avant et on n'avait rien vu d'autre. Et le premier trailer, on l'a vu. C'est une vraie fuite. C'est vraiment le petit truc, t'en sais vraiment pas plus. Mais limite, ça te donne un petit peu envie d'en voir plus pour le coup. Donc c'est une fuite plutôt réussie. Parce que par exemple, BGE 2 qui a été re-annoncé, reconfirmé, il avait pas fuité. Non. Enfin, il y avait des spectres de rumeurs, tout ça. On savait que Beyond Good and Evil. Et en même temps, ils avaient déclaré qu'ils le présenteraient pas. Donc ils avaient. Ouais. Mais c'est pas mal, c'est pas bête aussi. C'est justement, on veut vraiment vous faire une surprise. Ouais. Ils voulaient un peu essayer de tirer leur carte de la différence. Justement, par rapport à toutes les autres conférences où en gros tu savais ce qui allait se passer, ils ont essayé de créer une vraie annonce et de faire un one more thing. Moi, je suis assez d'accord. Je pense qu'on est au moment de la génération où on voit les consoles mid-generation arriver qui apportent pas grand chose, qui sont un peu des redites, enfin des gammes un peu premium. Et à part finalement peut-être la Switch, on aurait pu peut-être attendre plus de nouveautés, plus de nouveaux jeux, mais ils ont une. C'est une nouvelle console la Switch quand même. Enfin, elle est pas si vieille que ça. Soit elle est trop jeune, soit les autres consoles sont trop vieilles. Je pense que peut-être la Switch devait peut-être plus marquer le coup avec des annonces. Après, on sait que c'est pas forcément l'idée de Nintendo d'annoncer des jeux deux ans avant. Bon, en même temps, ils l'ont fait pour Metroid Prime avec juste un logo. Mais voilà, donc je pense que c'était un peu quand même un E3 en demi-teinte lié au moment où on se trouve dans la génération. Peut-être que 2018, ça serait un E3 plus intéressant en termes d'annonces. Je pense qu'il y aura plus d'annonces en 2018, notamment du côté de Sony, j'espère. Ouais, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est et surtout, là, non, mais surtout, là, je pense que tous les studios, leurs projets, ils arrivent un peu à terme. Soit ils sont déjà sortis il y a un an, soit ils sortent là. Donc finalement, ils n'ont pas forcément des choses à montrer, comme on disait, trois ans avant. Je pense qu'il y a aussi des leçons qui ont été retenues. Si tu montres, je pense à Scalebound, tu le montres trois ans avant, tu le montres à deux ou trois différents pour qu'ils soient annulés. Tu crois vraiment que les leçons ont été retenues? Tu crois vraiment que dans l'E3 prochain, il n'y aura pas des trucs qui vont sortir en 2025, enfin 2022 ou un truc comme ça? Parce que à mon avis, ils le feront. C'est juste qu'en ce moment, ils peuvent pas parler encore des jeux qui développent sur les prochaines générations de consoles, parce que là, pour le coup, c'est. Moi, je pense qu'on est loin encore de la prochaine génération de consoles. On a encore 2-3 ans. Moi, je pense qu'on a encore 2-3 ans à vivre avec une PS4. Ah ouais. Enfin, je pense plutôt 2020. Je pense possible, vu qu'il y a les mid-générations maintenant. Bah, tu sais aussi que Last of Us, qui va être leur gros jeu, la partie 2, ils vont pas non plus la sortir en même temps que d'annoncer une nouvelle console. Ça serait complètement stupide. Et la Microsoft en a sorti une nouvelle, Nintendo ils vont pas forcément en annoncer, mais 2019 ça peut être une date où ils annoncent une nouvelle console. Ouais. En tout cas le principe quoi. Mais je sais pas s'ils annoncent. 2019 une nouvelle console annoncée, voilà l'année prochaine il y aura peut-être un truc. Ouais. Peut-être qu'ils teaseront quelque chose, mais bon. En tout cas du point de vue de Sony c'était quand même globalement assez faible. C'est quand même un des gros trucs donc c'est ça fait déjà. Quand tu vois un des gros trucs comme ça qui est faible, tu te dis bon bah déjà sur les trois. C'est faible en termes d'ambiance, mais il y a des jeux. Il y a des jeux sont cool. Après, c'est pas la surprise de ouf parce que c'est des jeux qu'on nous avait déjà montrés. Et genre, voilà, finalement, ça a été. Bon, les jeux de l'année dernière, ils sont un peu plus avancés cette année. Et ce aussi, c'est pas dû au fait que maintenant les constructeurs ils ont beaucoup de moments où ils peuvent annoncer des jeux. Oui. Tu vois, Sony ils ont le PlayStation Experience, ils ont. Je pense qu'ils vont peut-être plus le faire là, moi, Sony. Peut-être, voilà. Peut-être que maintenant ils vont essayer un peu de. Ils ont leur event à eux qui est bien installé en plus, qui est attendu en plus du Tokyo Game Show, tu vois. Et. C'est leur moment de parole à eux et il n'y a personne pour essayer de les contrer. Ils peuvent y aller. Ouais, peut-être qu'ils ont un peu changé un peu leur façon de communiquer et que le 3 a plus tant d'importance. On sait que pour Nintendo, ils n'en ont jamais eu énormément puisqu'ils ont leur Nintendo Direct et que finalement, ils font leurs annonces. Alors après, il faut aussi décaler ce qu'il y a entre les conférences et après toute la partie show qu'il y a pendant le salon puisque Nintendo, ils font beaucoup de choses. Pour le coup, il y a les tryouts, il y a les tournois. Les vidéos qu'ils uploadent sur YouTube après en quasi direct. Même Sony fait aussi des événements où tous les producteurs viennent parler. Donc après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu essayé de voir quelques tendances. Ouais. Juste pour rajouter, parce que quand même, il faut voir aussi l'aspect des conférences, quand un temps de prise de parole dans lequel où tu ne sais pas forcément ce qui va être dit ailleurs. Et il faut savoir que Sony, comme chaque année, passe après Microsoft. Autant les années d'avant, Sony avait toujours un peu la place pour répondre à Microsoft, parce qu'ils savent à peu près ce qui va se faire. Il va y avoir des jeux, des polémiques, voilà. Là, ils avaient une console la plus puissante qui était annoncée chez Microsoft. Et là, chez Sony, tu ne sais pas trop ce qui va être annoncé parce que tu ne sais pas ce qu'il va y avoir comme jeu derrière. Tu ne sais pas si les mecs annoncent un truc 4K en te disant « Et voilà le putain de blockbuster qui, en plus, profite à 100% des capacités de la machine et qui va tout baiser. » Donc, du coup, je pense que chez Sony, tu es un peu sur la retenue en te disant on fait du sûr, on rassure en disant voilà les jeux qui vont sortir et tout, et on n'annonce pas une espèce de grosse cartouche qui risquerait de faire flop après une énorme grosse cartouche qui aurait été balancée par Microsoft. Bon, Microsoft a balancé Forza 7. Bon, ouais. Toi, voilà. Tu veux dire qu'ils n'avaient pas besoin de répondre finalement ? Non, ils n'avaient pas besoin de répondre, et surtout il fallait pas qu'ils prennent le risque d'avoir une mauvaise réponse. Ouais, donc ça c'est sûr que. Parce que certains disaient que si, par exemple, Microsoft a lancé un truc énorme, ils pourraient montrer, je te dis, un trailer de Last of Us Partie 2 pour essayer un peu de tuer. Sony. Sony, ouais. Ouais. Tu vois, s'il y avait eu une grosse annonce software chez Microsoft, ils auraient pu se dire, bah, on balance Last of Us. Non, parce que là, ça aurait été sur la technique. S'il y avait une annonce Microsoft, ça aurait été une grosse annonce bien techos. Genre, le jeu, tu le vois, tu fais, non, c'est pas possible. Tu prends une claque, quoi. C'est Next Gen, qu'est-ce qui vous arrive, arrêtez. Non. Les trucs les plus beaux, c'est les trailers CGI qu'on a vus sur chez Ubisoft et basta. Non, et puis en ce moment, ils sont un peu en mode force tranquille. C'est-à-dire qu'ils ont 60 millions de machines, ils sont. Oui, ça marche. Donc, ils étaient là pour assurer, c'est pas de prise de risque. Ah ouais. Genre, les mecs, ils sont assurés, mais normal. On laisse Microsoft annoncer ce qu'ils ont à annoncer. Si jamais ils ont des gros jeux, nous, qu'on connaît pas, c'est pas grave. On arrive en force tranquille. C'était minimum quand même. Hein. C'est pas de prise de risque, je veux bien, mais là, c'était presque un peu morne. Ils ont un peu expédié. Ouais, mais ils ont rempli ton agenda, tu vois. Ouais. Ils ont rempli ton agenda avec God of War, ils ont rempli ton agenda avec le Spider-Man, ils ont rempli ton agenda avec d'autres trucs. Voilà, Detroit pour ceux qui aiment bien. Voilà, normal. Et puis surtout que même juste avant la conférence, ils avaient, tu vois, il y avait des jeux japonais, tu vois, le Gran Turismo, je crois qu'on l'a à peine vu, on l'a vu un peu avant. Il y avait Everybody's Golf qu'ils ont montré aussi juste avant, tu vois. Ouais, c'est ta passion, Everybody's Golf. C'est pas des jeux de conférence aussi, tu vois. Bah, ils pouvaient les montrer vu ce qu'ils avaient dans leur heure, en plus, c'est rare qu'ils fassent aussi court. Ouais, pour le coup, ils sont. Ouais, c'était vraiment genre, il faut qu'on fasse une conférence là, les gars. Bon, bah, voilà, on a nos trailers, on a nos machins, on sait que ça arrive. Spider-Man, tu vois. Moi, tu vois, quoi. Plus que les jeux qu'il y avait à l'intérieur, j'ai trouvé que c'était. L'ambiance. Ce qui était bizarre, ouais, c'est de l'expédier aussi rapidement. Il n'y a plus l'orchestre, il n'y a plus tout ça, là, les gars, dégagez. Il n'y a pas des gens qui sont venus parler entre les trailers, tu vois, il n'y avait pas vraiment c'était d'enthousiasme. C'était froid, en fait. C'était froid. C'était très froid, ouais. Voilà. Quelque part, ils n'ont pas le droit d'être. Comme tu le dis, hein, Chine, ils ont pas besoin d'être chaleureux, ils n'ont pas besoin de se faire aimer, ils sont déjà aimés. Tu vois, ils sont déjà en territoire conquis. On peut dire, oui, on retrouve le Sony un peu hautain, j'ai déjà gagné de. Ouais. Ah bah là, ça faisait un peu ça, ouais. Hein. Quand même, c'était très froid. Et... Oh, parce qu'ils étaient sur la même construction au niveau de leur conférence que l'année dernière, où ils balancent vraiment du trailer de jeu, du trailer de jeu. Ils avaient le petit orchestre au début qui a annoncé Lost Legacy, le DLC d'Uncharted. Donc ils étaient un peu dans la même configuration, mais tu te dis, pour faire une heure, tu vois, ils n'ont presque pas besoin de faire une conférence. Ils te balancent la vidéo. Il y a un mec qui appuie sur un bouton et tu vois, ils peuvent s'en aller. Bah, quoi. Peut-être qu'ils y réfléchissent. Hein. Nintendo, ils font quoi ouais, oui, ouais. Ils ont VLC, ils appuient sur play et ils partent bouffer, les mecs. Mais tu te dis qu'en 25 minutes, ils ont mis plus de blabla chez Nintendo que chez Sony, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est parce que Régis s'est mis, il était là, il a expliqué un peu tout le concept. C'est casse-couille aussi quand tu essaies de te faire la conférence Microsoft. Toutes les 3 minutes, on te dit exclusif, tu vois. Ouais. Exclusif. Surtout pour te choper un espèce de vieux MMO coréen. Exclusive. Ah bah, dommage. Le exclusif, t'es le exclusive at launch console, tu vois. Le truc qui va être dispo un mois après sur PS4. Voilà. Ça, on reparlera justement de Microsoft. Alors, j'ai un peu essayé de chercher les questions tendances. Donc la première, est-ce qu'un jeu de sport sans mode histoire, c'est une chose qu'on ne verra plus jamais ? Je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était l'E3 où tous les jeux de sport, ils ont un mode histoire. On en parlait tout à l'heure, il y avait le Madden qui était sorti avec un mode histoire. Ils ont remontré encore FIFA avec Alex Hunter. NBA 2K, on sait qu'il y avait le truc fait par Spike Lee. NBA Live aussi, il va y avoir un mode scénarisé. Donc je sais pas, c'est une espèce de tendance où ils veulent tout scénariser, quoi. Je sais pas, moi quand je joue à un jeu de sport, j'ai pas forcément envie. Alors tu vas me dire, ça peut être un plus. Je me rappelle à l'époque de Fight Night, t'avais aussi un mode histoire qui était plutôt bien fait. Mmh. Mais j'ai l'impression que maintenant tous les jeux, ils ont besoin, je sais pas, de créer comme ça une espèce de scénarisation autour, de créer un mode solo. C'est un solo un peu plus riche que juste démarrer ou faire une compétition. Tu rajoutes un aspect scénario, c'est-à-dire que tu vas pas acheter le jeu juste pour une mise à jour de joueurs et de gameplay, tu vas aussi acheter le jeu parce que t'as un nouveau scénario. Je sais pas si les joueurs. Enfin, vous jouez beaucoup à des jeux de sport tous les deux ou pas ? Non, moi j'ai arrêté. Non, ouais, moi pas trop. Mais tu vois, moi quand je pense pas non plus, mais. J'ai arrêté. C'était mauvais. Tout ce qui est jeu de voiture, j'aime bien. Et je trouve que justement, si le gameplay suit, je trouve que ça apporte vraiment un vrai plus en fait d'avoir un scénario. Même si c'est un scénario un peu nanar, je reprends l'exemple des jeux de bagnole. Ouais, bah oui. Si ça reprend un Fast and Furious, moi ça me fera marrer, quoi. Ça peut être cool, hein. Ouais, alors tu vois, par exemple, moi je me rappelle dans Forza Horizon, ils scénarisent le truc, mais en même temps c'est intégré vraiment dans le jeu, quoi. C'est-à-dire finalement le monde ouvert, il est mis en scène avec les festivals, tout ça. Mmh. Et c'est je t'ai senti hésiter, les festivals. Et non. Et voilà, donc dans les festivals, voilà. Tu te dis ça, c'est intégré quand même au jeu. Finalement, ça fait partie de l'ambiance. Alors que là, c'est vraiment un mode séparé dans lequel tu vas incarner. Souvent, c'est un rookie que tu incarnes dans le jeu et qui va suivre des pérégrinations. Et on se rappelle que NBA 2K, c'était quand même pas hyper bien fait. C'était un peu un truc avec beaucoup de clichés. Tu vois, si je me souviens bien, j'avais commencé une partie. Tu choisis ton lycée ou ton club là qui viennent te démarcher. Et puis ensuite, tu as des problèmes dans la rue. Tu joues dans la rue. Voilà, je me souviens plus trop. Ouais, c'était une espèce de truc scénario un peu social. Ouais, voilà. Mais ça a le mérite d'être là. Déjà, en plus, ça a le mérite, je crois, de t'apprendre à jouer. Vite fait. Oui, ça sert de tuto. Tu vois, voilà. Non, je sais pas, je trouve ça bien. Après, est-ce qu'on aura des jeux de sport sans mode scénario? Oui, ça existera, je pense toujours. Mais quand t'as... Les mecs, ils ont du budget. Ouais, on va pas se mentir. Les mecs, ils ont un putain de budget. Et au bout d'un moment, le budget, ils en ont trop. C'est-à-dire que ça y est, ils sont arrivés à un niveau, genre le gameplay, ouais, ça marche. Bah, ça marche. Ouais. Tu fais 2-3 trucs. Ouais. Les visages, ouais, bah, c'est bon, ils sont bien. On reprend ceux de l'année dernière. Pff, les licences, on les a déjà. Genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour innover? Parce que les mecs cherchent toujours l'innovation. Ouais, c'est ça aussi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour innover? Ils ont toutes les équipes, ils ont toutes les licences, ils ont tout ce qu'ils veulent. Finalement, c'est un bon produit commercial, puisque là, on l'a vu pour Alex Hunter. Il y a une espèce de fausse pub avec ils interrogent plein de joueurs, enfin de vrais joueurs, alors, qui disent ah ouais, Alex Hunter, faut qu'il vienne en Angleterre, faut qu'il vienne. Alors, tu vois Griezmann qui dit ouais, faut qu'il vienne en Espagne, machin. Donc, ils arrivent à faire une scénarisation autour de ça pour presque l'inclure dans la vie réelle du sport. Mais tu vois, j'ai l'impression que parfois, c'est un peu comme les FPS où tu te dis. Il y a une époque, c'est les FPS compétitifs, tu te dis pourquoi il y a un solo. C'est-à-dire quand il n'y a pas de solo, les gens ils disent ah, pourquoi il n'y a pas de solo, et quand il y en a un, les gens ils disent ah, il est quand même bien pourri le solo. Donc tu vois, j'ai l'impression que finalement, c'est un peu entre les deux, c'est-à-dire que faire un mode d'histoire, finalement, tout personne n'en a vraiment envie. Puis quand il n'y en a pas, les gens disent ah, pourquoi il n'y a pas de mode d'histoire dans votre jeu. Ça dépend des jeux. De toute façon, les modes solo dans les FPS depuis Half-Life, Half-Life 2, c'est tous pourris. Oui, mais voilà. Mais non, c'est important. Je trouve ça bien, moi. Voilà, donc c'est après, vrai. C'était juste une tendance. Et d'ailleurs, c'était dans la conférence EA où il y avait donc le truc de Madden avec Longshot. Il remettait Alex Hunter. Il y avait NBLF qui aurait, puisqu'il va revenir. C'est vraiment EA, c'est un peu les spécialistes du mode histoire. Voilà. Donc après, voilà, j'avais noté juste est-ce que si je bande les muscles, ça vous impressionne? Est-ce que la Scorpio. Ça alors nous excite, vous, Julien. Ça nous excite. Est-ce que la Scorpio, c'est pour vous plutôt parfum cheap ou vraiment bête de sexe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a impressionné, ce côté un peu pornware? C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une espèce de truc avec. Ils étaient là au début, ils ont commencé sur la résolution. Après, ils ont annoncé les teraflops. Ils ont lancé tout le temps à la console la plus puissante, ils l'avaient fait déjà. Est-ce que finalement, c'est une bonne façon de communiquer quand tu as un nouveau hardware? Pour ceux que ça intéresse, ouais. Ouais, ce que j'allais dire, c'est con, mais c'est un peu la réponse que j'allais dire, c'est-à-dire que perso, ça m'intéresse pas, mais je pense que c'est un argument, ils l'ont, autant pas s'en priver, tu vois, et c'est vrai, elle a plus de teraflops que les autres, que ça veuille dire quelque chose ou pas, on s'en fout à la rigueur, mais ils l'ont, ils peuvent le dire, tu vois, ça avait bien marché pour la PS4, en ou sur la Super NES, en disant, ouais, on avait je sais plus quel truc, là, le mode 8. T'en as un de plus, toi. Ouais, j'en ai un de plus. En disant, tu vois, en fait, au final, techniquement, c'était pas grand-chose, voilà, en y revenant, etc. Et en fait, c'est un argument marketing, quoi. Ouais, mais le mode 7, tu vois, voyez en action. Tandis que là, 6, je sais plus c'est quoi, 6,2 teraflops et tout, tu sais pas ce que ça veut dire. Ah, voilà. Par contre, le truc que tu sais ce que ça veut dire, c'est les 60 images par seconde. Ça, par contre, ouais. Quand ton jeu est en 60 images par seconde, en 4K. 4K promis. Mais 4K plus 60 images par seconde, sincèrement, ça doit en jeter. Moi, je sais que je suis passé à la PS4 Pro pour ces conneries-là, tu sais, parce que. Ah, d'accord. Je suis passé à la PS4 Pro. Un, parce que j'avais un casque VR PlayStation, donc je me suis dit, ça va être un petit peu mieux. Ah, c'est toi? Ouais, c'est moi. J'ai fait aussi. Putain, je regrette tellement pas, c'est tellement mortel. Moi, je parle du passage de la. Non, mais je parle du casque, moi. Même la Pro, je regarde pas. Et ça se voit sur certains jeux, tu vois, où t'as certains jeux, quand ils passent en 60 images par seconde, c'est pas le même. Ouais. Le jeu, c'est pas le même. Et là, si on te vend tes licences de jeux préférés, alors si les gens qui aiment bien les jeux Xbox, enfin là ils ont montré Forza, veulent avoir le Forza en 4K parce que t'es passé chez LG, t'as pris la 4K HDR OLED machin, sincèrement, ça pète. Pour toi c'est un argument là? Bah oui. Toi, tu sens l'acheter là? Non, parce que je suis déjà équipé. Ouais. J'ai pas l'argument, pour l'instant j'ai pas encore la preuve nécessaire qu'elle doit remplacer ma PS4 Pro. Je vois pas comment. Malgré sa promesse 4K 60. Malgré le truc, parce que déjà, un, je peux pas brancher mon PSVR dessus. C'est vrai. Ça, c'est vachement important. C'est un problème. Deux, PS4 Pro, elle tombe bien, les jeux sont dessus, il y a des exclus. Comme toujours, on finit avec les jeux. Ouais, la console est puissante, mais. Bah, justement, est-ce que là, ils auraient pas dû commencer en disant voilà, la Xbox, donc la Scorpio ou la X, c'est ça, et te montrer un jeu qui tabasse, quoi. Et ben voilà. Et tu vois, et après c'est de dire, ok, pourquoi ça tabasse? C'est parce que c'est 4K, c'est ils parce en avaient que en plus, il y avait quelques trucs quand même qui étaient. Ah mais ils ont fait l'inverse. Quoi. Alors après, ils ont mis une voiture sur scène, je sais plus quoi, c'était une Porsche. Tu vois, c'est un peu. Couilles. Ouais, bah voilà. Tu vois, mais ça présente ce truc où on va te montrer les muscles. Une voiture, tu te dis, ils vont faire débarquer Vin Diesel ou Europe, quoi. Alors la team, ils l'achètent demain, quoi. C'est clair. Mais tu te dis, ouais, pourquoi ils n'ont pas fait l'inverse? Alors peut-être qu'ils n'ont pas le software pour le montrer, ou alors qu'aujourd'hui, comme tout le monde regarde en stream, c'est compliqué de montrer un truc qui tabasse en termes de résolution, en termes de finesse, en termes de. Tu vois, le HDR, tu ne le vois pas à l'écran. Si tu regardes sur ton la 4K, stream, tu ne le vois pas à l'écran. La 4K, tu ne la vois pas à l'écran, donc c'est de plus en plus compliqué. Mais tu vois, pourquoi ils n'ont pas ouvert, par exemple, avec Anthem? On en parlera tout à l'heure, mais pourquoi ils ne se sont pas dit, tiens, on ouvre avec un jeu, on ne fait pas de discours, on monte le truc, et ce qui compte, c'est les jeux. Là, ils sont revenus un peu sur leur discours. Anthem, ils auraient fait un comparo, genre version Xbox et version X, tu vois, en te disant, putain, c'est quand même, il y a moins de feuillage, les feuillages, ils bougent pas, tu vois, même ils font une version de merde exprès, tu sais, sur truc. Version PS4. T'es genre PS4, c'est la merde, ouais, tu vois. Genre la jungle, elle bouge pas, tu sais, c'est un peu mou, les textures, et tout. Minecraft. Et là, boum, et à côté, ils te font voir la version X, t'es genre, pff, l'eau, elle brille, les feuilles, elles bougent dans tous les sens. T'es genre, un truc de ouf, tu fais, ouais. Ah ouais, oui. Ok. Un peu comme ils avaient montré avec la Pro. Ouais, sur la Pro, ils avaient un peu montré ça. Je fais, regardez, le jeu, il est plus riche, là, il y a des feuilles en plus, il y a des machins et tout. Truc qu'aujourd'hui là, tu vois pas trop, là, ça, ça s'est un peu retourné contre eux quand ils ont montré Minecraft en 4K. Ouais, les gens ont dit, ouais, mais ça c'est Minecraft quoi. Ouais, c'est des... Tu t'en fous quoi. C'est pas le jeu que t'as envie de voir en 4K quoi. Et voilà, ils te balancent du 4K 60fps et je sais plus quoi, une heure après, t'as un studio qui fait non, sur Xbox One X, notre jeu sera en 4K 30fps comme sur PS4 Pro, tu vois. Je sais plus quel jeu c'était, tu vois. Ouais. Destiny 2, non c'est... Peut-être Destiny 2. C'est dommage de sacrifier les FPS pour le coup quand tu peux. Quand tu peux ouais, alors là, le problème de Destiny, c'est comme tu dois jouer contre des joueurs Xbox, tu peux pas non plus avoir une différence de. Voilà, peut-être, ça doit jouer, c'est peut-être trop compliqué au niveau du réseau. Mais par contre, Anthem, il sera pas en 4K natif. Bah, bon, bah, ça commence. Bah ouais, t'as vu visuellement comment il est. Ça commence à devenir une question là. Pas non plus. En plus, il joue sur la notion 4K native et pas 4K pas native. Alors je crois que la PS4, elle est une espèce de puce dédiée qui fait un calcul de bourrin. Pour faire une bonne 4K, c'est pas une résolution bâtarde entre les deux. Ouais. Et après, ils upscale. Donc ils arrivent à faire un truc, tu vois, mais qui se voit pas trop parce que d'après les, moi j'ai pas de télé 4K, mais les mecs ont testé sur des télé 4K sur PS4 Pro, ils disent, franchement ça en jette, on voit pas trop la différence. Pas trop la différence, à part sur des très grandes tailles. Mais... Tu vois, donc les mecs ils font 4K native. Je sais pas si au final t'auras une vraie un vrai truc. Faut... Sachant qu'en plus là on est plutôt en UHD parce que c'est la, enfin c'est une question de. Ouais, bon, après c'est du pétouille. Mais non, la seule vraie différence c'est si t'as un jeu qui tourne en 60 images par seconde sur Xbox One X et que il tourne en 30 images par seconde sur Pro et qu'en plus c'est, il faut que ce soit un jeu marquant, mais vraiment marquant, où les mecs disent, eh, quand même c'est un des jeux de la génération. Moi genre je vais. Voilà. C'est ça qui a manqué aussi à la conférence. Genre, hein. Mais vraiment genre un Red Dead ou le GTA 6 quand il va sortir, tu vois. Là, tu peux te dire, putain, j'ai une télé 4K et tout, moi, mon jeu, il tombe. Sauf que tu sais que comme Sony a tous les partenariats avec les gros éditeurs, ils le feront pas, à part peut-être pour EA, puisque EA, ils sont proches de Microsoft, donc tu peux penser que Anthem, il essaiera de montrer vraiment ce que... peut-être Ubi, qui est aussi assez proche, quoi, je sais pas, pour l'Assassin's Creed, mais c'est vrai qu'ils vont se heurter aussi à ça, c'est-à-dire que Sony, c'est le partenaire idéal pour tous les éditeurs tiers, vu le nombre de machines installées, et ils peuvent pas non plus... Tu fâches pas le mec qui a vendu 60 millions de consoles, qui vend tes jeux à 3 millions d'exemplaires. Elle fait lecteur aussi, non, elle propose un lecteur en plus. Un lecteur UHD, ouais. C'est quand même l'avantage, petit avantage technique en plus. Le prix, 499€, donc on s'attendait un peu à ça, certains parlaient un peu plus, certains disaient 400€, c'était le prix psychologique, ça paraissait quand même très peu cher pour ce qu'elle embarque. C'est pas si cher. Hein. Quand tu vas en magasin, tu vois une PS4 à 299, une PS4 Pro 399. Sachant qu'ils la baisseront sûrement quand la... Voilà, et t'as l'Xbox One X 499. Ouais, ça commence à faire un salaire. Pas, je pense que ça commence. tu réfléchis. Tu sais, il y a encore aujourd'hui des gens, des collègues, des amis à qui je réfléchis, qui je discute. Ils voulaient acheter une PS4 et les mecs se disent non, je vais prendre la PS4 normale parce que pour 100€, ouais. Je m'en bats les couilles. Toi. Je vais économiser 100€. 100€, ça veut dire que ça compte quand même chez les gens. Ouais. Donc là, versus une PS4 classique ou même versus une Xbox One classique, qui sera à 200€. T'as 200$ de plus. Quoi. Voire presque 300. Voilà, tu multiplies presque le prix par deux. Donc c'est énorme. Ah, c'est un gap énorme. Hein. Après, il y a un gap. Ils peuvent jouer aussi sur le fait que ce soit, comme c'est la machine la plus puissante, tu peux dire que le prix il est justifié parce qu'elle embarque. C'est un positionnement aussi. Ouais. Je sais pas, Dim, toi, t'as regardé un peu la conférence Microsoft ou tu sais que t'es plutôt c'était chez Sony parce que t'as une PS4 Non, j'ai regardé. Mais bon, moi, j'avoue que c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Après, si ma machine elle crame, pourquoi pas, j'y passerai peut-être. C'est vrai que pour les, on va dire, l'élément des 60 secondes, 60 images par seconde, ça peut être vraiment bien, quoi. Mais après, c'est pas vraiment, je suis pas vraiment un fan de, on va dire, de technologie à ce point, quoi, pour me la prendre direct, quoi, on va dire. Bah, la console a un peu le cul entre deux chaises quand même, parce que le pourcentage de télé 4K dans les pays occidentaux, ça doit être genre 3% d'adoption, quoi. Non, ça va augmenter. Ça va augmenter, bien sûr. Ça va péter. Mais pour l'instant, c'est très, très, très. Dans un an, t'as la Coupe du Monde, t'as les. Déjà ça, la dernière Coupe du Monde pour la 4K. Hein. Non, c'était pas pour la 4K, la dernière Coupe du Monde, c'était pour la. Tu parles pour le HD. Ouais, pour le dernier, ouais, pardon. Pour le dernier euro. Ouais, non, c'était pas. Dernier c'est pas truc où il y a des gens qui. Bah, on disait ouais, mais là, aussi les... ça pour la 3D que ça allait exploser. Ouais. Là, les télé 4K, elles commencent à être en dessous de 2000 euros, en dessous de 1500 euros, tu vois. Ouais, tu parles des bonnes télé. Ouais, après, t'en es à 700. Hein. Ouais, ouais, mais je parle des vraies bonnes télé qui sont OLED et tout, et compagnie, tu vois, qui sont grandes. Elles commencent à être en dessous des 2000 euros. Ça y est, ça va s'équiper. De toute façon, le marché va pousser pour qu'il y ait une adoption des télé 4K. Hein. On va s'équiper. Ça, c'est pas gênant. Juste d'autres choses sur la conférence Microsoft. C'est vrai que moi, j'avais noté qu'ils ont presque plus finalement de AAA exclusifs. On a l'impression qu'avec les déclarations de Spencer qui disait qu'ils allaient plus aller vers du jeu service, finalement, maintenant, toutes les expériences solo, elles sont plutôt chez Sony. Voilà, ils ont montré des jeux quand même en termes d'exclusivité qui étaient, à part peut-être Forza 7, mais c'est quand même un peu leur marronnier tous les ans, un an sur deux. Voilà, ils payent bien, quoi. C'est vrai mais que c'est leur gros truc, tu le sens. Mais après, c'est comme tu disais, Chine, quoi, c'est qu'ils le savent en fait eux-mêmes qu'ils n'ont pas d'exclusivité, c'est pour ça qu'ils incitent comme des bourrins en disant exclusive au début. Parce qu'ils ont commencé en disant il y aura 22 exclusivités, donc tu dis il y a 22 exclusivités, Mais en fait, c'est pas des trucs. C'est du launch exclusif, c'est des jeux parfois. C'est quoi les gros jeux là? Je me souviens même plus des gros jeux qu'on Des gros jeux qu'ils ont présentés. Ouais. Mais justement, c'était bien le problème. C'est que ça manquait un peu. Bah, il y avait l'anthème là, du coup. Mais... Ouais, mais alors, c'est l'anthème, il est chez tout le monde. Ils ont pas mal d'exclusivités de pirates là. Ouais, ils ont pas mal sur le truc de pirates. Ils ont montré, donc il y avait Cuphead qu'on a revu, mais bon, est-ce que c'est un gros jeu? Pas vraiment. Cuphead, ça fait tellement longtemps qu'on... J'ai même plus envie. C'est tombé, les mecs. C'était il y a 8 ans. Donc il y avait Crackdown 3 qui a quand même... Crackdown 3, sincèrement, c'est un jeu cool. Le premier était super cool. Je suis désolé de me le dire, mais c'est vrai que le premier était super cool. En plus, les ouvres avec Terry Crews, ça m'a bien saucé. C'est vrai qu'il y avait Terry Crews. Et il y avait... Non, ils ont remontré le Ori 2. Ouais, c'est vrai. Ori and the Blind Forest, je sais plus comment il s'appelle, mais ça reste quand même des jeux... tu vois, c'est pas du God of War ou c'est pas... Ça justifie pas une Xbox One X. Voilà, c'est un excellent jeu, mais qui va pas justifier la console à 500 euros. Tu vois, et finalement, à part Forza 7, qui était leur gros jeu, ils ont pas d'autres exclusivités. Par contre, bon, il y avait Sea of Thieves, mais les gens qui ont compris Sea of Thieves, ils se comptent sur les doigts d'une main. Je sais pas s'il en existe. Ils n'ont pas compris le concept de jeu, est-ce que ça va être marrant. Ouais, c'est pas du tout un bon jeu pour un 2-3, quoi. Toi, faut le tester, faut essayer de voir. C'est peut-être plus un truc où il y aurait un add-on, où il y aurait des développeurs qui le montrent. Là, sur une conférence, c'est un peu longuet, quoi. Mm. Donc voilà, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment de triple exclusif, et je trouve qu'ils ont vraiment déçu sur la partie software, quoi. Là où on les attendait, mais en fait, ils ont peut-être plus les studios pour le faire, et ils ont peut-être plus envie d'investir autant comme ils l'ont fait à une époque sur la première, sur la 360 où ils étaient vraiment forts. Tu vois, investir sur du Gears, remettre du Halo qui. C'est eux qui ont le trailer de Dragon Ball. Ouais, mais voilà, ils ont des partenariats avec les éditeurs. Ils l'avaient pour aussi Assassin's Creed, pour Anthem, où ils ont un partenariat avec Electronic Arts. Mais c'est vrai que sur la partie exclusive, ils sont un peu. Ils sont quand même derrière Sony. Mais ça va être dur de motiver les gens à dépenser 500 euros dans le truc, quoi. À part si tu veux faire tes jeux dans la meilleure version possible, si tant est. On en parle quand de Assassin's Creed, là? Chez Ubi, on peut en parler si tu veux. Okay. Mais à moins que tu veuilles en parler vas-y, on va attendre d'être chez Ubi. Peut-être une des grosses annonces, c'était Anthem. Justement. Donc moi, j'ai appelé ça Destiny Child, pour faire le jeu de mots, parce que c'était un peu, finalement, la promesse aussi de Destiny. C'est-à-dire cette espèce de jeu qui joue soit en solo, soit en multi, qui en met plein la gueule. Moi, j'ai trouvé que c'est quand même une claque. C'est-à-dire quand tu le vois tourner, j'ai revu plusieurs fois le trailer. C'est un beau jeu. Donc c'est le nouveau jeu de BioWare, donc ceux qu'on fait Mass Effect, mais pas Andromeda, ceux d'avant. Ouais. Et enfin, ça tapait quand même vraiment. Mais est-ce qu'en même temps, t'avais pas l'impression de l'avoir déjà vu, d'avoir déjà eu cette promesse de jeu un peu comme ça, tu vois, ce que tu avais chez Ubisoft en fin de conférence généralement, et puis finalement tu te dis quand tu vas voir le jeu, il va pas vraiment ressembler à ça. J'espère pas, j'espère qu'il va ressembler à ça. C'était du gameplay là, ils ont soit disons c'était sur Xbox X. T'as des vidéos de gameplay qui traînent sur Mais en tout cas, ça Watch Dog, il y avait des vidéos de gameplay, t'avais l'impression que t'avais. Ils auraient été ça, Ubisoft, de bluffer. Ils auraient été, mais. Mais là, ça pète bien, là, c'est magnifique. Là, ça a mis la claque là. Et là rien à dire. Magnifique, et j'ai envie d'y jouer. Si les promesses de gameplay sont bons et si les potes vont y jouer. Parce que j'ai beaucoup joué à The Division, parce que tu parles de Destiny, mais aussi The Division. Ouais, The Division genre, qui est un peu dans le même tu genre. Tu joues à 4, et tu lootes et tu parcours le monde et tu t'éclates en discutant avec tes potes et tout. Ouais. Enfin, voilà. Mais le jeu ressemblait pas à ce qu'on avait vu sur les premiers trailers. C'est-à-dire ce truc où le type, tu voyais un type fermer la porte du taxi, enfin il y avait des détails quand même. Si, il ferme la porte. Il ferme la porte. Non, Division était cool. Il y a un script et il ferme la porte. La porte, elle est fermée. Non, il est cool. Division, c'était cool. Je peux pas vous laisser dire du mal. Après, en thème, moi l'univers perso me plaît pas trop, tu vois. Effectivement, c'est un peu ce que je considère être comme ça dans cette bouillie un peu de jeu qui, pour moi, où rien ne ressort tellement de l'E3. Ça ressemble un peu à du Destiny. C'est que, ce jeu-là, je me suis dit, et clairement, c'est super beau. Là, la promesse, elle est là, visuellement. Mais, tu vois, perso, en tant que joueur, ça m'intéresse pas spécialement de faire ce genre de jeu. Je pense pas être le seul. Ça te dit pas d'aller looter le super fusil, d'aller looter l'armure un peu style, tu vois, avec tes potes. Mais tu vois, c'est de monter en level, d'affronter. T'as vu, il y a quand même du Strum qui apparaît, mais qui a l'air bien énervé. Le mec, il fait non, pas pour tout de suite, je le ferai tout à l'heure, tu vois. Et il continue à voler dans la jungle. En plus, tu peux voler, tu te déplaces un peu librement. C'est... Justement, tu trouvais qu'il cochait un peu toutes les cases de ce qu'on avait vu dans Destiny, c'est-à-dire du loot, des gros Strum, du solo, du multi, de la SF. Le côté un peu presque, tu sais, un peu. Ouais, mais la DI, c'est tellement différente. Allez, ouais, il y a un côté plus sauvage, un peu. Que t'as un vrai changement, les mecs qui sont en armure méga stylée à la Halo. Oui, parce qu'ils ont, en fait, c'est des humains qui vont dans des exosquelettes. Donc, oh oui, c'est même pas à la Halo, c'est vraiment plus que des armures, c'est des exosquelettes. Ouais, c'est des exosquelettes. Bien plus grand que. Non, c'est stylé quoi. Ah oui, moi j'ai trouvé ça très stylé, mais je me suis dit ça cochait un peu toutes les cases du genre. Du triple A qui c'est le jeu du genre, c'est le jeu du genre multi-collaboratif avec du loot à foison, on va tourner dans la même zone. Tu crois que ça va pas plaire aux gens? Ah si, si, je pense que ça va plaire complètement, mais je trouve que c'est un peu l'archétype du triple A. Tu vois, on a l'impression qu'ils ont un cahier des charges en se disant regarde tout ce qui a marché, on a fait une synthèse et c'est Anthem. Je dis pas que le jeu est pas impressionnant. Ouais, mais il y en a où c'est bien fait, d'autres c'est moins bien fait. Là c'était bien fait. Mais tu vois, est-ce que. Et après, on va parler d'Assassin's Creed. Bah, on peut en parler si tu veux. Voilà, ou là où c'est, je trouve, sincèrement, où c'est mal fait. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que Assassin's Creed, j'avais de grandes expériences autour de ce truc, parce que j'avais bien aimé le Unity qui se passait à Paris. Il y avait vraiment une belle ambiance graphique, le jeu était cool, et bon, okay, il y avait des bugs, des machins, mais vraiment, il y avait un truc. Ouais. On attend, donc après, il sort un épisode, enfin voilà, j'ai même pas touché, parce qu'il n'ai pas du tout envie. Et là, on nous promet un trou, justement, pour un renouvellement total de la série, que j'ai pas vu, en fait. Ouais. Je suis désolé, alors peut-être qu'il y a peut-être des personnes qui kiffent, mais c'est sûrement des personnes qui ont joué ni à Horizon, ni à Watch Dogs 2 en fait. Et là j'ai l'impression que c'est Ubisoft, c'est ok, c'est Assassin's Creed, c'est ok, on vous a rajouté des niveaux, on vous a rajouté du loot, on vous a rajouté un drone pour marquer les ennemis. Un arbre des compétences. Un arbre de compétences, comme dans tous les jeux, machin, et voilà, renouvellement, non. Moi après, deux ans pour renouveler un jeu, je trouvais ça court, hein, perso. Alors c'est plus de deux ans parce qu'il tourne entre plusieurs studios, donc en fait il travaille depuis 3-4 ans dessus. Ça doit faire 3-4, tu vois, et... Là, c'est même pas un renouvellement, enfin, c'est une mise à niveau, c'est des reprises des trucs qui sont à la mode. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment, tu vois, genre remettre tout à zéro en 3-4 ans, en disant on reprend le code à zéro, on refait tout à zéro. Tu vois finalement Zelda l'a fait, tu vois. Le jeu s'appelle Assassin's Creed Origins, change tout. Toi, tu peux faire un truc, genre le mec fait ok, on va tout changer. Là, on a même pas encore, je sais pas, on a vu des trucs dans la foule, des trucs comme ça là. Sûr et certain qu'il va y avoir la foule, il va faire pardon, il va s'asseoir sur un banc pour se camoufler. J'en suis sûr et certain, tu vois. Mais je pense que t'as raison. Tu vois, je vois pas, enfin voilà. Ok, il y a des niveaux, ok, il y a des ennemis. Lui, je vais pas le faire tout de suite, je le ferai plus tard. La révolution tranquille, quoi. Ouais, c'est pas de grosse prise de risque pour cette révolution annoncée. Non, je pense que les gens ont été un peu déçus par rapport à ce qu'ils promettaient. Alors après, il faudra voir peut-être dans le gameplay. On va pas même au niveau des couleurs, sincèrement, j'étais déçu au niveau de la DA, parce que c'est très coloré. Ouais. Un peu comme ce qu'on a vu dans toujours Horizon Zero Dawn ou d'autres jeux. C'est très, très coloré. C'est bien les DA très colorés, mais sauf que moi, j'étais tombé vraiment amoureux du côté un peu terne et réaliste de Unity. De Unity, ouais. Tu vois, la peau, les bâtiments un peu ternes. Alors ceci, il n'a pas très bien marché, donc aussi, ça peut se... Ils ont peut-être analysé ce qui n'avait pas marché. Ouais, c'est peut-être la période qui parle moins non plus. Tu avais une direction artistique que je trouvais next-gen et vraiment plus sérieuse. Et là... Ok, c'est ensoleillé, c'est plein de couleurs, c'est l'Égypte, il y a des couleurs, enfin voilà quoi. Il y a de l'or, il y a des peintures, c'est... L'époque est ouf à explorer, tu vois. Il y a un gros serpent, mais... Comme dans God of War. Là, je mets... En tant que promesse, la promesse qu'on m'a faite, moi, je mords pas à l'hameçon. Ouais. Je vais attendre les retours, quoi. Oui, c'est sûr que là, ce qu'on a vu, bon, c'était pas... Alors justement, pour enchaîner, c'est une bonne transition sur Ubisoft, parce que j'avais noté « L'amour est un cri qui vient de l'intérieur », point d'interrogation. Je ne sais plus qui chantait cette chanson. C'est très beau, en tout cas. Je ne sais pas. Je ne sais plus, mais justement, j'ai trouvé que la com d'Ubi, un peu comme chaque année, c'est un peu un « J'aime ma boîte géant », où alors là, t'avais le barbu qui pleure. We are Ubi. C'était sympa, le barbu qui pleure quand il voit Miyamoto. T'avais après Yves Guillemot, donc déjà qui host la conférence. Ouais, qui host la conférence. Yves Guillemot qui monte sur scène, alors au début avec Miyamoto. Était pas dispo. Mais tu vois, je pense aussi que peut-être c'est un choix aussi de leur part de mettre Yves Guillemot. On sait que ça peut être politique par rapport à Bolloré. Donc il y avait le truc avec Miyamoto qui était très sympa. Mais il y avait ce côté quand même un peu notre boîte, elle est géniale. On a l'impression que c'est des petits artisans dans leur coin. Ils parle quand même d'Ubisoft. Ils jouent là-dessus. Après, Yves Guillemot qui a appelé, tu vois, t'as Michel Ancel avec l'arme aux yeux. Il y avait ce côté. Alors je pense que c'était la meilleure conférence dans le sens où c'était une vraie conférence. Toi, tu crois que c'est fin quand tu dis ça? Enfin, tu crois que c'est faux tout ça? Pas forcément. Je sais pas si c'est faux. Moi, je pense qu'ils y croient. Moi, je pense que c'est totalement vrai même. Ouais, moi je pense qu'ils y croient vraiment. Moi j'ai trouvé ça plutôt honnête et alors je me suis peut-être fait niquer, peut-être que derrière cynique, ils sont là, genre on va pleurer sur scène rien que pour les avoir, ces pigeons du marketing. Mais tu vois, moi derrière je me dis, enfin tu vois, quand Michel Ancel arrive sur scène et qu'il se met à pleurer parce que son jeu qui depuis 10 ans il est derrière, etc., il essaye de le faire sortir, qui va livrer une bande annonce, je pense qu'il est sincère et qu'il y croit et qu'il remercie vraiment sincèrement Yves Guillemot de l'avoir soutenu alors qu'aucune autre boîte peut-être l'aurait fait. Et pour le coup, je pense que c'est le cas, tu vois. Donc moi j'ai trouvé ça plutôt réussi. Après c'est vrai que ça fait presque à l'américaine, quoi. Genre ouais, on est Ubi, ouais notre boîte c'est la meilleure, mais en même temps c'est une conférence, c'est un exercice de com, ils sont là pour ça. Et ça serait dommage de s'en passer, surtout avec le contexte que tu évoques à côté, Vivendi. C'était pour pas nommer, en plus t'as vu, ils ont bien fait gaffe, enfin je crois pas avoir raté, mais ils ont pas parlé de Vivendi, ils n'ont pas nommé une menace, etc. Oh, ils avaient été plus directs l'année dernière. Voilà, ils l'avaient fait un peu l'année dernière. L'année dernière, ils l'avaient dans fait. Les allusions assez claires. Là, ils n'en ont pas parlé, ils ont juste montré à quel point ils étaient forts face à un éventuel adversaire qu'on nomme pas et qu'on. Voilà, qu'on mais c'était, j'ai trouvé que c'était une bonne conférence, mais parfois je me disais, ouais, c'est quand même. J'ai l'impression qu'aussi, comme pour Anthem, ils cochent toutes les cases. Ils ont coché toutes les cases. Ouais. Ah, y a peut-être un peu de ça, ouais. Toi, t'en as pensé quoi, Dim, de cette conférence? Je sais pas si tu l'as vu, celle de lui. Ouais, si je l'ai vu, celle d'Ubi, bah ouais, sans surprise, c'est celle aussi que j'ai préférée, parce que je trouvais qu'elle était bien rythmée, et que il y a eu pas mal d'annonces de jeux, quoi, et des jeux que j'attends, bah comme Far Cry 5 ou Assassin's Creed, parce que moi celui-là je l'attends quand même. Ouais. Et j'étais aussi assez intrigué par le jeu, espèce de jeu joué avec les vaisseaux. Mon côté fan de Star Wars, mais j'aime quoi, beaucoup Skylift ou un nom comme ça. Je sais pas ce qu'il y a, je crois, mais bon, bref. Ouais, tu mets un jeu sur ta manette. Ouais, tu joues ouais, voilà, c'est manette. Ça, ouais. Ouais, non, mais c'est une conférence qui était très, très réussie en termes de rythme, hein, clairement. Et puis bon, honnêtement, il y a eu un peu de happening, Miyamoto, machin, tout ça. Enfin, tu vois, il y a eu une, comme, voilà, justement, par rapport à une conférence Sony, une où t'avais un peu l'impression que c'était morne. Enfin, ouais. Moi, j'ai trouvé. C'était un peu là, expédié, qu'il y avait un peu de vie. On alternait un invité, un mec qui joue en direct, plus ou moins. Voilà, une vidéo qu'on lance, un trailer qu'on lance, un mec qui est ému. Bon, on verra ça, je sais pas si à quel point. D'ailleurs, c'est un peu ma transition. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'à part chez Ubi, c'est les seuls qu'on fait venir des gens qui jouent à leur jeu ou qui parlaient de leur jeu. J'ai l'impression que c'est un truc qui s'est un peu perdu ou qui a été un peu transféré sur les tryouts, sur les événements un peu post-conférence. Je crois pas que c'est parce qu'ils se méfient du jeu qui plante en live ou une carrière comme ça. Ouais, ou alors peut-être qu'il y a moins de stars du jeu vidéo qui étaient présents cette année. Kojima était pas là. Toi, finalement, là, à part Miyamoto qui est monté sur scène, il y avait pas trop de grands noms du jeu vidéo. Tu vois, chez Sony, Yamauchi, ils le font plus venir. Tu vois, finalement, les jeux, ils les montent direct en trailer, et puis après, c'est transféré directement dans les conférences. Nintendo le fait, où tu vois tous les producteurs qui viennent, ou tous les directeurs. C'est Nintendo qui a eu l'idée, et maintenant, ils sont tous en train de repiquer l'histoire. Ouais, mais en même temps, c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est-à-dire qu'avant, quand tu voyais le type venir parler de son jeu, alors il y a eu quand même Joseph Fares qui est venu parler de Way Out dans la conférence Yes. Il y avait un côté un peu frais, d'ailleurs, un côté. Les conférences de deux heures. Il y avait un côté le mec qui croit en son jeu. Ouais, voilà. Et tu vois, des fois, quand c'est un créateur qui te vend entre guillemets son jeu. Ouais, mais tu vois, les trucs aussi à No Man's Sky où le mec il savait pas trop quoi dire, il était pas là pour ça. Et tu vois, il était pas fait pour ça, c'était pas un mec qui savait parler au public, il aimait pas ça. Et tu vois, il se méfie peut-être un peu de ça. Et ils ont analysé les tweets avec des sociétés de marketing. Ouais. Et ils ont vu, les mecs, ils étaient vachement touchés quand le mec il avait du mal à parler parce qu'il était ému et tout ça, comme ça. Voilà, ça a top tweeté, c'est le sentiment qui ressort. Et on veut des mecs qui savent pas parler, mais c'est parce que c'est des mecs qui font les jeux. Du coup, ils l'ont mis à toutes les conférences. Je suis désolé, mais je suis sûr et certain, tu vas fouiller dans les cahiers des charges des conférences et de ce que tu veux voir dans la conférence, je suis sûr et certain qu'il y a une ligne comme ça. Mais là, justement, il y en a eu beaucoup moins des mecs comme ça. Voilà. Quoi, parce l'émotion. Que c'est vrai que, l'émotion. À part dans la conférence d'Ubi, l'émotion manquait quand même pas mal. Hein. C'était quand même assez froid, même chez Xbox. Tu vois, Ubi, un peu plus, parce qu'à chaque fois, ils font venir le mec qui est en charge justement, du jeu. Justement, ouais. Ouais, voilà. Justement, à part chez Ubi. C'est vrai que ça masque quand même beaucoup de jeux de merde chez Ubi. Ouais, mais tu vois, les jeux de merde, ils passaient un peu comme ça, un peu mieux parce que t'avais le type qui venait, tu disais, tu vois, même par exemple, The Crew 2, là. Ouais, tu vois, genre rien à foutre. Le mec fait des avions, des bateaux, et des machins, ouh, super. Ouais, mais au moins, les mecs, on les oublie dans une semaine. Tu vois, le jeu, il est incarné par un visage. Tu vois, c'est juste ça, parce que le truc de monter directement. Tu l'oublies moins, quoi, peut-être. Parce que repense aux 22 exclusivités Xbox, est-ce que tu te souviens de chacune d'entre elles? Non, parce que là, ils mettaient des youtubeurs qui venaient faire le show. Steep, j'avais même. Enfin, ouais, c'est vrai que le vrai jeu est sorti. Hey, Steep aux Jeux Olympiques, tu vois. Oui, après, ça marche pas. Pas venu les mains vides, les mecs. Ah bah moi, j'ai envie d'essayer Steep aux Jeux Olympiques. Okay, je le retiens. Donc voilà, après, c'est vrai que je pense que c'est plus parce que maintenant, dans les conférences, on monte vraiment le trailer. Et puis après, on leur dit, vous verrez ça plus en avant dans Xbox Live, dans PlayStation Live et dans Tu te souviens, enfin, Ubi, tu te souviens du début, tu te souviens de la fin. Voilà. Oui, voilà. C'est vrai. Oui. Oui, si tu réussis ton entrée, ta sortie. Il y a quelques années, quand Nintendo a commencé à faire ses vidéos, tout le monde se disait ils arrêtent un peu les conférences et tout, c'est un peu bizarre, c'est un peu nul, etc. Maintenant, ils en sont tous à devenir là, quoi, à lancer une sorte de vidéo. Après, ça peut être une question de coût aussi. Bah, justement, ouais. Nintendo, est-ce que c'est pas le moment où ils ont enfin tué la 3DS Donc, il y a eu un Nintendo Direct, enfin un Spotlight, comme ils disent, qui a duré 25 minutes. J'espère qu'ils sont pas en train de tuer la Switch aussi. Je dis ça, je dirais. Ah, t'as l'impression que. Non, mais. Le débat. Justement, puisque le Spotlight, il était vraiment orienté Switch. Oui. Pour le coup. Je sais pas, en annonçant un Pokémon potentiellement dessus, je pense qu'ils l'ont pas vraiment tué, hein, pour le coup. Je pense que. Oui, parce que finalement, je dis ça, mais. Enfin, on a tous vécu la Wii, la Wii U. Donc, c'est bon. Donc, on a eu le Kirby, le Yoshi, le Mario. Ouais. Voilà. Je vois, à l'année prochaine. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je ressens comme toi, moi, perso. Voilà. Mais... À l'année prochaine. Vous aurez des jeux dans 4 ans. Voilà. Non, parce qu'on peut dire quand même que sur 2017, ils ont un planning. Ouais, Kirby, Yoshi. Non, ça c'est 2018. Ah, 2018, alors, sur 2017, qu'est-ce qu'il reste sur 2017 Mario. Il reste Mario Odyssey, voilà. Il reste comment le Fire Emblem Warriors, il reste Xenoblade 2. Bah écoute. Monster Hunter le reprend. Mais... Il reste Splatoon qui arrive là. Bah, écoute, cet été, ouais. Voilà, les grosses enfin, c'est des grosses licences. Tu trouves pas que ça soit des. Par exemple, Splatoon, maintenant c'est devenu une grosse licence. Non, il est juste là pour remplacer le truc parce que plus personne a la Wii U. Tu vois, c'est comme Mario Kart. Ah bah moi je pense qu'ils vont vendre des. C'est comme Mario Kart. Les mecs, ils ont rangé la Wii U, tu vois. Ils aiment bien Splatoon. Il y a tellement peu de gens qui l'ont eu que finalement tu sors un Splatoon 2 ou un Mario Kart Deluxe. Pour moi, c'est juste. C'est un Splatoon 2, c'est. Bon, bah. On vous remet Splatoon sur la console parce que vous continuez à y jouer, tu vois. Ah, tu penses que c'est pas un jeu très différent du Splatoon 1 Non, en fait. Ce sera c'est Splatoon 2, c'est différent, mais c'est juste que il a vécu combien de temps Splatoon sur Wii U Un an et demi. Même pas, tu vois, un an et demi. Enfin non, c'est ok. Excusez-nous, on vous le remet, tu vois. Mario Kart, c'est vrai qu'il était sympa sur Wii U. Ok, on vous le remet. Pour moi, c'est les jeux de la continuité, tu vois. Ah oui, Splatoon, complètement. Le Mario, c'est normal qu'ils annoncent un nouveau Mario. Non, après le. Est-ce que t'attendais plus d'annonces par exemple de la Switch, plus de choses, plus de jeux de tiers. Ouais, qui remplissent leur promesse de plus de trucs tiers montrés quoi. Plus, t'en auras pas beaucoup. Pour le coup, il y en a pas. Hein. Voilà. Maintenant c'est acquis quoi. Avant c'était pas le cas. C'est comme deux fois qu'ils font le truc, c'est ok, on a bien compris la leçon. On va vous mettre des jeux et pas juste les grosses IP Nintendo et finalement qui fait qu'à chaque fois la console Nintendo elle sort et c'est la console d'appoint où. T'as la grosse licence Nintendo qui joue, qui sort, qui joue et puis. Après, moi j'ai toujours pensé que c'était voulu qu'ils travaillent pas avec les tiers. Non, mais pour une raison de marché, pour une raison de. Ils ont dit, on a corrigé le truc avec la Switch, tu vois. Bon bah. Mais ils l'avaient dit aussi pour la Wii U. Après, il faut laisser le temps aux développeurs d'assimiler le succès de la Switch. Parce que je pense que les développeurs n'y croyaient pas, tu vois. Le 3 qui suit la sortie d'une nouvelle console. Ah là, par contre, moi j'en attendais plus. Moi je suis comme toi, j'en attendais plus. Le 3 qui suit la sortie d'une nouvelle console, c'est ok, la console est sortie. C'était le premier lancement, il va y avoir un deuxième lancement parce qu'il va y avoir ça et ça. Tu vois, et tu fais ah, ok. Oui, ça suit. Non, le Kirby, le Yoshi, toi. Ah, ça m'a gavé, moi. J'ai vu Kirby, je verrais bien quand même une autre conférence Nintendo au cours de l'année où ils diffusent peut-être une nouvelle licence qu'on connaît pas du tout, comme Arms qui sort là très prochainement ou qui est peut-être déjà sorti. Il est sorti, on y a joué là tout à l'heure. Ça m'étonnerait pas qu'ils sortent quand même encore un nouveau titre. Mais c'est surtout. On connaît pas du tout. Ouais, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de studios, on sait pas sur quoi ils travaillent. Retro Studio, je vais peut-être enchaîner avec Retro Studio parce que justement c'est un peu le meilleur boulot du monde, Retro Studio. Qu'est-ce qu'ils font vers Retro Studio? On va postuler chez Retro Studio. C'est-à-dire qu'ils ont sorti sur Wii U, ils ont sorti Tropical Freeze, le Donkey Kong, qui était très bon jeu, mais qui a quand même une reprise. Sur le portage. le portage Switch, mais tu vois, c'est pas eux qui font Metroid Prime 4, puisque c'est un studio nouvellement monté en interne chez Nintendo. Donc si ça se trouve, personne bosse encore réellement dessus. Sur quoi? Sur Metroid Prime? Bah, oui. Non, je pense que si c'est un Nintendo, je pense que c'est un projet qui peut sortir en 2018, voire début 2019 plutôt. Regarde, tu vois, le Mario Odyssey, il a été annoncé en début d'année, il sort en octobre. Oui, mais tu peux penser que le Metroid Prime, il était déjà en préparation sur Wii U. Avec juste un logo comme ça. Non. Je sais pas, ouais. Le truc, c'est qu'ils montent pas souvent des jeux quand ils ont pas de gameplay à montrer. Tu vois, même Metroid Prime, qui avait été annoncé 2 ans, je crois, avant la sortie là, sur Wii, là, ils avaient montré un Samus en mode stylé, tu vois. Beaucoup plus beau que ce qui était sur Wii, tu vois. Mais j'ai le souvenir qu'ils avaient montré un truc, tu vois. Donc. Je pense qu'il va sortir à l'horizon 2019. Ils n'ont pas un site, là, le développeur dont tu parles, là, le studio dont tu parles. Ton studio ? Ouais. On sait qu'ils bossent sur 2 projets. D'accord. Parce qu'on fait des recrutements dans ce sens-là, donc normalement une nouvelle licence, et on pensait qu'ils bossaient sur un Metroid Prime, puisque c'est leur licence, et depuis, ils se la coulent douche, je sais pas. Il va y avoir un Donkey Kong. Ils sont partis avec l'argent des premiums. T'inquiète pas, après le Kirby. Non, mais ils peuvent porter Tropical Freeze, c'est le jeu qui est le plus facile à porter. Quand est-ce qu'il a été annoncé, le God of War? C'était il y a 2 ans. C'était il y a juste 2 ans, avec un logo. Tu vois, ouais. C'est quand vraiment t'as juste un logo, c'est que t'as rien. C'est que t'as deux ans. C'est possible, hein. Non, mais ouais. Tu vois, c'est quand t'as juste un logo, c'est que t'as rien. Mec, si t'as un logo. Ça se trouve, c'est même pas le logo définitif, tu vois. Il fait, vas-y, mets un 4, écris mes trucs. Après, mets des vagues bleues derrière. Vas-y, c'est bon. Mets un peu un truc de l'espace, quoi. Ouais, ouais. Il faut que les mecs. Il faut une promesse, tu sais, pour dans longtemps. Non, autant je trouve que ça ressemblait vraiment à ça sur Pokémon. Tu vois, le Pokémon, le mec, il est dans son bureau. Le Pokémon, c'est pareil. Maintenant, on a une idée, on va lancer un Pokémon, ouais. Pokémon sur Switch. Pokémon, c'était juste pour retourner les États-Unis, puisque aux USA, c'est monstrueux aussi. Ouais, est-ce que c'est pas la plus grosse annonce pour la Switch, finalement? Ça, c'est un RPG Pokémon. Je sais pas si vous suivez sur Reddit, mais c'est n'importe quoi. Sur Reddit, les mecs, ça y est, elle est en rupture de stock pendant 4 ans, là, la Switch, là, aux États-Unis. Hein. Moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour être déçu. Ah, non, t'es pas optimiste pour la Switch. Tant qu'on peut être déçu, on peut être déçu. Non, c'est pas pour la Switch, c'est juste pour le Pokémon. Moi, je pense qu'ils vont vous sortir un espèce de spin-off. Ah, il a parlé d'un Pokémon RPG. Enfin, moi, je suis pas du tout fan de Pokémon. Pokémon RPG. Ça sera en argent, un épisode comme ça. Mais moi, Stars, ça va être le fameux Stars qui va réunir les deux l'une et l'autre. Je sais pas. Voilà. En tout cas, c'était une grosse annonce et clairement, elle a eu son impact sur Internet. Enfin, pour le coup, au niveau des tweets, des machins, etc. Ah, ils le font pour ça. Hein. C'était quand même une des grosses annonces de l'E3 et un des moments, je pense, en termes de retweet. Tu disais, et là, maintenant, les mecs qui réfléchissent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu ça. Ouais. On a vu que ça marche bien. Ça marche bien, alors qu'est-ce qu'on fait? On en fait un vrai ou pas? Vraiment qu'on en fasse un, merde. Metroid Prime, on fout qui là-dessus? Retro Studio. Autre chose qui a été, enfin, autre élément qui a été discret, c'était quand même les indés. Tu vois, souvent dans les conférences avant, tu voyais les 45 jeux en 30 secondes. Ouais. Et là, t'as pas eu ça. Sur Xbox, non? Xbox, ils ont montré pas mal de jeux qui étaient indés, mais ils les montaient dans les exclusives. Okay. Exclusive. On ne sait pas quand ça sortira. Mais tu vois, il n'y a pas eu ce côté. Alors, les indés, on les a vus après. Tu peux voir les vidéos, tout ça. Ils sortent un peu sur toutes les machines. Mais il n'y a pas eu ce segment indé, je trouve, dans les conférences. Mmh. Je sais pas, c'était un peu étonnant. C'est un peu étonnant parce que justement pour Xbox, ils auraient pu le monter un peu différemment. Ils en ont montré, mais c'était plus pour cacher un peu le manque de jeux qu'ils avaient. Ils se sont dit, on va mettre. Pour Sony, on dirait qu'ils ont. Ouais, c'est un peu le syndrome, j'en ai plus rien à foutre. Enfin, je fais ma conférence et je suis pas trop investi. Alors, cette Nintendo année. A mis l'accent sur, Rocket League. Ouais, alors bon, c'est un jeu. Oui, voilà, mais ils en ont d'autres, on sait qu'il y en a plein qui. C'est pas la masse d'indés, mais pourtant, c'est vrai qu'ils en ont. Mais tu vois, il n'y a pas eu ce trailer des 30 jeux en 45 secondes. Où tu n'as pas le temps de voir ce que c'est le jeu, il y a le titre en haut. Ouais, mais ça, c'est peut-être une fois qu'ils ont vu justement les gens n'arrivaient pas à suivre. Tu crois? Ah oui. C'est pas que c'est mort, mais en termes d'image, c'est moins vendeur. C'est usé. Ouais. Tu sais, c'est usé et reusé. Les mecs, ils disaient, ouais, putain, on est obligé d'avoir un PC pour jouer à ces super petits jeux qui coûtent vraiment pas cher et tout, tu vois. Là, donc, c'est arrivé sur l'Xbox Live Arcade. C'est même Xbox Live Arcade qui avait même fait le premier gros jeu indé à succès qui était Braid à l'époque, tu vois. Le XBLA, c'était vraiment une plateforme qui permettait aux gens de s'exprimer, de sortir des jeux à pas cher et tout. Du coup, les gens allaient sur Xbox, du coup, sur Sony, on se dit, nous aussi, on va avoir des indés, puis c'était sur PC, tu vois, Steam et compagnie. Et maintenant, ça y est, c'est partout automatiquement, tu vois. Un mec qui sort un jeu, il se passera pas de sortir sur toutes les consoles, toutes les plateformes. Maintenant, c'est facile, maintenant, c'est. Voilà. Alors après, t'as la variante, c'est-à-dire le studio qui te présente un jeu comme étant une sorte de label indé. Ouais, tu vois, A Way Out, ce que fait EA avec les classics, là, les originals. Ils ont déjà fait le coup avant. Ils avaient fait ça avec, donc, il y avait Unravel. Ouais. Il y avait, alors que c'est pas du tout des studios indés, puisque par essence, ils sont financés par EA. Mais c'est du goût, c'est le nouveau bio. Ouais, c'est ça. C'est tout le monde fait du bio, Carrefour bio, machin bio, tu vois. Bah voilà, c'est Microsoft Bio et PlayStation Bio. Alors, est-ce que les indés, ils n'ont pas eu aussi leur conférence qui était celle de chez Devolver, même si finalement c'est un éditeur, Devolver. Attends, mais là, je ne l'ai pas vu, mais je crois que ce n'était pas une blague. Alors là, c'était une parodie de conférence. Ah ouais. T'avais la conférence Devolver, c'était en fait une parodie des grosses conférences. Alors, certains ont trouvé ça complètement génial, une sorte de happening qui retournait un peu ce qu'était l'E3 et l'espèce de vacuité de l'E3, et d'autres ont trouvé ça vraiment assez atterrant. Alors, c'est vrai que quand tu regardais, tu voyais des mecs qui jouaient, tu comprenais pas trop à quoi ils jouaient, ils se marraient, enfin, c'était un espèce de truc complètement bizarre, mais en même temps, c'était assez frais par rapport au reste des conférences quand tu peux te choper une conférence EA ou Microsoft où c'est quand même un peu rébarbatif. Bah, Devolver, ils se construisent d'images. Ils ont déjà l'image des jeux cool, pixelisés, qui sont violents, qui sont stylés, qui ont de la super musique. Et ils jouent là-dessus. Ils se construisent une image. Ils ont réussi à faire une fausse conférence comme ça, en fait. Devolver. Ouais, ça durait assez longtemps. Enfin, c'était une partie de leur show. Et après, t'avais un show un peu en plateau où ils jouaient au jeu. Mais tu comprenais pas quel jeu tellement ils jouaient. Est-ce que ça allait vraiment sortir maintenant? Est-ce que c'était un vieux jeu? Il y avait une ambiance un peu, peu étonnante. Dernière conférence, bah, c'est un peu le truc Sony un peu en mode ninja. Voilà, c'est ce qu'on disait. Ils sont venus très rapidement. Ouais. Un peu en mode Jack Chirac, là, 5 minutes douche comprise. Ils sont venus une heure, ils ont fait ciao. Bonne référence, tout à fait. Et on s'en va, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont revenir en 2018, comme on disait, pour tuer la concurrence ou plus tard dans l'année? Je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur ça. Ah, le problème, c'est que si ils font ce genre de conférence comme ça l'année prochaine, enfin là, pour le coup, tu vois, ils sont trop en mode acquis, là, je trouve. Là, pour le coup, on dirait qu'ils se battent pas. Alors, ils n'ont pas besoin de se battre cette année parce qu'ils sont en avance. Tout à l'heure, ouais. Maintenant, si, il faudrait pas que la, enfin, il faudrait que la, si la Scorpio vient à marcher, je l'appelle encore Scorpio, mais si elle vient à marcher, il va falloir qu'ils se bougent un peu. Je pense qu'ils savent qu'elle va pas marcher ou en tout cas que, bah, ils sont déjà tellement loin devant que. Même si à la rigueur, voilà, ils en vendent 20 millions des Scorpios, bah, ils sont encore devant. PlayStation Experience. Ils vont... Donc, je sais pas. Ouais, là, ils n'étaient pas comme ça. Et est-ce que, alors, ouais, est-ce que ça veut dire qu'ils vont annoncer du gros soin en 2019 comme de Chine, toi, tu disais que non. Dès l'année prochaine. Moi, j'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. Je ne sais pas si ça sera le cas. On n'a toujours pas vu Red Dead Redemption. Hein. Ouais. Moi, je pensais qu'ils allaient finir là-dessus. Très honnêtement, je pensais que dans leur conf, on verrait du Red Dead, quoi. Et surtout, on aurait une génération sans GTA. Non. Ça paraît quand même peu. Enfin, je parle pas de GTA 5 qui a été ressorti après en portage. Impossible. Mais tu sens que GTA V, ça va être un des jeux qui va sortir en tout dernier pour propulser un peu les dernières ventes de consoles et faire basculer et après pouvoir le ressortir sur les générations d'après. Ils vont sortir le truc sur deux générations de consoles. Ouais, ils le feront, mais voire deux. Oui, ça serait logique, mais je pense qu'ils vont quand même. Enfin, tu peux pas annoncer une nouvelle console avant qu'ils sortent un nouveau GTA, quoi. À moins qu'ils fassent l'impasse sur la génération. Vu qu'ils raccourcissent les cycles maintenant, tu vois, je veux dire, peut-être, la PS4 Pro, elle est quand même venue assez vite, quoi. Donc, Et sinon, sur la VR, t'as, je sais pas si c'est quelque chose qui t'a rassuré de voir ce que faisait Sony. Il y a quand même des nouveautés qui ont été annoncées. C'est pas très télévisuel d'annoncer des gens en VR, on le sait, mais... C'est quoi, je m'en souviens même plus. Il y avait quoi, déjà? Alors, il y avait le truc avec Elijah Wood. Mais ça c'est un truc qui fait flipper du mais coup, justement c'était un peu le problème, c'est qu'il y avait pas grand chose. Il y avait faut qu'ils arrêtent, hein, s'ils nous écoutent, si vous voulez faire des trucs sur VR, faites des trucs bien, mais vous êtes pas obligé de faire des trucs qui font flipper. Ah ouais, c'est relou. Non, il y en a beaucoup, parce que ça fait vraiment flipper. Donc il y avait Skyrim VR. Ouais, non, moi c'est le Doom, moi, qui me chauffe. Ah, le Doom, donc à la conférence Bethesda, ça peut faire flipper Doom, mais ça... Et ils avaient aussi comment Fallout 4. Ça doit être... Ouais, Fallout, moi je suis pas familier de l'univers. Why not? Mais je suis pas familier de l'univers, du coup je m'en fous un peu. La pêche de FF15, ça t'associe un peu? La foot, FF15. Enfin, ça, c'était l'annonce. Ils savent plus quoi faire, FF15. L'annonce décevante. Moss, un jeu avec une petite souris qui a une épée, moi j'ai trouvé ça très bien. Ouais, non, ça m'a pas. Moi j'ai eu envie de. C'est vrai? Ouais, ça me l'a vendu. Okay. Bah, j'aime bien les gens en troisième personne, je trouve que ça rend toujours bien en VR. Hein. Il y avait gratuitement le petit robot dans le truc expérience. C'était mortel. C'était très bien. Toi, ils auraient annoncé le jeu complet. Ouais. Ils auraient annoncé le jeu complet de plateforme comme ça. Ça, c'était gagné. Ça tuait tous les Mario du monde. C'est tellement génial comme expérience. Non, mais c'est vrai que moi j'avais essayé chez Julien, j'étais ressorti en disant bon, bah ça c'est le nouveau Mario, quoi, ce truc. C'est hallucinant de jouer à la troisième période. Bah là justement, je me dis, Moss, c'est une petite souris avec une épée dans un décor un peu. Ouais, c'est un vrai jeu. Après, on sait pas trop, mais. Ça dure pas 5 minutes un niveau, quoi. Non, c'est un vrai truc. Après, je pourrais pas t'en dire plus, mais toi, Dim, je sais pas, sur la VR, t'as pas acquis de casque, mais en même temps, c'est un truc qui peut t'intéresser. T'as été rassuré, t'as été un peu inquiet, un peu. Bah, rassuré un petit peu, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on n'en avait vraiment plus du tout parlé, j'ai l'impression. Et là, ça se voit que bon, c'est pas encore mort et qu'il y a des choses quand même qui sont en prévision. J'ai pas vu ton jeu avec la souris, là, ça m'a intrigué un peu. Surtout si... merde, là. Vous allez être déçu quand même. Si c'est un peu comme le petit jeu de plateforme avec le robot qui m'avait vraiment impressionné aussi. Donc, je vais surveiller ça quand même. Moi, j'attendais un Rainbow Six ou un truc comme ça. Bah, il y a eu, comment il s'appelle ce jeu là? Merde. Parce que, pour tout vous dire, moi je suis en train de jouer à Farpoint. Ouais. Et, avec le fusil en plastique, ouais, là. Ouais. Et donc, passer le début qui est un peu lourd et tout, en fait, c'est vraiment mortel. Même si le FPS en tant que tel est pas mortel. Ouais, le FPS c'est pas mortel, tu vois. Mais l'immersion fait que. Mais l'immersion fait que, en fait, je me suis tout de suite mis à imaginer, parce qu'à un moment donné, t'as des ennemis, j'avais joué en coop avec un pote. Et il y a des ennemis que j'avais pas vu encore dans le jeu, c'est des ennemis extraterrestres avec deux jambes et tout, en fait, des humanoïdes, mm-hmm, qui te courent dessus, des machines type ATT qui t'arrivent dessus, des avions, enfin des trucs qui volent et tout, tu vois. Donc tu te planques derrière les trucs, tu sors, tu leur tires dessus, tu vois les mecs qui se planquent, qui se cachent et tout. Et là, je me suis mis à fantasmer, mais un jeu réaliste à la Rainbow Six ou un truc comme ça où tu jouerais en coop en disant vas-y, rentre dans la pièce là, moi je vais rentrer par l'autre côté de la pièce, on va essayer de le choper. Et Bah, ils ont montré un truc, bravo team, hein, qui était une sorte de SOCOM un peu. Bah voilà, moi c'est un truc comme ça que je. Parce que vraiment, Farpoint, de ce point de vue là, c'est mortel. Ouais. Mais vraiment, c'est mortel. Là, j'arrive pas à tuer là, un boss qui est une espèce d'araignée qui fait 5 mètres ou 6 mètres de haut, mais pour de vrai. C'est 5-6 mètres de haut pour de vrai, et c'est juste mortel. Parce qu'en plus, ça rend pas malade. On pouvait se dire, ouais, t'avances avec le stick. Et... Non, ça rend pas malade. Parce que sur PSVR World, il y avait un FPS qui rendait un peu malade. Hein. Enfin, moi, je sais plus son nom, c'était une. Ouais, c'est un truc que tu sautais, t'étais dans l'espace, dans c'est une machine. C'est un peu dur. Moi, quand je faisais des sauts, je retenais ma respiration. T'es un peu comme les astronautes. Ouais. T'es gainé, ouais. Tu vois. Ouais. T'es, tu retiens ta respiration, tu te gaines, tu vois. Tu... Bah, bah, un peu comme dans Rush of Blood. Hein, le... c'est, je l'ai pas fait. Ah, tu l'as fait, mais comme voilà. Tu sais, il y a un grand vide dedans. Ah, okay, que ça, c'est infaisable, ça. Ouais, mais quand tu descends, t'as vraiment la sensation que ton bide, il soulève, ouais. Quoi. Ouais. Non, mais voilà, vraiment, Farpoint, c'est mortel de ce point de vue-là. Le FPS est moyen, ouais. Ça va. Mais l'immersion et tout, ça, on peut avoir des trucs cool si les mecs font des trucs bien. Et j'ai pas eu ça. C'est ça, ouais, c'est ça. Voilà, c'est juste un. Bon, c'était dans quel conf, Moss, là qui c'était dans la conf Sony. Ah, c'est la conf Sony. Bah, il y a okay. Que qu'on montrait de la VR avec Bethesda. Même si la VR était très présente sur plein de stands aussi, du salon. Non, Ubi, ils ont montré. Un jeu dans. Je sais bah, plus. Celui avec Elijah Wood, ouais, je crois. C'était ça. Ah, c'était ça, c'était ouais. Dans la conférence. Ouais. Oui, j'ai confondu. Ouais. Du coup, Doom, les mecs, en théorie, savent ce qu'ils font, connaissent un peu leur métier du FPS. Ils ont un peu étudié maintenant, ils ont laissé passer le temps, ils savent comment se déplacer, ouais. Ils savent comment tirer. Ouais. A priori, tu peux ralentir pour pouvoir tirer sur les ennemis, tout ça. Je mettrais bien une pièce dessus pour, en mode ça va être mortel. Même si le côté très nerveux du jeu fait que ça va être peut-être. Ils vont l'adapter. Sinon, ils tu vomis. Obligés, ouais, sinon, tu dégueules. Tu prends une grosse roquette pleine face. Puis voilà. En plus, là, comme c'est toi qui vas te retourner, qui tire et tout, faut quand même que ce soit un truc un peu réaliste parce que sinon. Physiquement, un humain ne peut pas suivre le rythme de Doom. De tu cours, tu ouais, te retournes si à droite, à gauche, tu shoots n'importe un quoi. Un quake en version VR, ça pourrait ouais, être non, tu vois, avec des sauts de. C'est... Pourquoi pas les sauts. Pourquoi pas, mais à cette ouais, vitesse-là, c'est impossible. Voilà, je sais pas, on peut peut-être passer aux jeux qui nous ont marqué. Ouais. Bon, je sais pas qui veut commencer. Je sais pas si le premier jeu qui t'a marqué, c'était. Je sais pas si tu veux, comment tu veux le faire. Bah, on peut... Non, mais je sais pas. Allez, ouais. Je vois que t'as parlé. On a parlé déjà pas mal de Dragon Ball, justement. Que ce soit en off ou. On peut parler de Dragon Ball. Si, ouais, on peut je vais être le seul à pas l'avoir mis, non c'est... Ouais, c'est je crois que t'es le seul à pas l'avoir mis. Non, ouais. Mais Dragon Ball. L'a mis, Shin l'a mis, moi je l'ai mis. Dragon Ball, faut dire, on a eu beaucoup de jeux Dragon Ball sur Super Nintendo, sur PlayStation 2, tout il ça. C'était bien, il y en a qui étaient pas mal. C'était sympa, mais ça a jamais été Street Fighter, tu vois. C'est sympa parce que c'est la licence Dragon Ball et qu'on kiffe avoir des Super Saiyan et qu'on kiffait se taper contre Cell et tout. Mais c'était pas des jeux oufissimes, tu vois. On kiffait jouer avec les potes, tu balances un Kamehameha, je le contre et c'est stylé parce que les deux Kamehameha s'affrontent et on appuie sur le. Mais ça a jamais été des grands jeux, tu vois. On kiffe, c'est stylé tout ça, mais ça. Voilà. Et là, on pouvait rêver d'un truc, c'est que des mecs qui savent faire du jeu de baston, ils savent faire des graphismes. Ils prennent la licence et que les mecs se sortent les doigts du cul en disant putain, ah là, ils se sont, on va sortir, ah là, ils se sont on va sortir juste le jeu Dragon Ball de Ultime, parfait. Ouais. Parfait. Et les mecs ils l'ont fait, tu vois. Ils ont fait, ils ont pris le moteur de Guilty Gear, Xrd, qui est de la 2D, 3D. Ouais. Ils ont foutu les persos de Dragon Ball, ils ont foutu, enfin ils ont fait ça propre. Ouais, ils ont mis des mouvements qui sont fidèles. T'as les mecs qui font les comparos animés, enfin manga et jeux. Ils ont foutu des effets visuels de ouf. Ils ont pas cherché à splitter l'écran en deux quand tu balances un Kamehameha. Mais les persos restent très proches les uns des autres. Ouais, la furie, elle balance, elle éclate l'écran, tu vois. Que sur Super Nintendo, t'étais un peu à 200 mètres. Un peu loin, les mecs volaient et tout. T'avais une carte pour savoir où t'étais par rapport à l'eau, tu vois. Tu veux... t'es le mec, tu cours après quand ils voulaient s'enfuir, c'était un peu relou, tu vois. Donc tu balançais des Kikoa tout le temps, tout le temps. Non, là, les mecs, ils ont fait un vrai jeu de baston. Et quand tu vois, bah, il y a des combos, il y a des. Le jeu est parfait. Le jeu est parfait. Je sais pas si le gameplay sera très profond, par contre. Il va être profond, tu ça se voit. Mais ah, je pense à Arc System Works, ils sont quand même. Ils sont pas là pour, connus pour faire des jeux assez techniques, je pense. Et ils l'ont dit, hein, ils sont là pour l'e-sport, ils sont là pour faire plaisir. Il va être accessible. Après, voilà, il peut être plus accessible qu'un Guilty Gear ou qu'un BlazBlue, quoi. Mais il y aura de l'autocombo du machin. Dans KOF 14, il y a de l'autocombo. Hein. Vous restez appuyé sur le petit point. Ouais, mais Guilty Gear et BlazBlue, c'est plus, quand même plus technique qu'un KOF. Hein. Ouais, mais t'as des combos de base très simples. Hein. Tu fais les 4 boutons à la suite, ça te fait un combo hein, dans Guilty Gear. Après, même, t'as des juste... combos, t'as des, des trucs qui sont. Mais normal, mais tu peux faire des trucs stylés. Oui, tout à fait, tu peux rendre un truc accessible et un truc profond. Pas... Dans KOF 14, je vais te sortir un truc, tu vas me dire, waouh, mortel ton combo, tu vois. Je fais, non, j'ai juste appuyé sur le même bouton et tout. Comme j'avais de la jauge max, ça a fini par une furie, tu vois. Ouais, tu peux faire des trucs spectaculaires. Automatique, dans Persona, Fight, là, j'ai oublié son nom. Oui, oui. Le, t'avais le de l'autocombo, de... pareil. Ouais. Tu vois, ils savent faire. Donc, t'as l'autocombo et après. T'as le niveau d'après qui fait plaisir aux mecs qui savent jouer au jeu de baston et ça va être dans DBZ Dragon Ball FighterZ. Donc Dim aussi, toi aussi ça t'a. Ah ouais, bah moi ça m'a bien chauffé aussi, c'est clair. Enfin, j'avais une grosse expérience sur le Ukutonoken déjà développé par le Arc System Works où en plus enfin, ça alliait bien, on va dire, le côté technique est vraiment bien bourrin avec aussi du gros fanservice, je pense que là, qu'on va retrouver dans le jeu là. Donc ouais, ça me chauffe vraiment à fond. Quoi. Et en plus, il faut se dire qu'au niveau de la communauté, ce Dragon Ball, tout le monde va y aller. Je pense là, ouais. Tu vois, tout le monde va y aller. Ah bah là, il a les fans de jeux de baston, les fans du. Non, tout le monde va y aller. C'est le jeu qui est là, c'est l'anneau. Moi, non, mais bon. Non, c'est l'anneau, c'est le jeu pour les réunir tous parce que s'ils font un bon jeu de baston. Et que la licence, c'est la licence. Elle est porteuse, ouais, elle est très porteuse. C'est juste ouf. Ouais. Ah, mais ils ont cassé Internet hein, avec cette petite bonne tout annonce. Tout le monde va y aller. Les tournois e-sport, ils vont être là-dessus. Tu vois, les mecs, le jeu, il va être à l'Evo. Tu vois, il sera peut-être pas. C'est ouais, parce que le trailer était un peu au milieu de la conf, comme ça. Je sais pas s'ils avaient misé gros dessus, puis en fait, c'est un des trucs que chez tout le monde a retenu. Ouais, chez Xbox, ah ouais. Non, je pense que c'est les mecs se disent putain, on peut l'avoir. Ça a cassé Internet, ce truc-là. Ouais, mais si tu vas sur Twitter. Tous les gens de ta timeline, bah forcément, ils ont grandi oui, Dragon ouais, Ball. Ouais, bien sûr, non, mais bien c'est sûr, un truc facile. On est biaisé, mais je pense que. Non, mais c'est le jeu parfait. C'est la licence la plus forte. C'est la licence baston en termes de dessin animé la plus connue, la oui, plus oui, forte. Puis après, derrière, ça ouvre des. En plus, derrière, quand tu te mets à réfléchir, ça ouvre une voie royale à Namco Bandai pour sortir tout le reste, quoi. Ah ouais, ouais, non, c'est. Allez, refaites un JoJo, un vrai. C'est une cash machine. Tu vois, refaites un Saint Seiya, ouais. Un vrai. Refaites un Hunter Hunter, un vrai. Tu vois, faites ce que vous voulez. Tu vois, ouais, c'est. Ouais, ça va être un. Tu vois, verra le succès du jeu, hein. Je pense que ça peut être un gros. Les mecs derrière, gros ils peuvent même faire un jump, jump fighting, tu vois, cross, ouais. Cross univers jump, tu vois. Pff, c'est bon, ils ont la base. Je sais pas, autre jeu, tu voulais pas en parler, mais on va faire ma liste. Ouais, bah, je suis en train de regarder ta liste. T'avais parlé de God of War aussi. Bah, God of War, bah, classique. Bah, moi, je l'ai cité aussi, le God of War des frères d'Ardenne. Ouais. Pas ta liste. C'est un peu le logo. C'est un peu le God of War de la maturité. Genre. Moi, je l'appelle le God of War des frères d'Ardenne parce qu'il doit s'occuper d'un enfant, donc voilà. C'est un peu le Logan de God of War, c'est oui, un peu le Last of Us ouais. De God of War. Ouais, c'est. C'est voilà, le jeu a grandi. T'es les mecs qui sont là pour dire ouais, c'est bon, ça fait 4, 5, 6 épisodes, là, enfin 3 canons et plus des trucs, vous cassez la gueule un peu n'importe comment. À tout non, monde. Vous allez réfléchir à là, on va réfléchir, on va un peu penser tu vois, au sens de la vie et de la mort. On va quand même casser des trucs, je pense. On s'est poussé un petit peu la barbe, tu vois. Il y a du gros monstre, tu vois, mais on fait ça propre parce qu'il y a le fiston. Le fiston, on va le prendre. D'ailleurs, je mettrais bien une pièce sur le fait que tout ce qu'on voit là, ce soit juste un putain de prologue. Et qu'après, t'incarnes le fiston. Et que derrière, t'incarnes le fiston parce que si on veut faire une Metal Gear Solid 2. Et même une. Ouais, une Metal Gear Solid 2, ils vont nous faire une fin de Red Dead Redemption. Ouais. Ça spoil. Les mecs qui n'ont pas fait Metal Gear et tu Red vois, ils vont nous faire un Assassin's Creed machin avec le gamin, un Horizon Zero Dawn quand t'avais la petite. Je pense que là, ce qui monte, c'est juste le début pour pas trop nous en montrer, tu vois. Est-ce qu'on est sûr que le mec barbu, c'est Kratos? Il ouais, a pas dit ça. Ouais. Physiquement, quand même. Ça se trouve, c'est juste son daron. Hein. Il lui ressemble, t'as vu. Au début, on pouvait avoir des doutes sur le fait que c'est son fils, mais le trailer montre quand même que c'est son fils. Bah, si se trouve, ce sera son fils, et voilà, et on va repartir sur une nouvelle licence. Ouais, ça peut être l'occasion de rafraîchir. Ouais, de façon un peu plus terre à terre, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ils ont passé d'une caméra fixe à une caméra dos au personnage très classique. TPS, machin. Ouais. Ouais. Le fait que tu vois, t'as l'impression que les coups ont un petit peu moins d'impact que ce qu'on pouvait avoir. Après, voilà, moi je suis. La mise en scène va être différente, ouais, c'est ça que tu. Il faut la laisser faire, je pense. Moi, j'ai pas le choix d'ailleurs. Non. Ouais, on n'a pas le choix. Non, en fait. Laissez faire la police. J'aime beaucoup la licence, mais voilà, c'est vrai qu'elle tourne un peu en rond et je trouve ça bien qu'ils aillent vers quelque chose d'un peu différent. Ouais. Même dans la représentation, dans le fait voilà, qu'il y ait ce gamin, qu'il change un peu la façon de faire. Ça a l'air finalement, des fois, il y a un peu plus d'humour et en même temps, des fois, c'est aussi violent que ce qu'était avant, mais un peu moins déréalisé. Tu vois, c'est une espèce, comme il y a le gamin, ça t'amène tout de suite à un questionnement sur la violence. Alors, après, est-ce que ça va fonctionner c'est le truc, mais. Là, il l'appelle pas God of War 4. C'est God of War. God of War, donc c'est un peu à la fois une. Ah, c'est le truc de la maturité quand tu mets plus de numéros, ça. C'est mort, on est adulte, là, les gars. Ah, et puis ils ont changé de mythologie, donc ça peut être aussi intéressant. C'est la prochaine fois, ils l'appelleront Kratos, tu vois. Ouais, c'est ça. Kratos. Ouais, exactement. God. Qu'est-ce que t'avais mis, toi, Julien, dans tes autres jeux Moi, j'avais mis Super Mario Odyssey. Ah, bah, je l'ai mis aussi. Évidemment, hein. Bah, Super Mario Odyssey. Archie, toi, tu voulais pas en parler tout à l'heure. Moi, je l'ai pas mis. Je sais pas pourquoi. J'ai peut-être un cœur de glace en ce moment. Ouais. J'ai l'impression, hein, parce que là. Mais. Qu'est-ce qui t'a pas convaincu cette bande-annonce ? Il m'a pas touché le jeu. Oh là là là, mais il est d'une générosité, mais j'ai halluciné. Bah, je sais cette pas. Bande-annonce, alors, ouais. Tu parles de la bande-annonce ou après ? Parce qu'après, ils ont montré beaucoup de choses. Ouais, les trucs après, là, dans le New York un peu dégueu, là, je trouve ça dégueu. Bon, mais vraiment. Okay. Le truc des morts, là, c'est pas mal. Là. Je trouve ça dégueu. Le truc mexicain. Je sais pas. La forêt. Je le trouve cahier des charges, ce Mario. Ah, moi, je le trouve vraiment hyper. Je le trouve fou aussi. Je sais pas, ça m'a pas fait du tout la même impression. Ouais, je sais pas, c'est peut-être que c'est trop chaud. Parce que bon, de toute façon, ouais, Mario, cahier des charges, pour moi, c'est toujours un peu le cas. Enfin, je veux dire, tu sais très bien que ça va être toujours, tu vas être une étoile. Non, mais t'as toujours un truc qui te touche le cœur, toi. Le 3D World, je l'ai trouvé ouf. Ah, il était complètement dingue. Et alors, pour préciser, c'est un Mario qui va plus être dans la tradition du 64 et du Sunshine. Ouais. C'est-à-dire qu'avec des niveaux beaucoup plus grands, il y aura des choses à explorer. On voit qu'il y a des dialogues, t'as des petites missions un peu, tu vois, presque GTA où tu dois aller chercher des persos et les ramener à un endroit. GTA. Je trouve trop ouvert. Enfin, je sais pas. Il y a un truc trop ouvert, genre, ouais, bah tu peux aller où tu veux. Ok. Après, t'as le coup du chapeau, tu peux incarner en fait, tous a l'air sympa, ouais. Les personnages. Ouais. Tu peux même prendre des poteaux et le faire, tu peux prendre des... Donc les ennemis, les machins, les champignons, les boulets de canon, on a vu quoi, le dinosaure, bien sûr, c'est comme ça qu'il commence. Moi j'ai tendance à faire un peu une confiance aveugle à Koizumi, donc pour moi qui est un peu le mec qui a pris la succession de Miyamoto, qui avait fait Galaxy. Ouais. Voilà, je pense qu'ils savent faire des jeux de plateforme, ils savent faire... je pense que Mario c'est un truc qu'ils maîtrisent. Moi je trouvais ça généreux, la bande-annonce elle est super bien montée, bon ça, en plus c'est très efficace sur les enfants, là ma fille l'a vu, elle a fait tout de suite, bon on va l'acheter ce jeu-là, hein, je crois. Ouais. Parce que, voilà, et on sent que, on sent qu'ils ont envie de donner beaucoup de choses à leurs fans, là, j'ai l'impression. Avec et c'est bizarre parce que tu vois, 3D World, c'était un peu l'épisode qui était décrié parce que c'était l'épisode qui semblait manquer d'ambition le vois la première fois. C'est-à-dire, c'est vraiment du jeu de plateforme. 3D World, il y avait une idée différente par niveau. Ah, c'était le jeu parfait, 3D World. Là, j'ai l'impression que t'as une bonne idée, celle du chapeau, tout ça, et du coup, tu vas l'exploiter à foison un peu partout. Mais je sais pas s'il y aura vraiment un truc. Alors, hormis la DA qui va changer d'un niveau à l'autre, j'ai pas encore vu un truc qui me... Je sais pas. Il me manque un truc. Ah ouais, non, ce Mario, en plus, tu vois les mecs qui se baladent dans un monde. Moi, j'aime bien le côté Mario, c'est le côté challenge, tu vois. Ouais. Même dans Mario 64, t'arrives au début du niveau, tu savais où tu devais aller. Tu vois. Dans 3D World, même si tu pouvais. Ouais, les niveaux étaient très ramassés, donc tu vois tout de suite le. Voilà, tu vois où tu dois aller. Là. C'est plutôt en fait des zones à l'intérieur de cette map, des zones de challenge. C'est-à-dire, tu vas arriver, tu vas vraiment, tu vois une tour un peu au loin, et il va falloir monter, là, c'est où tu vois la tour en 8 bits. Donc, c'est plutôt des espèces de poches, hein, comme ça, de challenge à des endroits différents de la map. Ouais. Bon, après, c'est. J'attends d'en voir plus. Bon, en tout cas, moi, c'est un des jeux que j'attends le plus cette année. Pareil. Hein, bon, après, je suis très acquis à la cause des Mario 3D. Autant les Mario 2D, ils pourront en sortir 25, ça m'intéresserait pas. Je sais pas, autre jeu, t'avais un autre jeu En Chine, Last Night, Spider-Man en thème. Last Night. Ouais. Le petit truc allé qui apparaît, qui fait. Dans la conf Microsoft. En plus, ce truc qui m'a pris un peu par surprise parce que tu vois apparaître une ville en 3D normale, tu vois. Un peu la Blade Runner. Voilà, un peu la Blade Runner et tout. Tu fais, ouais, ok, qu'est-ce que c'est? Tu vois un plan de l'eau. Et là, tout d'un coup, boum, taille. Donc, j'aime bien les pixels. Ouais. Et là, le truc arrive en mode pixel. Je fais, ah, c'est stylé quand même, tu vois. Un plan pixel sur un truc. Tu vois, je fais, ah, putain, c'est stylé, tu vois. Et après, tu vois le mec qui se déplace comme je sais plus comment il s'appelle, Conrad. Flashback, tu vois. Genre, les petites animations un peu chiadées. Il se cache derrière un truc. Il sort son flingue, ça tire, il menace quelqu'un. L'ambiance un peu Blade Runner, quand un peu tu vois dans la foule, t'as tous les plans de la foule. Ouais, tu vois la voiture qui débarque. Tu fais, ah ouais, putain, il y a un truc. Toi, rien qu'au niveau de la DA, du style, ils m'ont vendu un. Ils m'ont un peu fait rêver. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que dans la con, c'était un peu le jeu. À un moment, tu t'arrêtes, tu dis putain. Ouais, ils m'ont un peu fait rêver. Je croise les doigts pour qu'ils aient mis un bon scénar, un truc vraiment sympa qui te pousse à suivre le truc, un bon gameplay à la Flashback. J'en demande pas plus. Un truc Flashback. C'est vrai qu'esthétiquement, c'était quand même une petite claque. Parce qu'on a vu des trucs, tu peux te. Cache-toi derrière les objets, un petit peu de fusillade, un peu de trucs genre va à tel endroit pour explorer un peu la ville. J'espère qu'ils ont réussi à faire un truc sympa d'exploration. Et j'espère que c'est sympa, quoi. Ça a de la gueule. Je trouve qu'esthétiquement, c'était une des claques. Tu vois, c'est comme une belle femme que tu vois dans la rue, tu tombes amoureux parce qu'elle est super belle et tout, et tu dis, putain, j'espère qu'elle sait parler. Cette comparaison de l'espace. Elle te plaît et tout, tu fais, oh là là et tout. J'espère qu'elle est pas con. J'espère qu'elle est sympa et qu'elle aime les mêmes trucs que moi. Et là, elle a une voix de Cressel. Et puis il fait, j'aime mon rêve, c'est de participer. J'adore Jessica Chastain. Voilà, j'espère que je participerai bientôt aux anges de la télé-réalité, tu vois, et tu fais, ah ouais, non, pas le même truc. tu fais non, c'est dommage. Bah voilà, tant pis. Voilà. Et Dim, t'avais mis un jeu, je crois qu'on a mis le même, c'est A Way Out. Ouais, bah moi ça m'a bien chauffé parce que j'aime déjà beaucoup les jeux en coop. Je trouve ça vraiment toujours sympa à faire, quoi. Et puis j'ai bien aimé l'ambiance un peu Prison Break, évasion, après poursuite et tout. Ça avait l'air d'être vraiment cool. Et pour le coup, un aspect un peu. Nouveau et original, moi qui m'a bien chauffé. Quoi. Je sais pas ce que toi t'en penses. Ouais, mais... c'était pendant la conf hier, donc c'est le nouveau jeu de Joseph Fares qui avait fait Brother, qui était plutôt un jeu intéressant, mais là je trouve qu'ils ont vraiment monté en budget, c'est-à-dire c'est plutôt joli pour un jeu qui paraît un projet un peu milieu de. Tu vois, c'est pas non plus un triple A, une sorte de double A si on pouvait encore avoir ce. Et moi ce que j'ai trouvé vraiment couillu, c'est de faire un jeu en coop uniquement, c'est-à-dire que tu pourras pas y jouer tout seul, c'est ou de la coop locale ou de la coop en ligne. C'est rare, hein, ça, comme... Et donc, tu vois les deux écrans, l'écran sera toujours splitté, et d'un côté, tu verras ce que fait un des personnages et de ce que fait l'autre, et il faudra que t'attendre donc, ton coéquipier. Et voilà, j'ai trouvé que de faire un truc comme ça, qui est un peu, pour, tu disais tout à l'heure, c'est un peu clivant, de faire un jeu uniquement en coop, et je trouvais que c'était quand même un parti pris qui était assez couillu, et en même temps, on a parlé tout à l'heure, Fares l'a vraiment bien vendu, quand même. Je sais pas, il y avait une espèce comme ça d'entrain sur le jeu. L'idée est très bonne. Après, voilà, faut voir l'exécution. L'idée est excellente. J'espère juste que ce sera pas Press X ou... to make a diversion et pendant ce temps fait c'est bon vas-y tu peux faire ton truc tu vois. Brother était pas comme ça je crois hein. Elle était si c'était comme ça. C'était plus pas intéressant sur papier que dans l'exécution. Ah ouais. Quoi. C'est... Là j'espère vraiment que tu auras une vraie liberté de truc genre ok le mec il arrête pas de me regarder je dois appuyer sur le bouton là démerde-toi trouve un truc tu vois. Et que tu puisses te dire, bah, je vais peut-être démarrer une bagarre, je vais le taper un mec. Et que vraiment, en face, tu aies du répondant par rapport aux situations que tu es en train de générer. C'est ça, en fait, qui dira si le jeu est bien. Ouais. Si vraiment, il faut que tu te creuses la tête. C'est-à-dire que si vraiment tu tombes avec un abruti à l'autre côté de la planète qui joue avec toi, qui fasse des conneries. Non, mais là, je pense qu'il faut vraiment jouer avec un pote, quelqu'un que tu connais. Non, mais ça serait marrant, tu vois, de voir aussi tester le jeu comme ça. Genre, le mec veut pas t'aider à sortir, quoi. Tu vas voir s'il y a une possibilité. Si sûr ça fait. Et ce serait bien qu'il y ait plusieurs moyens de le faire. Tu sais, si ce soit pas juste. Bon, ok, va taper le mec parce que c'est le seul moyen de. De toute façon, c'est cette trappe-là. Moi, j'ai un peu un doute sur ça parce que Fares, c'est quelqu'un qui vient du cinéma. Déjà, Brother, c'était quand même assez scripté. Alors, c'était du coop solo. C'est-à-dire, tu contrôlais les deux personnages, je crois, avec les deux sticks. C'était une bonne idée de base, mais il n'en faisait pas grand-chose quand même sur la durée. Alors, c'était un jeu qui était assez court, hein, c'était 2 heures. Et là, j'ai un peu peur aussi que ça soit ce côté où tu presses un bouton pour agir. Tu déclenches un script et après l'autre il doit agir avec ce script. Du coup, ça me plairait beaucoup moins parce que je trouve l'intérêt, ça serait vraiment de créer des stratégies entre potes et d'interagir vraiment sur ce que l'autre fait. De faire vraiment des grosses interactions et d'essayer plusieurs fois peut-être les mêmes situations pour voir et tout. Quitte à rater, tu vois, plusieurs fois parce que t'as pas trouvé le bon truc et que tu t'es fait gauler. Quand on te bise, tu t'es fait gauler. Je sais pas, autre jeu, t'avais un autre jeu ou Shin ? Il y avait Spider-Man que Shin et Dim ont sélectionné ainsi que moi. Spider-Man, valeur sûre. Hyper beau quand même, enfin hyper réussi, un gameplay qui a l'air d'être plutôt intéressant. Ça impressionne pas, mais t'es Spider-Man, t'es dans New York, tu l'as joué un peu à l'Arkham. Ça ressemble un peu à Arkham quand même. Ça ressemble même carrément au-dessus, t'es en hauteur, tu vois les mecs. Un peu QTE quand même les scènes. C'était un peu le. QTE parce que c'était quand même une scène d'action. Montré pour que ça soit dynamique. L'hélicoptère, le machin. Parce que je vois pas trop comment tu pourrais faire ça avec un gameplay genre. C'est un trailer de conférence. Voilà. Mais ça sent un peu la scène fin de séquence quoi. Mais il faudrait qu'il y ait d'autres trucs que se placer au-dessus des mecs et les attacher et les taper. Après, j'ai entendu dire aujourd'hui, et j'ai vu une news comme quoi il y aurait des scènes de gameplay où on jouerait en tant que Peter Parker et tout, qui aurait un job et tout, de journaliste, pas je pense. Quoi. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir les deux facettes, Peter Parker, Spider-Man. Parce qu'on est dans un monde ouvert, donc apparemment tout sera accessible d'entrée de jeu. D'accord. Plusieurs combinaisons de Spidey. C'est une exclu PS4 du coup. Ouais, c'est une exclu PS4. Pour le coup, bien balancé sur Xbox parce que ça a bien plu aussi, ce truc-là. Ça sort quand ? On sait ça ou pas ? Je sais pas, moi. 2018, je crois. Ça sortira pas au même moment que le film. Ok. Je sais pas si vous avez d'autres jeux. Moi j'avais quand même mis Mario et les lapins crétins pour le coup. Mais plus pour la. En fait, moi je savais pas du tout ce que c'était, j'avais pas regardé les fuites avant, etc. Donc j'ai découvert le jeu au moment de la conférence. C'est Ubi, qui était le jeu d'ouverture de la conférence, donc un jeu important pour Ubi. Et en fait, je savais pas du tout même quel gameplay ça allait être et tout. Donc là, j'ai vu que c'était un truc un peu à la XCOM. Moi j'ai jamais essayé XCOM, donc je me suis dit, écoute, pourquoi pas. Enfin voilà, ça m'a surpris de savoir que ça allait être ça. Comme le disait Shin sur la Switch, je suis pas sûr qu'on aura grand chose à faire. Sur les jeux de tir. Tu vois le truc, c'est. Franchement, je vais le prendre parce que sinon, j'achèterai rien sur cette console. Non, mais j'en suis déjà là, regarde, j'ai acheté Arms. Tu vas acheter Splatoon. Je vais acheter Splatoon, mais je vais acheter tous les jeux qui sortent en fait, parce qu'il y en a un par mois, quoi, en gros, et donc c'est pas tous beaucoup. Tous les jeux Nintendo qui sortent. Voilà, c'est ça tous les jeux qui sortent. Le but de Nintendo, c'est de te faire acheter leurs jeux. Et du coup, Mario et Lapin Crétin, je me suis dit, on va regarder ce que c'est. Alors c'était plutôt une bonne surprise quand même. C'était plutôt une bonne surprise, que ça soit visuellement. C'est bien, c'est soigné visuellement. En termes de gameplay, ça m'intrigue. Je m'attendais pas. Les retours sont plutôt bons, apparemment. Je pense que c'est par contrat, t'as pas le droit de faire un jeu Mario dégueulasse. Il y en a eu. À mon avis. Les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, là, il y en avait des pourris. Ah ouais. C'était pas mauvais, mais bon, c'était pas non plus. Mais Mario, il est pas dégueulasse, quoi. Il est pas moche. Ah, tu veux dire visuellement ? Ouais, visuellement. Ouais. Tu vois. Ils peuvent pas faire une stage de travail. Ouais, non. Le personnage, il est pas. Là, ils l'ont vraiment. C'est quand même bien. C'est bien chiadé, comme on dit. J'avais mis Beyond Good and Evil, alors c'est pas vraiment un jeu. Le trailer de Luc Besson. Ouais, moi, ça m'a plu. C'est stylé. Méga stylé. En plus, l'accent british écossais, je sais pas lequel des deux c'était. Ah, c'est ça, le trailer a marché sur moi. Ça a fonctionné. Vraiment. Sincèrement, mortel. Moi, je veux voir le film. C'est un peu ça. J'ai envie de voir le film. Est-ce qu'il y a un jeu derrière ? On ne sait pas trop. Il y a un jeu derrière, a priori, qui ressemble à. Qu'est-ce qui a fuité ? Ils ont dit que ça ressemblait à. C'est un peu du No Man's Sky, mais une version un peu réussie, parce que tu peux voyager dans plein de planètes différentes. Non, c'est pas ça que j'ai lu. J'ai lu un truc, j'ai oublié. Merde. J'aurais bien aimé savoir la fin de cette phrase. Mais on devrait en voir des vidéos d'ici peu, apparemment. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, là, bon, très bien réussi. Moi, ça m'a plu sur le principe. J'ai pas fait le premier, j'en ai rien à foutre. Salaud. Bah non, mais c'est un jeu culte qui a pas marché. Ah, mais il était bien. Bah, c'est un bon jeu. Pourquoi il a pas marché ? Pas beaucoup de pubs à l'époque, puis c'est vrai qu'à l'époque on s'intéressait pas aux héroïnes, aux choses comme ça, aux choses trop différentes dans le jeu vidéo. Je pense qu'il y a eu un contexte qui était un peu. Est-ce qu'on peut jouer au premier là ? Par exemple, les mecs qui ont, ils sont dit allez. Est-ce qu'on peut jouer au premier là maintenant sur PS4 ou Alors PS3 et One version 360. Ok, bon. C'est encore la PS3 ? Non. Non, PS4, non, il n'est pas encore porté. Bah, c'est chum alors. Oh, ils le feront sûrement avant la sortie du 2. Ouais, ils vont le ressortir. Ouais, je pense. Ouais. Toi, Julien, t'avais d'autres jeux encore ou pas ? Non, un jeu dont on n'a pas parlé, c'est Far Cry 5. Je sais pas si ça a associé quelqu'un avec les suprémacistes blancs. Si, ça a l'air sympa. Parce que j'ai l'impression qu'on peut jouer en coop. Ouais, apparemment. Ouais. Dans les autres Far Cry, je crois qu'on on pouvait pas jouer en coop. Moi, je suis pas trop Far Cry, hein, mais ouais, je crois que Jim, toi, tu les as fait. Moi, je fais que 3 et je joue tout seul. Non, justement, j'en ai jamais fait. Là, le contexte me plaît vraiment avec les rednecks et tout. Ça a l'air d'être vraiment bien cool, bien marrant. Donc là, je pense que je vais me laisser tenter. Quoi. Celui-là, je l'essayerai. Ah, il avait l'air assez original, en tout cas. Bon, écoute, on verra. Ouais. Moi, il m'a pas plus marqué que ça. Quoi. C'est why not. Mais ouais, c'est plutôt sur cette note-là aussi. Moi. Et dernier jeu que je m'étais noté, on n'a pas parlé du remake de Shadow of the Colossus. Bon, voilà, c'est un remake, hein, mais c'était une des seules annonces de la console, en fait. C'était une des seules surprises la conférence de Sony. Monster Hunter World, c'était peut-être aussi une des annonces, puisque c'est le jeu Monster Hunter qui revient sur console de salon. Ouais. Dans un épisode qu'ils avaient baptisé 5 en interne, mais qu'ils ont appelé World pour quand même éviter au cas où ils doivent en refaire un chez Nintendo si la Switch venait à cartonner. C'était quand même plus beau que d'habitude, moins fermé que d'habitude. Voilà. Ce qui est embêtant, c'est le côté portable qui n'est pas là. Bah, c'est ça. Est-ce que ça va réussir à fonctionner alors que c'est une licence qui marche vraiment sur son côté portable ? Monster Hunter, ça doit être sur Switch, nulle part ailleurs. Ouais. Bah, y en a un qui sort, mais c'est le double X. Qui est un bon épisode quand même. Hein. Ouais, mais c'est juste une. Oh, c'est un portage. Mais ouais. Là, il a l'air quand même un peu plus. Un peu plus, quand même, un peu plus travaillé en termes techniques. Mais il faut qu'il soit sur Switch. Ouais, je suis assez d'accord pour le coup. S'il y a vraiment une console qui est faite pour Monster Hunter. Ouais, c'est vrai que ça. Bah, ça va être intéressant de voir l'accueil qu'il va avoir, notamment au Japon et un peu quand même en Occident où la licence. Au Japon, ça va marcher de toute façon, non ? Bah, il n'y a pas quand même il y a que 4 millions de PS4. Hein. Ah ouais. Tu vois, donc tu peux pas non plus espérer des ventes. Enfin, je prends plus. Enfin, moi, j'ai joué avec des potes au boulot à Monster Hunter sur 3DS, tu vois. Donc, j'ai besoin du côté portable. Ouais. En plus, la Switch, voilà, j'ai 2-3 collègues. Ah, je pense qu'ils en feront, hein, mais là, ils essaient aussi d'ouvrir un peu la licence à l'Occident. Ouais, non, mais c'est un peu le Monster Hunter Gaijin. Si le jeu est cool et c'est toujours bon. Et dernier jeu, c'était Detroit, on l'a juste évoqué tout à l'heure, donc le jeu de David Cage. Ouais, alors moi je suis pas client. Mais... voilà, apparemment techniquement ça on voit quand même, hein, ils savent toujours faire des jeux chez Quantic Dream. Est-ce qu'il paraît ? Après voilà, c'est une vision quand même de la SF un peu bas du front, un peu... Non, c'est vrai, non, je trouve toujours il y a pas quand même. Non, c'est toujours les autres androïdes. Enfin, tu vois, si il n'a pas vraiment. Il n'a pas avancé sur la question, quoi. Sauf que David Cage, il est jamais très fin. Voilà, c'est ça. Et c'est pour les critiques que j'ai pu lire, je crois que j'ai lu le compte rendu de Game Cult, où en fait, il repointe encore ce défaut-là en disant quand le mec essaie de faire passer un message sous-jacent. Ouais, c'est avec les gros sabots, quoi. Le côté humain, c'est. Qu'est-ce que je disais ? C'est genre, il y a un truc dans un appartement, il y a un poisson rouge qui est par terre. Genre, c'est. Le sauver, pas le sauver, tu vois. Ouais. Est-ce que tu es pour la vie ou est-ce que press X to save, tu vois. pour la mort. Ouais. Tu vois. Moi, j'avoue que je suis assez client quand même de ces jeux. Quoi, mais, Même Beyond Two Souls, t'avais aimé ? Moi ? Ouais, Beyond Two Souls, t'avais aimé ou ? Ouais, moi je suis vraiment client, hein, que ce soit celui-là ou Heavy Rain. Enfin, je préfère Heavy Rain à Beyond Two Souls, mais. Les deux, je les avais trouvés vraiment sympas à suivre. Enfin, le côté un peu cinéma interactif, moi, je suis. Mais moi, je suis pour. J'apprécie, quoi. Moi, je suis pour qu'un créateur comme ça privilégie le scénario dans un jeu vidéo parce qu'il a envie de faire vraiment vivre des émotions et tout aux gens. Ouais, il propose un truc, ouais. Je suis vraiment pour. Seulement, il y a des jeux qui nous ont démontré, en fait. Déjà, il faut vraiment que le scénario soit bon, sans les gros sabots, ce qu'il a du mal à faire. Et deux. Il y a des jeux qui nous ont prouvé qu'il était capable de raconter une grande histoire qui était limite de nous faire chialer et de nous faire flipper et de nous faire vouloir connaître la suite en restant un jeu vidéo. Tu vois. On va penser à The Last of Us, par exemple. Il y a des exemples depuis qui montrent que... Je crois que tu avais des exemples de David Cage. Non, j'ai pas d'exemple de David Cage. Si, parce que le début de Fahrenheit, c'était quand même le début de Fahrenheit était très bien. Tu avais Nomad Soul aussi. Mais c'est pas très jeu vidéo, tu vois, finalement. Il y a des trucs qui nous ont montré qu'on pouvait raconter des histoires, qu'on pouvait faire de la narration, qu'on pouvait s'attacher à des personnages, mais tout en restant dans un jeu vidéo. Et du coup, c'est resté ce côté sectaire de « moi, je fais que du scénar, et le reste, c'est accessoire, parce que ce qui va vous transporter, c'est mon histoire. Si l'histoire, elle est moyenne. » Ouais. Ouais. Voilà. Donc, gros, c'est le risque. Mais sinon, voilà, ça reste un David Cage. Et... On a fini sur le 3. On a fini sur ce gros morceau de le 3. On n'a même pas parlé de Battlefront 2. Hein. C'était super bien. Putain, c'est parce qu'ils ont fait le boulot pour un autre place, quoi, en le montrant pendant 2h50. Là. Je sais pas combien de temps durait cette séquence interminable. Une demi-heure. Ouais, ça, c'était pas le grand moment de le 3. Mais un E3 que finalement, quand même, globalement, un peu mitigé, quoi, un peu moyen dans ce qu'on en retient par quelques annonces. Oui, voilà, bon, Nintendo, un E3 sans Ubi, risque. Ouais. Force tranquille. Un E3 papa. Un peu mou. Ouais, c'est ça. Un peu mou. Un peu bande mou. Ouais, un peu. C'est un peu ça. Ouais. Bon, un peu c'est ça, ouais. Ouais, je suis pas en forme. Je suis pas en forme cette année. Ah, on va passer au conseil et critique du coup, si ça te va, Julien. T'as terminé sur les annonces jeux vidéo. C'était forcément la grosse actu des annonces jeux vidéo. C'était ça. On va passer aux critiques et conseils. Quoi, là ? Alors là, bah, on va parler de la dernière rubrique où toi, par exemple, tu m'avais mis « J'ai vu House of Cards » dans cette rubrique. Ouais, mais... Je crois que c'est des critiques et conseils. Moi, c'est juste mon conseil critique. Ah, c'est juste le tien. Ah oui, j'étais en train d'essayer de faire le truc. Moi, j'ai pas le conducteur du... Ouais, alors j'ai vu House of Cards de saison, je sais plus combien c'est. 5 ou 6, là, où il devait être. 5 ou 6. Alors, je crois qu'elle est pas mal décrite. Moi, j'ai complètement arrêté de suivre House of Cards. Ça sent un peu la saison de transition. Ouais. Voilà. De transition vers la fin ou de... Non, transition. De transition vers on essaie de relancer un truc, tu vois. Ouais. Voilà. Ils ont clos des dossiers, c'est un peu mais pas clos, c'est expédié. Il y a plein d'intrigues qui viennent les unes par-dessus les autres. Ouais. Où tu penses que c'est important, mais finalement c'est vite expédié pour un autre truc que tu penses important. Mais c'est vite expédié. C'est un peu ce qu'ils faisaient dans 24 quand les saisons commençaient à être moins bonnes. Voilà. Donc là, il y a plein de choses qui sont assez expédiées, et des choses assez complexes parce qu'elles parlent du système électoral américain. Donc parfois tu fais, ouais, ok, bon, on va admettre que c'est chaud. T'as des trucs qui ont l'air importants qui sont pas. Voilà, un peu, ouais, tout à fait un peu mitigé. Sinon, non, j'avais noté Mission. Ah oui, alors ouais, c'est une série de science-fiction française. C'est une série de science-fiction française quand même, et c'est important de parler quand. Ah oui, j'ai essayé de regarder ce truc. Donc c'est sur OCS, donc c'est une création OCS. Ah, c'est rare que ce soit pas Canal qui crée une série française. Ouais, non, OCS. Orange en plus fait pas souvent ça, si. Je sais pas. Si, OCS, il y a quelques séries qui sont sorties sous le label OCS Signature. D'accord. Dont une paraît-il, qui est pas mal, que j'ai pas vu, qui s'appelle José. Ouais. Et qui en fait compte Jésus revenu sur Terre, mais en mode. D'accord. Mode maintenant, en mode maintenant, ouais. Il s'appelle José. D'accord. Il paraît que c'est très drôle. Donc Mission. Le pitch est pas mal. Ouais. Donc Mission, donc fiction française. Dans l'espace. On est capable d'aller sur Mars. Ok. La série commence et on y va. Et on arrive sur Mars. Et donc toute la saison se passe sur Mars. Pitch d'intrigue, donc c'est un milliardaire qui va aller sur Mars. Il est dans le vaisseau avec tout le monde. Le voyage dure depuis des mois. Et là, il va voir l'équipage... 24 heures avant d'atterrir, il fait écouter, regarder cette vidéo. Et là, tu as une vidéo d'un mec qui fait ne venez pas et tout, tu vois. Et là, en fait, ils apprennent que tu as une autre équipe qui est arrivée sur Mars avant eux. D'accord. Parce que tu as un autre milliardaire qui a réussi à développer une techno de propulsion nucléaire. Et les mecs, ils mettent 3 semaines à faire le voyage. Pas de chance. Okay. D'accord. Donc, ils sont arrivés. Le mauvais équipage. Pas de bol, ils sont arrivés une semaine avant eux. Voilà. Okay. Donc ils arrivent sur Mars et il y a toute une intrigue qui se déroule. Un peu horrifique du coup, genre il y a un truc qui se passe sur Mars, il faut pas venir. C'est pas horrifique. D'accord, ok. Non, c'est pas horrifique. Alors c'est pas long à regarder. Ouais. C'est pour ça que je pouvais la regarder. Elle fait 10 épisodes de 20 minutes. Ah ouais. C'est... Tu vois, c'est pas de la série 45 minutes et tout, tu vois. C'est un peu cheap. Ouais. Ah ouais. Tu vois. La vision de la SF à la française, ça rend à côté. C'est une vision un peu universelle là qu'ils ont de la SF. Et c'est un peu genre... vous savez, quand les... En fait, il y a un problème, je pense, avec les écoles d'acting françaises. Ah. Tu vois. Parce que je vais y venir, mais... Aux États-Unis, ils sont capables de tout jouer. Tu vois. Le mec, il peut jouer le fait qu'il est en train de parler à des raptors. Le mec, il peut jouer le fait qu'il est en train de faire une expérience scientifique qui tourne mal. Qu'il est dans un vaisseau spatial poursuivi dans Star Wars. Vite, passe-moi, allume les turboréacteurs. Tu vois. Et ça sonne bien, quoi. Et ça sonne bien. Ouais. Les mecs, ils y croient, tu vois. Ouais. Le mec, il fait... Hey, calm down, Raptor. Calm down. You know me, Mr. Raptor. Tu vois, les mecs, tu sens. Alors que le mec, il est devant un fond vert. Tu vois, tu crois, tu fais le mec, il a vécu avec des raptors toute sa vie. Il a. ils ont pas honte. Toi, les Américains, quand ils font le truc, ils font à fond. Là, le mec, ils font, ils sont dans la, dans la navette. Pour... Je sais pas ce qui se passe. La navette a un problème. Tu sens ce tremblement ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à activer le mode turbo. Il faut que quelqu'un désenclenche le turbine à la main, tu vois. Et tu fais. C'est pas que c'est mal joué, mais les mecs qui jouent, en fait, non. Ils font genre, tu vois. Tu sais, quand tu joues le truc en disant, ils font genre, ils font un truc, mais il y a un truc qui passe pas, tu vois. Ah, c'est ouais. Tu vois, ouais. Mais malgré ça, faut regarder parce qu'il y a un petit côté quand même attachant. Il y a une intrigue qui est là, bon. Qui est pas dégueu, qui fait genre aussi à l'américaine. Et je pense que ça aurait été fait un truc. Voilà, l'acting est pas top et tout, mais comme ça dure pas longtemps et que c'est attachant, qu'il y a des idées qui sont pas mauvaises dedans. Voilà. Je réessayerai peut-être parce que je te cache pas que j'ai essayé aussi ces trucs-là. Et moi, sur les 20 minutes, j'ai arrêté à la 15e minute parce que l'acting, j'en pouvais plus. Mais c'est un problème avec l'acting français. Ah ouais, moi, il y a des acteurs moins bons que d'autres. Ouais, je sais pas, c'était un des capitaines ou je sais pas quoi. Enfin bref. Non, on en parlait déjà pour 10%. Comment ça se fâcher sur son équipe. 10%, ouais, les gars, c'est pas bien. J'ai dit, oh la vache, j'arrête. Tu vois, 10%, on en parlait, t'arrivais pas à passer le côté acting. Ah ouais, il y en avait certains qui jouaient trop mal. Ah, 10%, ça parle, ça passe un peu mieux quand même. Ouais, ça joue bien. Mais je sais pas, les mecs qui sont pas dans l'espace. Ah, moi, je suis... Là, les mecs qui sont dans l'espace. 10% dans l'espace, ça va être dur. Ouais, je suis assez critique sur les acteurs français. Alors qu'il y avait des très bons acteurs en 10%. Il y en a des très bons. Et tu vois, Kevin Cotin, je croyais qu'il a joué super bien. Il y en a d'autres, certains, je disais, ouh là là, il joue là. Typiquement dans Mission, t'as le milliardaire qui est là. Il a toujours sa tasse de thé à la main. Il est lui. Et il boit comme ça. T'es genre. Tiens, à un moment donné, il est à côté de l'informaticien. Tu vois, la scène, mais putain, mais méga cliché. Le mec qui bosse comme un ouf sur son ordinateur. Et le mec, il est là comme ça, il fait. Le mec, il fait, tu peux arrêter, s'il te plaît. Fais quoi? Cette scène, tu l'as vue 1000 fois partout, tu vois. Sauf que c'est plus stylé chez les Américains que chez nous. Oh, je suis désolé, c'est toujours plus stylé chez les Américains. Là, c'est peut-être un peu le problème de la série, c'est qu'ils veulent un peu trop copier le truc. Ça a donné envie de la regarder. Tu vois, en termes de science-fiction, c'était pas dans l'espace et tout, mais on avait les revenants qui partaient d'un pitch quand même assez extraordinaire. Ouais. Et voilà. Et pour le coup, l'acting m'a jamais gêné. Au contraire, je trouvais ça super bien joué. Et là, pour le coup, l'acting était pas mal dans les revenants. Et voilà, c'est un peu comme Marseille. Voilà. Comme Marseille. Voilà, c'est mes missions, allez-y. Oh, je vais passer la parole à Julien pour sa recommandation ou alors sa critique, je sais pas trop. Non, bah pourquoi tu penses tout de suite que je vais faire une critique ? J'en sais rien, je sais pas. En fait, je vais parler de Camille. Donc Camille, la chanteuse que tout le monde connaît. Et je vois d'ailleurs à ta petite introduction que tu sais que c'est un sujet qui divise chez les fans de musique. Il y a des gens qui la trouvent assez fascinante pour sa liberté, son côté un peu hors format dans le milieu un peu étriqué de la chanson française. Et t'en as qui la trouvent horripilante, bon, pour ce côté un peu bruit de bouche, je suis pieds nus. C'est ça. Voilà, d'ailleurs, elle est passée. Il y a d'autres qui la connaissent même pas. Hein. Je suis une. Tu connais quand même un peu Dim. Tu connais ou pas Dim? Non, ce que je disais, il y en a d'autres qui ne la connaissent même pas. Tu vois, ouais. Bon, elle est quand même assez connue, Camille. Hein. Oh, Camille, non, elle n'est pas si connue que ça. Hein. Tu sais, à part Radio Nova et tout ça, d'autres radios ne la passent pas du tout. Et elle n'a pas vendu plus d'albums que ça non plus. Son premier a bien marché. Et après, Alors moi, bon, je l'ai découverte il y a quand même pas mal de temps. C'était à l'époque où elle était choriste chez Jean-Louis Murat et ensuite dans Nouvelle Vague. Ouais. Donc ensuite, elle a fait un premier album qui était assez chanson française, Le Sac des Filles, et surtout Le Fil, qui était un peu l'album qui l'a fait exploser avec Ta Douleur. Là, c'est son quatrième album après I Love You, qui était un peu, moi j'avais trouvé un peu en dedans. Et là, c'est en fait, elle garde des influences médiévales du précédent, mais je trouve qu'elle retrouve. Des influences médiévales. Mais si, elle avait des influences médiévales sur I Love You. Je passe ça jusqu'à ça me fait marrer. Bah, tu écouteras, tu écouteras. Gentes dames et damoiseaux. Non, il y a des choses un peu qui sont de la musique médiévale. Bah ouais, écoute, voilà, c'est des influences dans les sonorités, c'est pas c'est non plus des. Et voilà, je trouve que sur I Love You, pas Asperdem, mais il était un peu moins intéressant que les deux précédents, que Musical et que Le Fil. Et là, je trouve qu'elle retrouve vraiment le souffle musical et le côté, la liberté qu'elle avait sur sur ces deux albums-là. Donc, c'est un disque qui est assez physique, qui a beaucoup de percussions. Donc, c'est pour ça aussi que ça peut être très médiéval, parce que les percussions, c'est quand même très médiéval. C'est ce que j'allais dire. Voilà, il y a sa voix qui est quand même hyper reconnaissable. Elle fait l'intégralité des voix, c'est-à-dire tous les chœurs, toutes les harmonies. C'était déjà le cas avant, non? Dans les autres albums. Souvent été le cas, ouais, je crois que c'est pratiquement le cas tout le temps. Et voilà, et pour moi, j'en viens au principal, c'est que pour moi, c'est aujourd'hui la meilleure chanteuse française, c'est-à-dire techniquement, je trouve que c'est la chanteuse qui est la plus au point, c'est celle qui a pas du tout de. Tu vois, elle a pas un côté. Elle est pas dans une case en fait. Alors c'est pour ça que ça dérange un peu les gens. Mais il y a Louane quand même. tu vas vite en besogne. Et ouais, moi je trouve qu'elle est extrêmement singulière. Alors je reconnais que c'est un, voilà, il y a des gens que ça dérange et que ce le côté voilà, je te sors des trucs avec des bruits de beatbox, ça agaçait beaucoup de mes amis à l'époque qui aimaient bien le premier album qui était très chanson française. Même au niveau des textes, hein, c'est pas vraiment une chanteuse à texte, c'est plutôt une chanteuse à sonorité. Mais il y a eu des grandes chanteuses à sonorité. Tu peux penser à Lisa Gerrard de Dead Can Dance, à Elizabeth Fraser des Cocteau Twins, à Björk. Mm. Moi je trouve qu'elle est un peu de cette catégorie-là, c'est-à-dire que c'est. Je pense qu'elle essaye de faire sa Björk à la française. Hein. C'est un peu. Je pense qu'elle le calcule un peu quoi. Perso, moi, j'ennuie beaucoup moins que dans les albums de Björk. Je l'ai toujours pensé qu'elle le calculait un peu son personnage, un peu extravagant comme ça là. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment sur les, tu vois, sur l'émotion et qui a un côté un peu au-delà des mots et qui est vraiment guidé par la voix comme un instrument. Je pense que tu vois, Björk, c'est quelqu'un aussi qui utilise sa voix comme un instrument. Et c'est pareil pour citer Lisa Gerrard et Isabelle Fraser. Et voilà, moi je trouve que ça m'a, d'ailleurs ça m'a fait penser un peu à Dead Can Dance époque Towards the Within, mm. pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire où il y avait beaucoup de percussions, où il y avait aussi des influences médiévales ou des influences un peu presque world music. Et voilà, je trouve que c'est vraiment un excellent album, c'est peut-être son meilleur depuis Le Fil. Voilà, après, on peut dire que c'est l'album de la maturité. C'est l'album un peu du retour de la maturité. Il s'appelle pas juste Camille, tu vois, il a quand même un nom. Il s'appelle Oui. Alors voilà, c'est vrai que tu l'envoies des fois. Un peu, voilà, comme... non, c'est quoi, c'est Inuit. C'est Inuit, ouais, c'est pareil, quasiment. Mais c'est vrai que quand tu l'entends en interview, elle a ce côté un peu agaçant, un peu... voilà, un peu, qui disait ça, un peu bobo. Ah, mais moi, je te taquine, j'aime plutôt bien, hein, Camille, donc voilà, mais... Et moi, je connais pas du tout. Tu connais pas du tout? Non. Bon, t'as déjà dû entendre ta douleur, c'est un peu... T'as dû entendre sans connaître, peut-être, mais on te fera écouter après en off, tu verras, tu connaîtras peut-être. On mettra pas un morceau, je choisis autre chose. Non, t'as choisi autre chose. On va rester dans la musique pour l'autre conseil, ouais, l'autre conseil de Dimitri. Et là, c'est un style complètement différent. Hein. On est dans la musique médiévale aussi, mais pas vraiment pour les mêmes raisons. Je vais vous parler de Zille and Harder. Donc, c'est un groupe bien original qui mélange rock, blues, électro et black metal, pour résumer la chose. Ou comme eux, ils aiment bien se qualifier, enfin le groupe aime bien se qualifier de gospel satanique. Donc ce projet bien barré, on le doit à Manuel Gagneux, un suisso-américain ou américano-suisse, hein, je ne sais pas trop comment on dit. Et ce groupe vient à la base d'une blague du bonhomme lancée sur les forums du site 4chan, où il demandait aux utilisateurs de choisir un mix improbable entre styles de musique très différentes, et lui, il devait les reproduire. Cette blague, ça a donné un album qui s'appelle « Devil is Fine », et je vous conseille vraiment de l'écouter car il mélange parfaitement ses styles. Et une fois qu'on dépasse, on va dire, le côté curiosité de la chose, on est assez bluffé sur la facilité qu'a le groupe à mélanger les genres. Ouais. Un titre qui résume bien l'album, c'est Come Undone, ou alors encore aussi Don't You Dare. Moi qui suis fan de métal, j'ai du mal à trouver, on va dire, de la vraie nouveauté, même si c'est mon genre de prédilection. Je trouve qu'il tourne un peu en rond ces dernières années. Alors donc, tomber sur un album comme ça, ces derniers temps, voilà, ça fait vraiment du bien, quoi. Je pense que ça vaut le coup d'être écouté. Je mettrai des liens. On mettra ça sur upcast.fr. Venez voir, parce que donc Zille, Z-E-A-L. Et Ardor, A-R-D-O-R. Voilà, vous trouverez ça sur Google et on en mettra sur upcast.fr des quelques petites vidéos, parce que c'est vrai que moi j'ai été voir les liens de Dim, mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal aussi. Alors après, l'aspect black metal. Ouais, je trouvais ça pas mal. Après, l'aspect black metal, quand il commence à vraiment gueuler, j'ai commencé à décrocher un peu parce que voilà, je suis moins fan. Il paraît que c'est une performance vocale. Hein. Ah non, mais eux ils sont monstrueux techniquement en plus. Hein. C'est vraiment là. Le chanteur, il est juste fou. Hein, ils sont bluffants. De passer du blues au black metal, faut y aller quoi. Ah ouais, ça me fait un peu penser. Tu viens, mec, à l'Eurovision comme ça. Ça me fait penser à l'Eurovision. Non, ça me faisait penser à Mr. Bungle un peu. Tu vois ce côté un peu complètement fou. C'est une de ses influences qu'il revendique. Enfin, le gars, j'ai déjà vu plusieurs fois de ses interviews. Il écoute vraiment énormément de choses très très différentes. Ouais, ça se ressent en fait. C'est pour ça que je trouvais que c'était plutôt réussi. Donc, j'approuve ton conseil. Tout comme Camille et House of Cards saison 5 ou 6. Et donc, le truc dans l'espace des Français qui jouent ça, mal. Je vais le voir. Mission. Mission. On va passer aux sorties ciné. On va finir avec les sorties ciné. Donc c'est les 15 prochains jours au ciné. Et toi, t'as été voir quelques bandes annonces ou pas? T'as eu le temps de voir ce qui sortait? Non. Ces 15 prochains jours au ciné. Bon, on va te raconter. En gros, le 21 juin, il sort deux gros films. Hein. Baywatch, qu'on a tous sélectionné. Ah si, j'ai vu la bande annonce. Ça, t'es obligé de voir la bande annonce. C'est un peu notre. On est partenaire de ce film, c'est ça? Alexandra Daddario. On est partenaire d'Alexandra Daddario. On aimerait bien être partenaire. Voilà. T'as cité le principal argument, Alexandra Daddario. C'est le seul en fait, hein, je crois. Hein. On peut passer à la suite. Voilà. Ah non, il y a le rock quand même. Il y a le rock, faut pas oublier. Rock. Il y a le rock. Apparemment, c'est pas terrible quand même. Non, apparemment, c'est une grosse bouse. Mais bon, c'est le film de l'été rigolo, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, je suis un peu déçu parce que je m'attendais un peu à un film, on va dire, de la mouvance des 21 et 22 Jump Street. De la maturité. Est-ce que c'est pas le cas? Non, un peu con, un peu vraiment fun. Et apparemment, tout, c'est moins bien que ça. Pas très drôle, apparemment, c'est vraiment pas drôle, quoi. Ah, dommage. Ouais. Et donc, l'autre film qu'on a sélectionné le 21 juin parmi tout ce qui sort, tous les trois, on a pris le même, It Comes at Night. Alors, film d'horreur. Ouais, qu'est-ce que tu sais même plus pourquoi j'ai sélectionné parce que je le mélange avec le truc où ça répète la mort. C'est vrai que c'est des dizaines de fois là. Ouais, c'est un peu ça. Non, je crois que non, si j'ai bien aimé la première partie de la bande-annonce là où ils sont à l'extérieur, il y a pas un truc en forêt là. Ils sont dans une forêt. Ouais. Je trouve que l'ambiance est pas mal, mais alors après ça. Ils doivent rentrer la nuit, on sait pas pourquoi. Ils doivent s'enfermer, il y a qu'une seule clé, etc. Et oui, ça c'est ce côté, voilà, ils peuvent pas aller ça fait un peu à la Lost où faut pas aller ouais, le soir. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais on sait pas trop si c'est quelqu'un qui ment, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose le soir ou pas. Il semble qu'il y ait une histoire de virus. Non, je t'avouerais qu'il y avait pas grand chose d'autre le 21. Donc, non, il y a pas grand chose. Toi, Dim, tu t'en sais un peu plus peut-être sur ce film, toi qui es assez branché, film d'horreur. Bah écoute, pas du tout quoi, j'en entends beaucoup parler, ouais. Je crois qu'il a fait pas mal le tour de festivals, hein, comme dit Chine, mais après j'en sais pas plus, j'ai pas trop voulu m'intéresser justement pour pas me spoiler le truc quoi, mais non je sais pas, bah réponse bientôt, on réponse ira voir. Réponse le 21 juin. Voilà. Écoute, l'interroger Dim, c'est ça. Hein. Merci Dim pour cette... Ça y est, Julien est fatigué, il commence à balancer. On va passer au 28 juin. Enfin, bah, j'avais rien à dire sur le film, donc je me suis dit, Dim va un peu me sauver la mise. Non, Julien, qu'est-ce que tu nous sors pour le 28 juin? Je ne sais plus ce que j'ai noté. Chercher la femme et grand froid. Ah oui, chercher la femme, personne ne l'a mis. C'est, Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est avec Camélia Jordana. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est un type... La chanteuse. Ouais, la chanteuse. D'accord. En fait, c'est un couple qui va se marier. Ouais. Et en fait, je crois, le frère de l'une revient et il s'est un peu radicalisé. Mais c'est une comédie. D'accord. Et donc, le type va se déguiser avec un voile pour pouvoir donc faire passer pour une femme. Ah, j'ai vu la bande-annonce. T'as vu la bande-annonce? J'ai trouvé ça assez culotté. Attends, oui, c'est ça. Et le mec, ouais, le mec se déguise en meuf voilée pour aller ce truc. Et son frère tombe amoureux de la meuf voilée, sans la voir. Voilà, sans la voir. Et donc du mec. Du mec. Mais c'est pour faire quoi en fait? Pourquoi il se voile en fait? Pourquoi il se cache? Pourquoi il se déguise? Parce que son mec est un... Attends, c'est son frère qui est radicalisé. Ouais, c'est son frère qui s'est radicalisé. Et donc en fait, elle est tombée amoureuse, donc, entre guillemets, d'un Français. D'accord. Toi, mixité des genres, waouh. Sauf que son frère, il fait, il n'y a pas moyen et tout, tu te marieras avec un Tunisien ou genre, c'est rien du tout, tu vois, une connerie comme ça. Et... Non, on n'est pas plus fort que l'amour. Et donc le mec, pour voir la nana, bah, en fait, il se déguise. Il dit bonjour, je suis sa copine Fatima. Et il arrive comme ça, voilà. Mais ça t'a plu, toi. Bah, j'ai trouvé que c'était culotté de faire un film sur un sujet pareil en faisant une comédie. Ouais, parce que le frère est quand même, il doit être fiché. Du coup, il a quand même pas l'histoire. Du coup, c'est le. Du coup, j'ai dit, je fais mais qu'est-ce que c'est l'humour. En fait, c'est l'humour un peu tendu. Toi, les mecs, ils ont pris un risque là. Tu fais ah ouais quand même. Ouais. C'est exactement ça. Je suis pas sûr que tu fasses chier les bonnes personnes en ce moment. Vas-y, mollo avec ton vas-y, film. Vas-y, mais pourquoi pas? On a invité à l'avant-première, mais on va pas y aller. Mais, mais comment les mecs ont dit on va financer ce film? Il vaut mieux rien. Cool quoi. Surtout que le mec, du coup, tombe amoureux du mec parce qu'il est voilé. Il le voit tout le temps que voilé et il se dit mais elle doit être trop ouf cette meuf, il faut que je me marie avec elle. Tu vois. Ok. Voilà, chercher la femme. Et donc Camélia Jordana en actrice principale. Oui, voilà, c'était surtout le pitch du film. Là, le pitch est complètement dingue, j'avoue. Voilà. Et t'as mis Grand Froid, moi aussi je l'ai mis. Ouais, parce qu'il y a Bacri, parce que ça ressemble à un mélange entre. Je sais même plus ce que j'ai mis, que ça ressemblait comme mélange d'ailleurs. Si, entre Fargo, il y a ce côté un peu le froid, et un autre film, je ne sais plus ce que j'ai mis, je suis fatigué, il fait trop chaud. Non, mais écoute, c'était c'est une comédie, hein. Clairement, en gros, vous êtes client de Bacri, il est fait pour vous, ce film. Il va pousser son petit coup de gueule, tu regardes la bande-annonce, il fait du Bacri à 100%. J'ai retrouvé, c'est Six Feet Under, parce que dedans, c'est des croque-morts. Ouais, c'est des croque-morts, ouais, c'est ça. C'est Six Feet Under meets Fargo. Ouais, j'espère que ça sera aussi bien. Tout dans la bande-annonce. C'est bien vendu ça. Il y a des trucs dans la bande-annonce qui me laissent penser que c'est quand même pas si bien que ça. Bon, bref. Mills Mission en français, tu vois. Voilà, Mills Mission en français. Dim avait choisi aussi The Last Girl. Ah, on en avait parlé. Ouais, ça. Bah, on en avait parlé. Son petit côté, trailer. 28 jours plus tard, hein, comme on avait déjà parlé. C'est dans un film de zombie. Un trailer. Ouais, c'est une sorte de film de zombie, mais un peu différent. On a l'impression avec des enfants ou je ne sais quoi. Un peu différent. Bah ouais, pareil, j'ai pas grand chose à dire dessus, hein, j'ai pas voulu spoiler le truc. Merci. Toujours dit. Toujours plus-value de qualité dans le film d'après. Est-ce que t'as envie de parler de Sans Pitié du coup? Parce que alors là, pour le coup, je ne sais même pas ce que c'est. Bah pareil hein. Non, en fait j'avais juste vu l'affiche sur notre partenaire Allociné. Ah oui, il y a marqué Tarantinesque. C'est celui-là. Ouais voilà. Alors déjà ça fait un peu peur parce que voilà, il y a que Tarantino qui arrive à faire du Tarantino hein. Ouais. Mais bon, en même temps c'est un polar coréen et généralement les polars coréens c'est toujours bien badass, bien nerveux, donc Je sais même pas si ça va sortir près de chez moi, mais bon, si ça sort, j'irai peut-être le voir. Non, mais de toute façon, on sait très bien ce que tu vas aller voir le 28 juin, dis-moi. Je tourne autour du pot, toi-même tu le sens, toi-même tu le sais. Tu l'as mis en premier dans ta sélection. C'est Transformers, bien sûr. Et combien tu aimes l'épisode alors ? Ouais, bah écoute, je suis un vrai connard parce que je déteste et tout, mais bon, à chaque fois, c'est, l'envie est trop forte de voir des robots qui se foutent sur la gueule sur un écran géant. Et puis là, en plus, il y a des chevaliers, il y a des nazis. Et tout, enfin voilà quoi, ça fait envie quoi, mais bon, ce qui fait chier, c'est que ça dure toujours 2h40, et c'est mille fois trop long quoi pour un film qui a pas d'histoire. Voilà. Il reste qui alors des originaux là? Il y a plus Megan Fox, il y a plus machin, il y a plus. Ah non, il y a plus que Mark Wahlberg, et encore, il a dit que c'était son dernier, il a arrêté. Et toujours Michael Bay? C'est le dernier de Michael Bay, je crois aussi. Ouais, c'est aussi le dernier de Michael Bay. C'est le combienième d'épisode là? C'est le sixième? C'est le cinquième. Mais bon, Michael Bay, je crois qu'il avait déjà dit ça aussi à la fin du 4 et il est quand même revenu pour le 5, donc bon, méfiance hein, quand même sur ses paroles. Et juste pour dire aussi, j'avais préparé une news, puis je me suis dit, oh, on s'en bat les couilles, c'est Transformers, ça vaut pas le coup, mais là il y a plein de spin-off qui vont être préparés. Un sur Bumblebee, où ils veulent essayer de faire un feeling de géant de fer et qui se passerait dans les années 80. Et un autre un spin-off où ça se passerait que au Moyen-Âge, quoi. Donc voilà, ouais. Super, on va s'en bouffer plein. On attend ça avec impatience. Ouais, on a fait le truc qui se transforme en carriole et tout. C'est ça. En quoi ils vont se transformer les trucs? En château fort. déjà dans les images en Fortin. Du dernier, t'as des Transformers qui ont un peu un look chevalier comme ça, tu vois. Donc, En instrument de musique pour Camille. Oups, dans la chaleur de la soirée, on a oublié d'enregistrer la réponse à la question de Dim, donc on vous la donne quand même en post-prod, et en fait c'était bien le détecteur de mensonges hein, qu'avait inventé également le créateur de Wonder Woman, donc voilà, Julien et moi, on a un point, désolé Shin, tu as perdu, voilà, tu l'apprends peut-être en écoutant ce podcast. Justement, on va avoir fait le tour un petit peu du podcast. En général, en finir musique, Julien, est-ce que c'est toi ou c'est Dim là, qui a sélectionné? Moi, c'est moi. Alors, bon, je me suis octroyé le droit de sélectionner un morceau. C'est un morceau de Cigarette After Sex, donc okay. un des noms les plus classes de cette année. C'est un groupe américain qui est emmené par Greg Gonzalez, qui a sorti un premier album éponyme, donc qui s'appelle Cigarette After Sex. Il est tout noir avec écrit dessus. J'avais déjà mis le morceau sur la playlist d'Upcast que vous pouvez retrouver. Voilà, les nombreux abonnés le savent. Les 12 abonnés de la playlist. La playlist la connaissent. Cette playlist de plus de 150 morceaux, je ne sais pas, c'est vraiment la folie. Et c'est un groupe qui est en train de venir un peu hype, tu vois. Et là, ils sont un peu, je pense qu'on va les voir dans les pubs pour les parfums, avec un nom dans pareil, les supermarchés, dans les dîners mondains. Ça va devenir très chic, malheureusement. Et là, ce sera de la merde. Et ça sera de la merde. Voilà. Tu as totalement bien résumé le système de pensée quand un groupe passe du hype au buzz et au chic. Et là, ça devient la fin. Mais c'est un très bon morceau. C'est de la dream pop, un peu ce que faisait Beach House. Est-ce qu'on peut dire à partir du moment où c'est le générique du Petit Journal ou de Quotidien, c'est mort? Ah, c'est, ouais, voilà, ouais. C'est un peu ça, ouais. Ça va venir vite là dans les décos, les machins. Ouais. En fond musical. Après, ça reste quand même un groupe qui est un peu plus connu aux États-Unis, qui est déjà sorti de l'hype aux États-Unis, mais qui en France là, on en entend un peu. Le morceau s'appelle comment là? Apocalypse. Cigarette After Sex. C'est très très doux, très très beau, très assez sensuel. Bon, on va vous laisser là-dessus. Voilà, c'est bien pour finir la nuit et dans la chaleur. Est-ce qu'on finit peut-être la saison là-dessus? On ne sait pas encore. On en reparlera. Donc, on vous tiendra au courant par Twitter. Venez nous voir sur upcast.fr. Mettez des étoiles, tout ça, tout ça. On vous le dit à chaque fois. On vous retrouve peut-être dans 15 jours, sinon à la rentrée en septembre. Merci encore, Shin, d'être venu pour ce long podcast, comme d'habitude, d'avoir débriefé avec nous sur l'E3 et sur les news divertissement. Peut-être qu'on se retrouvera à la rentrée. On te retrouve sur Twitter, comme on dit dans les... Oui, je suis sur Twitter. Shin Izoka. Exactement, je suis par là. À Shin Izoka, on le mettra sur le lien du podcast. Merci encore, et puis bah, on vous dit à bientôt. Salut à tous. Bye bye. Salut tout le monde. lips, apocalypse.